de sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, 23h30 comme d'habitude. Ah, j'ai remarqué que dans le générique, il n'y avait même pas l'heure. C'est oui. Dire à quel point vous êtes ponctuel. Bon, bah on inventait la demi-heure Indestar. Ouais, de retard non, au c'est moins. C'est très bien. Tu vois, grâce à nous, Théo, on a inventé un truc en plus. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est une constante chez Indestar. On commence à l'heure. Oui. Mais on finit pas à l'heure. On vous donne... En fait, c'est un peu comme le rab à la cantine, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le bonus. C'est le rab, ouais. Bon, par contre, j'espère que c'est meilleur que la bouffe de la cantine, tu vois. Non, mais pas match. Hein. Attends, c'est une cantine de luxe ici, hein. Super luxe, hein, attends. Hein. Bah, la semaine dernière, oui, vous aviez eu du bon rab avec Woodmake. Bah, ça, oui, oui. Un sacré restaurant d'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez raté, oui, n'hésitez pas à aller écouter en podcast l'émission Peck Avenger Woodmake. Qui est sur indestar.fr. Ouais, puis il y a une petite vidéo aussi sur YouTube et sur Facebook que vous pouvez retrouver avec les lives qu'il a fait. Avec et très sincèrement, cette émission n'est pas ratée quand même, parce que là, franchement, celle-là. On n'a pas eu la demi-heure de retard, là, par contre, on a eu légèrement plus. L'heure et demie de retard. C'était pas 1h40 Peut-être. Ouais. Je crois qu'on a mangé la galette à 1h du matin. Ah oui, parce qu'il y a eu des off aussi. Oui, il y a eu un off après. Forcément, il y avait une galette en plus. Alors, il y en a qui font la troisième mi-temps. Nous, c'est la troisième, voire quatrième, voire cinquième heure qu'on fait. Tir au but. Tir au but pour l'AS Indestar gagnante. Tout à fait. Là, tu me perds. On parle de football. Là, moi, je connais que tir au but. Si tu commences à parler de hors-jeu, tout ça, alors là, je suis perdu. C'est quoi un tir au but, d'ailleurs? Ah bah, tir au but, si, je sais. C'est quand les équipes sont égalité avec les prolongations. Ouais. Ah, il y a tir au but. Donc, y a une équipe qui tire dans le but de l'autre. Et puis après, inverse. Etc. Il faut marquer un certain nombre de buts pour gagner. Enfin, celui qui marque le plus de buts a gagné. Dis donc, il n'est pas complètement ignare. Ah, t'as non, vu, ce que je croyais. Il fait des progrès, Théo. Hey, j'ai joué à FIFA 2001. Il y a des restes. J'étais à peine né. Donc, c'est dire. Je me rappelle de la BO encore. Il y a presque un truc que tu aurais pu corriger parce que c'est pas un certain nombre de buts. C'est qu'il y en a un qui dépasse l'autre, c'est bon, quoi. Bah, en fait, en théorie, tu tires les 5 premiers. Ouais. Si t'as, par exemple, Théo 3ème qui a 3-0, bah celui-là qui a 3 tirs à 0, il a gagné. Oui. Vu que l'autre ne peut pas remonter. Mais si t'as égalité, tu continues. Mais après, dans le futur, peut-être que les règles changeront. Bah, j'espère, parce que je trouve ça très injuste en fait, ce genre de match où tu termines au tir au but. Bah oui, mais alors c'était tirage au sort sur tapis vert, comme on dit. Donc, ça j'aime bien. Non, mais moi je pense que ça pourrait se terminer en duel de capitaine avec des vraies armes comme autrefois. qu'est-ce que vous en pensez si on mettait Bébert comme juge arbitre? Ne rappelez pas Bébert, je vais avoir des cris. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, c'est quoi Bébert? Alors, Bébert, c'est le cochon. Non. Pour expliquer, la semaine dernière avec Woodmike, on a fait un sketch où justement Teddy faisait le serveur dans un restaurant. C'est donc... Ah oui, totalement. C'est une impro, on a fait fort. Il faut préciser que l'invité du restaurant, c'était Woodmike qui était, et Océane. Qui était invité par Océane. Oui, qui était invité par Océane au Indestar. Pour ses 20 ans. Donc. Voilà, oui. Oui, parce qu'on ne fait pas que de la radio, on fait aussi des restos. Hein, on diversifie. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça rime d'ailleurs, radio, resto. Même nombre de pieds. Ouais. Voilà, c'est... Comme Bébert. Comme Bébert, voilà. Des pieds de porc, justement. Voilà, c'est... Mais donc, on va peut-être changer pour aller dans le monde des crêpes aussi un peu quand même. Ah, il paraît. Ouais. C'était un futur proche, ça d'ailleurs, les crêpes. Hein. Mais j'ai pas eu cette info comme quoi c'était la chandeleur, tout ça. De toute façon, t'as aucune info, Théo. Bah non, mais le problème, c'est que je suis au régime. Bah, ouais. C'est vrai. Bon, après, si Daniel fait des galettes, je suis obligé de les manger, tu vois. Mais dans l'idée, je suis au régime. Attends, je t'ai pas forcé. Ouais. Hein. Oui. J'aurais même bien mangé ta part d'ailleurs, hein, si tu l'avais pas mangé. Hein. Mais bon, j'allais pas non plus. C'est un régime Théo, après, c'est ça. Fasse honneur. Ouais. C'est un régime Théo, c'est ça. C'est un régime sur la durée. En fait, je me mets 6 mois pour perdre 6 kilos, tu vois. Et un régime d'émission, tu y as jamais pensé? Un régime d'émission? Oui, t'en fais de moins en moins. Ah, bah j'ai pas l'impression. Bon bah voilà, t'as déjà raté. J'étais là lundi, j'étais là mercredi, j'étais là jeudi. Ouais. Pour un truc ça où tu connais rien en plus, quasi. Ou quoi, la pop culture, attends. Bon, je connais la musique. Oui. Je connais. Le cinéma. Ah, c'est raté. Non, très peu en vrai. La télé, les films, jeux vidéo, livres. Non, ça, non. Il connaît la technique. Oui, papa. Bon, allez, je crois que. Mais la musique, quoi. Ouais. C'est déjà pas mal, on va dire. Pas l'autre, celle-là. Et nous, on connaît les paroles aussi. N'oublions pas les paroles, c'est ça. Non, mais dis donc, si on le faisait chanter, hein, avec tout ça. Non. Non. Je chante suffisamment chez Indestar pour que ça reste le mercredi soir. Ça me fait suffisamment mal aux oreilles à chaque fois dès que je l'entends. Il y a un certain nombre de gens ici qui aiment chanter, mais alors de là chanter bon. Ah ben voilà, c'est ça. Ça, c'est autre chose. C'est un peu comme les gens qui chantent pas et qui lisent les titres des chansons. Enfin bon, bref. Non, mais c'est un peu pour pourquoi ça. J'ai l'impression qu'ils me visent. Non, mais le coup de chanter, c'est un peu pour ça qu'on invite des chanteurs de vrai de temps en temps. Pour comparer. Voilà. Pour vraiment. Pour vraiment que eux se mettent pas match. Qu'on leur donne des cours, quoi, finalement. Bah, y'a pas match, hein. Bah, non, hein. Bah, on leur donne des cours, mais on a jamais gagné encore. C'est bien parce qu'ils ressortent d'Indessa, ils sont moins bons que quand ils sont rentrés. Ça, ce serait de gag. Ah, oui, non, mais un pro de la radio, tu le fais venir chez Indessa, et le lendemain, il est pas bon sur sa radio. Hein. C'est ça. Ah, bah, certainement. Ouais. D'abord, il a tellement débordé, il fait plus attention au temps, il imite Bébert, enfin. Oui, parce que c'est devenu un peu la mascotte, on en a parlé depuis. Hein. Oui, vu qu'on a réagi notamment avec Daniel, puis. Donc, on a dit, mais dans chaque pop culture, on va dire, dans chaque manga, tout ça, c'est régi par des mascottes. Tu as une mascotte, par exemple, Fairy Tail, tu as Happy, le petit chat bleu qui vole. Par exemple. Je ne connais rien de tout ça. Oui, non, mais toi, tu connais rien. De toute façon. Tu le sauras maintenant, voilà. Même si tu connais pas. Hein. On va dire, dans chaque truc, tu as forcément un chat, un chien, un truc qui Tom va ressortir. Tom et Jerry, vraiment. Titi et Gros Minet. Bah non. Bah, non, y a un chat. Par exemple, lui, bah, je voilà. Pensais pas à ça, mais oui. Félix le chat. Il s'appelle non, ça, t'as dit. Alors il y a Spike, voilà. Il y a Spike, le chien avec Titi et Gros Minet. Il y a un chien, il s'appelle Spike. On le voit moins souvent. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pour revenir à la mascotte, donc nous, notre mascotte à PK Avenger 2.0, c'est le cochon Bébert. On a décidé ça d'un commun accord, sans tout le monde, mais d'un commun accord quand même. Entre deux personnes. Mais moi, ça me gêne un petit peu parce que, enfin, je sais pas, j'aime bien faire les cris du cochon et je me dis, ça va revenir tôt ou tard si vous me forcez. Et je me retiens là. Attends, je suis en train de saisir cette information. Oui. Moi, j'aime bien faire le cri du cochon. quel moment le soir, quoi, ça peut être bizarre. Non, mais disons que si on me lance dessus, après ça n'arrête plus. Donc, non, on va pas te donc c'est pas, une bah, c'est pas une bonne idée. On donc. Va aller dans le futur alors plutôt. Ouais, bon, on parle des crêpes ou pas alors. Ouais, on va parler de la chambre. Bon, parce chambre 2023. Parce que moi, je me demandais si vous saviez de quelle était l'origine des crêpes en fait. Du pourquoi parce on mange des crêpes à la Chandler ou des crêpes tout court. Parce qu'en fait, il y a des gens qui revendiquent le fait que c'est eux qui ont créé les crêpes, machin. Revendique que ce n'est pas moi qui ai créé les crêpes. Et on en a en France qui disent ouais, les crêpes, c'est chez nous. En c'est, Bretagne. C'est les meilleurs, voilà, par exemple. mais en fait, des crêpes, il y en a dans le monde entier. Certainement, bah oui. Ce qui est fascinant, c'est qu'il en existe des tonnes et des tonnes de différentes. Et en fait, nous, on voit une crêpe, on la voit large, plate, fine, machin, truc. Mais oui, ça peut être beaucoup plus épais. Et oui, ça peut ressembler, ça peut être de la taille genre d'un blini, mais très épais. Ouais. Enfin, voilà. Ça, c'est un pancake. La pâte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, ça, on va vite sur du pancake si c'est plus épais, non ? Alors, la pancake, c'est vraiment britannique si on prend le nom pancake. D'ailleurs, ça veut dire gâteau fait à la poêle, hein. Pan, saucepan, etc. Enfin, c'est pas assez. Ah, moi, je croyais que ça avait à voir avec Peter Pan. Je croyais que c'est lui qui avait inventé le cake. C'est Pierre Lapoile, c'est pour ça qu'il vole. Enfin, retourne dans ton conte de fées, je crois que ça ira quand mieux. Quand tu balances la poêle, oui, ça vole. Oui, et ça en fait, je vous ai imprimé un truc. Tiens, Yann, regarde un petit peu. Alors, moi, c'était où, par contre Yann. Je sais que je suis nouveau dans cette émission. J'ai imprimé quelques sortes de crêpes du monde, mais je peux vous dire que j'en ai trouvé, mais je sais pas combien de dizaines en fait. Les pikelettes, les blinis. Ah oui, bah ça on a c'est ça. C'est bon ça avec le saumon. Ouais. Bah oui, c'est on prend ça en entrée, c'est vrai. Oui. Souvent à la période. Les dosas, ça c'est en Inde ou en Malaisie. Les injelas en Éthiopie. Les bagrirs au Maroc, en Algérie. Ok. Ou les crêpes mille trous. c'est les crêpes gruyères en fait. Ah non, et les tortillas, les tortillas. Je croyais que c'était en Finlande parce qu'il y a les mille lacs en Finlande, la région des mille lacs, donc les mille trous, un trou par lac. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Oui, des blinis finalement, c'est pareil, c'est des mini crêpes quoi. Oui, et puis selon avec quelle céréale tu fais là, j'entendais. Attends, on va voir s'il a une bonne mémoire, Théo. Ah, j'ai oublié tout. Théo, les blinis, où ça? En Amérique du Sud. Perdu. Russie, Ukraine. En Russie. Poutine mange blinis. Oui, parce que on a une carte là où ça. Oui. Oui. Il y a une carte avec tout, donc les blinis Russie, Ukraine, les dosas dont tu parlais, Inde, Malaisie, les injeras. Il y a les Indestar aussi, hein, avec les. Érythrée, Somalie, Soudan, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mm-hmm. Okay. Ouais, et je disais par exemple quand on achète des boîtes de crêpes mexicaines, en fait selon la farita, selon ce qu'on veut en faire et selon la céréale de base, on a plein de choses différentes. Ouais. Il y a les enchiladas, les farritas, et plein d'autres choses, trucs. Donc, mais on n'a pas qu'une crêpe aussi. Oui, on en a tellement. Et puis en France, tu peux faire au sarrasin si tu veux faire un peu plus. J'aime salé, pas. Mais ça, c'est des galettes, ça aussi. Je suis désolé pour les Bretons, mais j'aime pas les galettes au sarrasin. C'est bon. Bah, ça dépend ce que tu mets dedans. Et ça dépend comment elles sont faites aussi. Parce que Non, mais moi, c'est la pâte en elle-même, je suis pas fan. J'en ai mangé qui était pas mal. Mais toi, t'es au régime. J'ai mangé des succulentes. Oui. Certes. D'ailleurs, oui. D'ailleurs arrête de manger des crêpes, tu vas prendre trop de poids. Ouais. Et par rapport aux crêpes, vous savez qu'on boit pas mal de cidre. Oh, et, bon. on pourrait croire que le cidre, ça vient de Normandie ou de Bretagne, etc. Ouais. Mais en fait, avant d'être arrivé chez les Normands, c'est pas les Normands qui l'ont créé. C'est ce que vous pensez. Bouchez-vous les oreilles, les Normands, parce que vous allez pas être contents. Là. Ouais. En fait, ça viendrait des Basques. Ce sont les Basques qui ont transmis aux Normands. Voilà. D'accord. Donc, ça vient de chez nous quand même. Parce que quand ils sont partis en Normandie, les pommes ont collé à leur basque. Voilà, jeu de mots du soir. Alors, juste pour dire, il est 21h15. Cette émission, j'en ai déjà marre avec Daniel et ses jeux de mots. Bah attends, Thierry, c'est pas lancé, c'est bientôt aussi. Oui, mais c'est dire le niveau des tiens. J'allais dire, et ça sentait pas le gel douche 2. Enfin, bon. si tu veux nous dire un petit mot, Océane, sur de quoi je parle. Elle sur est le gel douche de Sofiane. Ah oui, le gel douche de Sofiane. Coucou Sofiane. Sofiane qui est passé nous voir juste avant l'émission. Ouais. Parce que tu vis en colocation, on va dire. C'est un foyer des jeunes travailleurs, c'est une grande coloc. Voilà. Et tu repères les gens à leurs odeurs. Ouais. L'odeur du gel douche. Il y a des gens, c'est visuellement. Tiens, il a une barbe plus longue. Bah non, là, dès que quelqu'un change de gel douche, bah ça y est. Tout le monde est au courant. Ouais, ça fait une discussion de comptoir. C'est ça. Autre idée reçue sur les consommateurs de cidre, on pourrait penser aussi que normalement les Bretons ça y va fort, mais en fait quel est le peuple qui consomme le plus de cidre? Ah, le plus de cidre, oula. Bah les Basques. Non, et ce sont les Anglais. Mais sauf que en fait dans cidre on entend beaucoup de choses différentes, c'est à dire qu'ils ont des choses qui peuvent être la pomme brute si vous voulez qu'on fait fermenter, des choses à base de concentré, on a du cidre qui n'est pas effervescent, enfin il existe plein de choses et c'est toutes ces choses réunies qu'ils appellent cidre qui font qu'ils en boivent le beaucoup plus. Mais on associe les Anglais à la bière, plein d'autres choses. Mais ils consomment beaucoup plus de cidre que nous, que les autres. Si, comme je vous dis, la on prend bière dans les pubs, on prend tout. qui existe. Tu vas pas dans les pubs le soir? Non, je les regarde à la télé, les pubs. C'est pas la même chose. Donc, si je comprends bien, les Basques ont emmené le cidre en Normandie, et quand Guillaume le Conquérant est parti en Angleterre, il a emmené le cidre. Ah bah les grands, alors les grands Bretons quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Mais il y a aussi, quand on achète du cidre, on s'y retrouve pas trop. Des fois, alors vous avez cidre artisanal, cidre bouché, cidre je ne sais trop quoi. Enfin, vaut mieux qu'il soit bouché, parce qu'une fois débouché, bah il y en a plus. Et on a plein de... On sait pas, des fois on se dit, ça doit être bon parce que c'est écrit comme ça, puis en fait, on se fait bien avoir. Et donc, j'ai juste une question. En fait, quand on voit cidre bouché et cidre traditionnel, ça vous dit quoi? Vous iriez prendre quoi? Traditionnel plus. Moi, pamplemousse. C'est à côté. C'est le rayon d'à côté. Oui. Théo, pour ceux qui ne savent pas, pour PK, vu que tu n'es pas un habitué de PK Avenger, quand même. C'est vrai. Nous, on n'est pas habitué. Théo ne boit plus, que du jus de pamplemousse. Alors, j'avoue que dans les boissons alcoolisées, je ne bois pas de boissons alcoolisées, mais le cidre, ça passe. C'est-à-dire que c'est la seule boisson alcoolisée. Donc t'en bois alors ? Je peux en boire. Alors j'en bois pas beaucoup parce que sinon. Mais à cause de son régime, c'est pour ça. Mais un quart de verre, tu vois, ça passe. De cidre. Mais il y a que ça que je bois en alcool. Bon, ça va, il va pas nous ruiner en cidre. Oui, ça va. Alors les moules marinières. selon les cidres, enfin, qui sont plus ou moins forts, plus ou moins bruts, c'est vrai que ça passe plus ou moins. Mais le cidre doux, on a l'impression qu'on peut en boire en quantité, mais il faut faire gaffe aussi. Oui, ouais, parce que t'en as d'autres qui t'arrachent un peu. Moi, comme tout ce qui est sucré. D'ailleurs. J'avais mon parrain qui était normand qui ramenait du cidre artisanal fait maison. Oh, ça t'arrachait, c'était bon, mais ça t'arrachait l'estomac. Et donc, en fait, on se fait avoir entre cidre bouché et cidre traditionnel parce qu'en fait, traditionnel, ça veut rien dire. Ça peut être la tradition de tout et n'importe quoi. Ouais. Par contre, si vous voyez artisanal, c'est déjà un petit peu plus artisanal. Sauf que ils expliquaient dans le reportage que j'ai vu sur France 5 cette semaine que même dans artisanal, en fait, il y a du artisanal qui est fait à partir de concentré. de pommes et d'autres pure pommes. Donc parce qu'il n'y a pas vraiment de label en fait pour définir ce que doit être un artisanal. Bah, en fait, il faut regarder plein de choses et regarder comme pour le vin si c'est embouteillé à la propriété, etc. Mais on a des coopératives aussi qui rachètent. Ouais, c'est à plein de trucs qui font. On peut se paumer tellement il existe de. Se paumer pour l'histoire de 6. C'est ça, t'imagines un peu. Et on en fait, puisque paumé, on en fait maintenant, on refait du poiré et d'autres, enfin, y a d'autres choses. Mais c'est pareil, d'un produit à un autre, au moins, on s'y perd. C'est énormément de choses différentes. D'accord. Voilà. Bah, ça y est, on est perdu, nous, maintenant. Hein. Ouais. Maintenant, on va plus savoir quoi voir. Et là, les gens qui arrivent, ils disent, mais attends, c'était marqué, on fait une émission sur le futur, là, on parle de crêpes, on parle de c'est normal, mais c'est la petite parenthèse. Mais ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on va nous inviter dans le futur. Voilà. Est-ce qu'à un moment, le site ne sera plus de cire, enfin, vous savez comme plein d'autres choses à force de les faire chimiques ou je ne sais quoi pour économiser de l'argent, est-ce que ça va ne plus être du tout ce que ça prétend être? Il n'y aura plus rien dans le futur, mes amis. J'ai vu des reportages sur les années à venir. Je vais vous dire que c'est pas réjouissant, surtout au niveau de la nourriture. Enfin, pas que hein, d'ailleurs, mais notamment au niveau de la nourriture. Ah, vous savez que la plupart des arômes, quand il n'est pas marqué arôme naturel sur un produit, en fait, quand il y a marqué arôme, ce sont des arômes artificiels recréés en laboratoire. Ouais. Bah, de toute façon, on avait bien vu lors d'une émission précédente, là, il y a quelques semaines, certains avaient trouvé comment. Faire de l'arôme vanille à partir de nos déchets de bouteilles plastiques. Ouais. Ah, quand même. Donc quand c'est quand même. Il peut y avoir n'importe quoi. Ouais. Bah, c'est bien au niveau recyclage, tu vois, quelque part. Mais bon, manger. De la vanille. Tu nous sembles être de la vanille. Ouais, tu te dis de la vanille. Oh, c'est bon, c'est cool. Puis au final. Ah, c'est fait avec des bouteilles plastiques. Ah, c'est moins cool, ça. D'un coup. Et si on revient à Bébert, j'ai regardé un truc sur les saucisses, Bébert sur la charcuterie. Ah, et en fait, des saucisses qui sont marquées fumées et en fait qui sont pas du tout fumées avec de la fumée. Ouais, on injecte des arômes dedans et ce sont. Mais ça, c'est depuis la lutte anti-tabac. C'est normal. Et voilà, et plein de choses. Ouais, comment ça sera à l'avenir, quoi. Est-ce qu'on va continuer à nous mentir et de plus en plus Ah, c'est même pas forcément nous mentir, mais c'est juste qu'à un moment donné, avec la population mondiale et puis avec tout ce qui va se passer au niveau des extinctions des espèces et tout ça, on n'aura pas forcément la possibilité d'avoir tout ce qu'on a en termes de comment ça de Bébert va disparaître. Ah bah, Bébert risque de disparaître. Ah bah, Bébert, oui, le pauvre. Tout l'intérêt d'en faire une mascotte. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça, ouais. Ça sera un animal dans le futur. PK Avenger, d'ici quelques années, ça sera un animal qui n'existera plus. En fait, animal fictif comme une licorne aujourd'hui. On aurait pu prendre le dodo qui dort encore. Oui, ouais. Sans qu'il se réveille. Ouais. Et d'ailleurs, pour ce soir, vous savez que j'ai fait des efforts. Je me suis encore. Non, mais je me suis mis en mode un peu devin pour le futur, un peu. Ah, devin avec après le cidre, ouais. Je peux vous dire que d'ici à peu près, on va dire quoi? Une dizaine de secondes à peu près. Ouais, d'ici une dizaine de secondes, il se passerait quoi? Bah, il y aura une musique sur Indestar. C'est comme si on entendait le fond des Red Hot Chili Peppers à l'ancienne dans les années 90. First to Eleven, Scar Tissue sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans H. C'est marqué quoi dehors? Salle d'attente. Et ben voilà, y a pas marqué salle où tu caches ta race. Mais en différent. Ah, c'est vulgaire. Bon, c'est PK Avenger. Ah oui, pardon, j'ai pas l'habitude. Ça va bien avec PK. Hein. Oui, Théo, on sait. C'était sur un heure très vengeur, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah. C'est très marrant, ça, Daniel. Nous, on est sur Indestar pour PK Avenger 2.0. Ce soir, on fait des sauts dans le futur assez souvent. Oui, des sauts. Oui. S-A-U-T, pas S-O-T, hein, c'est pas on sera idiots. Peut-être un peu saut aussi. Hein. On débattait sur l'orthographe pendant la musique. L'idée m'est venue quand même de faire la précision à l'antenne, au cas où quelqu'un se posait quand même la question. Hein, t'es sûr même... que c'était pas plutôt toi qui te posais la question? Oui, parce que nous, on se pose plus de questions, on sait. Ouais, avec toi. si, quand même. Moi, j'ai abandonné l'idée. Dans le futur. Oui, alors, je vais quand même vous emmener dans le futur de la pop culture. Donc, ça tombe bien. Tu es le garde des sceaux. Oui, je suis le garde des sceaux. Et des sceaux, crois-moi qu'il y en a beaucoup à garder. Hein. Ouais. Je te dis pas le boulot que tu dois avoir. C'est pas non plus les sceaux S-E-A-U. Oui, hein, voilà, que l'on porte à la main. Voilà. Mais il y a plein de sceaux dans la vie, vous en apercevrez. Vous l'avez sûrement. Donc on va faire un saut temporel déjà. Voilà, temporel. Nous allons prendre notre machine à avancer dans le temps. C'est. Mm-hmm. La DeLorean. DeLorean, on va la programmer. Moi, j'ai pas besoin de machine pour avancer dans le temps. Je m'assois simplement sur ma chaise et j'attends que ça passe. Ah, c'est la mauvaise blague que nous, que, qui c'est qui nous a fait ça la semaine dernière? Ah mince, ça a déjà été fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit si, je crois. Moi je prends ma voiture et je vais machin une demi-heure plus tard et donc j'ai avancé dans le temps. Bon, d'accord. C'est une redite. Oui, c'est ça. Nous allons faire un saut en 2050. Ouais. Oh, ça va. Ouais, quel type de saut encore hein, on va encore attends, 2050, ils vont tous passer. Hein. Oh, ouais, c'est exact. Pourquoi en 2050? Pourquoi ai-je choisi de vous proposer en 2050? Parce que tu seras centenaire. Non, pas tout à fait. Je serai 90 nerfs. 90 nerfs. T'auras 90 de dîners à faire. Ouais, là, mais ça, on verra ça à ce moment-là. D'accord. Pourquoi en 2050? Première chose, parce que c'est le, bah, c'est le milieu du siècle, hein, quand même. C'est... Oui. Ah oui, déjà. C'est une date importante. Crap, déjà, je me rappelle quand on dit ah, c'est l'an 2000. Mmh. Pas bref. Ouais, non, on y reviendra tout à l'heure. Aussi, c'est une année de référence pour bah, tous les événements climatiques. Oui. On dit en 2050, nous voulons. Bah, il y en a beaucoup qui veulent des choses. Moi, j'avais une référence, tu vois, quand j'étais jeune, oula, c'était 2022. Et je sais pas pourquoi en fait. Et là ça y est on y est et c'est pas ouf. Et pour moi 2022 c'était le futur tu vois. Ouais. Tu vois on est dans le futur. Bah, on est dans le futur. T'as vu ? Même quand t'étais petite, t'avais déjà prévu. Non mais c'est pas prévu mais tu vois pour moi tu sais dans l'imaginaire collectif il y en a beaucoup ouais c'est l'an 2000 etc ouais. Bon après c'était peut-être après l'an 2000 tu vois que j'avais mais cette vision de 2022 pour moi c'était une vision futuriste. D'accord. Voilà. Et aussi une autre quand même chose quand même la plus importante, c'est que en 2050 on fêtera les 100 ans d'une chose, la de pop ce culture. Qu'on peut considérer comme l'acte de naissance de la pop culture. Ah ouais. Oui. Pourquoi? Bah parce que. Pourquoi? Que s'est-il passé en 1950 qui finalement peut être considéré comme la naissance de la pop culture? Ah c'est un événement particulier. Oui. Oui. Ouais, parce que moi j'aurais dit la période après-guerre, on commence à reconstruire et on commence en 1950, enfin, dans les années 50 à penser au loisir un petit peu. Mais... C'est quelque chose qui a à voir avec la révolution musicale de l'époque. La mondialisation dans les aussi, non? Dans les années 50, quel style musical est apparu? Les débuts du rock. Le rock. Le rock and roll qui est né en fait en 1950 et tout le mouvement pop culture finalement. Et découle de l'arrivée du rock'n'roll. Mmh. D'accord. Donc on peut considérer, c'est pas illogique de considérer que 1950 et la date de naissance, donc la jeunesse, les années 50, l'adolescence dans les années 60 avec toutes les folies. Mmh. Je dirais pas que la pop culture est devenue bien adulte maintenant, chacun. Après, moi, j'y vois aussi un truc un peu plus comment dire, pragmatique dans le sens, vous connaissez la pyramide de Maslow là, où on, avec l'évaluation des besoins. Ouais. Et tu vois, je me dis, oui, dans les années 50, c'est la première décennie, je parle d'après-guerre, mais en même temps, entre les deux guerres, c'est un peu compliqué. Mais la première décennie d'après-guerre, on a pu commencer, vraiment commencer à penser au loisir. Et le fait que la pop culture commence à se développer à ce niveau-là, à ce moment-là, je me dis que c'est pas incohérent. Quoi. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ça, justement, ça, tous les mouvements se rejoignent. Et finalement, c'est le rock and roll qui a apporté toute cette révolution. D'accord. Voilà. Alors, la pop culture en elle-même, en 2050, avez-vous des idées de ce qu'elle pourrait être, par exemple, d'un point de vue audiovisuel? Donc, il y a les icônes numériques qui sont en train d'arriver? Oui. Oui, enfin, qui sont déjà là, ouais. Par contre, moi, je verrais bien une chose. Ouais. Au niveau cinéma, donc, on a la vision 3D, mais moi, j'imaginerais bien des écrans 3D. Donc, on n'aurait plus besoin... D'avoir les lunettes et on ira directement sur l'écran. Voilà, écran style holographique. D'accord. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, pourquoi pas. Enfin, après, je vois plus le style, pas de lunettes 3D, mais tu sais, de lentilles carrément 3D, qui pourrait être aussi bien de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. Et je vais même dire que je crois plus en la réalité augmentée que la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, t'es vraiment dans un autre monde. Mais en tous les cas, c'est les exemples qui sont en train de naître. Je trouve ça un peu décevant dans le sens où on invente des mondes qui ressemblent au monde que l'on vit. Donc bof, en fait, c'est un peu édulcoré, mais sinon on va là-bas. C'est ça. Et alors que la réalité augmentée, c'est de superposer des informations virtuelles à notre propre réalité. Et je trouve que c'est un peu plus terre à terre, même si ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Mais ça veut dire en fait enjoliver notre propre monde Et je crois pas mal en ça, notamment technologiquement parlant, si on arrive à faire des lentilles qui nous sont quasiment invisibles, tu vois, et que on a une réalité virtuelle qui se superpose à notre propre réalité, j'y crois assez. Oui, justement, en parlant de technologie, parce que la technologie prend de plus en plus de place, à votre avis, est-ce que quelqu'un aurait une idée de cette influence que pourrait avoir la continuité de la technologie sur la pop culture, toujours. Mmh. Hein. Les robots. Les robots, oui, on peut imaginer un orchestre de robots. Ouais. Les robots, après, ça sera évidemment présent. Après, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu un rêve de l'humain, tu vois, qui date, hein, parce que les robots, on en entend parler, robots sous forme humanoïde, je parle là. Hein. Mmh. On en entend parler depuis des années dans la pop culture et dans les films de science-fiction, etc. Il y aura les robots, on les imagine humanoïdes et qui sont en train de marcher à côté de nous, etc. Je suis pas sûr, j'espère pas d'ailleurs, qu'on aura ce type de robot vraiment dans notre quotidien. Par contre, on est déjà envahi de robots. Et ça sera encore plus le cas dans les années à venir. Mais le robot, il peut prendre une forme d'un smartphone avec un assistant vocal, quoi. Bah, de toute façon, tout ce qui fait une fonction automatique, c'est par définition c'est un robot. Avec une intelligence artificielle, etc. Ça, ouais. Voilà, il y a des formes différentes, différentes évolutions du robot. Mais, justement, je te rejoins là-dessus par rapport au problème de la robotique. C'est qu'on a tendance à construire à notre image. Ouais. Oui. C'est vrai que oui, souvent on a ça. À ton image. J'espère qu'il chante mieux. Hein. Un robot avec une chemise hawaïenne. Mais tu vois, ça, on peut arranger ça encore. Dans le futur, d'ailleurs, question essentielle. Est-ce qu'en 2050, tu porteras toujours des chemises hawaïennes? Bien sûr, il y a des choses qui sont immuables. Oui, alors des chemises hawaïennes de. En écran. Ultra moderne en écran. C'est-à-dire que je pourrais changer 10 fois de chemise hawaïenne. Il pourra changer d'île avec un seul bouton. Je vais passer d'Hawaï à Haïti, tu vois. À Tahiti, je veux dire. Et tu changeras la vitesse du vent. Enfin. Ouais. Ouais, et l'âge du capitaine aussi pendant qu'on y sera. D'accord, ça peut être pas mal. Mmh. Oui. Alors, justement, tiens, pour faire un petit peu aussi, donc la pop culture, c'est aussi l'art. Oui. Hein? Il y a. Qui dit l'art dit cochon, dit bébère. Bébère est partout. Fallait pas. On l'a provoqué maintenant. Trop tard. En fait, c'est moi qui l'ai provoqué. Hein. Faut quand même. Je dois reconnaître mes erreurs quand même. C'est quand même moi qui l'ai provoqué. Alors, il y a au niveau art, il y a le street art qui est quand même beaucoup associé à la pop culture. Oui. Il y a une énigme dans le street art. Est-ce qu'on saura un jour qui est Banksy? Qui est quoi? Banksy, vraiment le roi du street art qui fait des œuvres qui se vendent à des sommes. Moi, je connais NTM. Il faisait du street art à la base avant de faire du rap, mais l'abréviation, c'est actuellement, pas très poli. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a trois noms qui reviennent surtout pour désigner cette personne, mais là, c'est pas le but de ma. Ouais. Ah, parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre et on le découvrira peut-être dans en 2050. Futur. Peut-être en 2050, oui. Par contre, est-ce que vous avez entendu parler d'une. On a osé appeler ça une œuvre d'art, mais bon, voilà, c'est. Chacun l'interprète comme il veut. Une œuvre d'art qu'on a appelée comédienne. Non. Non, mais moi, avant de préparer sujet, en fait, je connaissais pas le nom. C'est une comédie alors, qui s'appelle. Je sais pas, mais alors, je sais pas si c'est un rapport. C'est juste parce que dernièrement, j'ai entendu parler. Enfin, je crois que c'était sur Arte, on nous a montré, je crois, des bananes accrochées. je sais pas quoi. Exact. C'est ça. C'est ça. Là. C'est ça. Une banane posée. Je sais qui a été scotchée, une banane. Ah, scotchée au mur. Mais c'est quoi? C'est de l'art abstrait, non? Alors, j'en sais rien du tout. Il paraît que c'est de l'art. Alors, je vous raconte quand même un petit peu l'histoire parce que, en plus, la banane, la pauvre, a mal fini. Mais il y a quand même une histoire. C'est Donkey Kong qui est venu la poser. C'est vraiment un art vraiment très très éphémère. Hein, ah bah oui, c'est parce que la banane ça pourrit. Hein, ouais, bah oui. Mais mieux que ça encore. La banane fut collée sur le mur d'une exposition d'art contemporain qui s'est tenue du 5 au 8 décembre 2019 à Miami. Ouais. Hein, donc scotché avec un scotch gris, puis bien alors positionné. Alors il paraît que c'est dans la position qu'on trouve toute la qualité de l'art. Ouais. D'accord. Ça, c'est peut-être. L'artiste qui le définit après. Ouais, c'est ça. Comment je vais pouvoir me justifier? C'est un Italien, Maurizio Cattelan, et il a réussi à vendre cette œuvre d'art. Aïe, aïe, aïe. Très cher. 108 500 euros. Voilà. Quelle est, d'après vous, la nationalité de l'acheteur ? Un Italien. Français. Non, un Américain. Un Français, exactement. Un Français, oh, je suis déçu. Mais pour la fin de l'histoire, il n'a pas eu le temps d'en profiter beaucoup parce que il y a un autre artiste dénommé David Datunam, ouais, qui est américain d'origine géorgienne, qui a mangé la banane le 7 décembre. Non. Si. Il a mangé 100 000 euros. Remarque qu'il y a qu'en France, on est assez bête pour acheter ça, voilà, donc c'est pas trop. Alors, ah, j'aurais dit américain, moi aussi. Moi. Ouais, on est pas mal non plus quand même. Non, mais ouais, ça aurait pu être un Français quand même, vu que, qu'il m'en mange quand même. Mais ouais, Miami, pour garder bon, la banane, il l'a mangé. Regardez la banane. Avait-il la banane après ? Mais c'est pas Deka plutôt qu'il l'a mangé, donc dans Kong, pour voilà, ceux qui ne savent pas. Ouais. Non, non, j'ai pas eu cette info. Peut-être n'est-ce pas, Théo ? Mais alors, tu penses, oui, je connais donc Kong. Ah bon ? Oui, parce que j'ai un oui, jeu. On avait des petits jeux autrefois, oui, des petits jeux électroniques. J'ai un jeu, tu vois la Nintendo DS ? Oui. En deux parties comme ça. Oui. J'ai un jeu Donkey Kong où oui, t'es le petit bonhomme, il faut sauver la fille. Et t'as Donkey Kong qui jette des boules comme ça, oui, et tu dois monter tu les plateformes des pour échelles, aller. Ouais. Sur les c'est Mario et tu vas chercher Peach. Voilà. Ouais, ouais, c'est un peu l'idée. Mais c'est de Nintendo. Oui, mais justement, c'est pour ça. C'était les petites consoles qu'on trimballait partout. Exactement. Et elles étaient réveillées en plus. Top. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir d'autres œuvres artistiques du genre la banane collée au mur dans l'avenir quand même? Mais ça dépend, c'est au même niveau ou pas? Kevin collé au mur. Après, t'es en train de nous dire qu'en fait les expos du futur c'est des expos artés quoi. Le prix, C'est des trucs chelous, on comprend rien et on se dit le mec a acheté ça 108 000 balles alors que tu t'as pas compris. Bah on pourrait le craindre et dans ce cas c'est tellement éphémère qu'il faudra se précipiter pour voir l'œuvre. Ouais. D'accord. Ah, ou alors que quelqu'un avec la vidéo. Mais non, mais maintenant, ouais, oui, avec la vision 3D tu pourras revivre ouais, l'œuvre. Justement, aussi longtemps que tu veux. Tu fais bien de parler de vision 3D parce que nous avons un artiste à Amboise qui veut qu'on teste son nom, donc on le donnera pas, hein, qui lui crée des sculptures 3D d'objets animés de jeux vidéo, de mangas, etc. D'accord. Et qui crée donc des. Alors, il a fait le monde de Mario Kart par exemple. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc, je crois que c'est un mec qui porte des chemises hawaïennes, non ? Il veut pas qu'on le nomme. Ah oui. Non mais voilà. Non. Non mais par contre, il a eu la bonne idée d'intégrer l'électronique à certaines de ses œuvres, ce qui fait qu'elles sont lumineuses. Il a eu que des bonnes idées de toute façon, ce mec-là. Presque. Il paraît. Presque. Il paraît qu'il a eu que des bonnes idées. En effet, ouais. Hein ? Les créatures sont lumineuses, mais l'artiste, moi. Moi. En parlant de technologie, oui. Avez-vous une idée comment pourrait évoluer la technologie pour s'intégrer encore plus ou alors faire évoluer la pop culture ? C'est-à-dire, l'insertion de la technologie dans la pop culture, tu veux dire ? Non. Voilà, soit l'insertion de la technologie dans la pop culture ou ce que pourrait encore amener de nouvelles technologies dans la pop culture. Ah ! Alors, dans nouveau domaine, tu veux dire ? Ça peut être nouveau domaine. Alors moi j'ai pensé à une chose, on est de plus en plus robotique et biologie, alors pourquoi pas un genre de biotique T'arrives sur des choses qui sont en train d'arriver en vrai, hein, mais ça fait l'homme bionique après. Après ça fait l'homme biotique. Oui. En tout cas il y a une étape. Vous savez qu'il y en a plein de gens, ils mesurent leurs pas avec leur téléphone, avec une montre, avec je ne sais quoi. Oui, j'ai fait 6000 pas l'autre fois, j'ai battu mon record la semaine. C'est bien, t'es fier de toi. Jusqu'à ce qu'on ait des puces intégrées en nous, ils mesurent tout quoi. Oui. Et ça c'est le contrôle. Mais tu vois encore une puce. Je dis pas que c'est cool, hein, mais ça va. En fait, moi, ce qui me fait peur dans l'homme bionique, c'est qu'à un moment donné, si tu as des composants, et notamment un bras surpuissant, des choses comme ça, et ça commence à arriver, hein, ou des puces qui te rajoutent des capacités, si tu as un bug, si tu as un virus, est-ce qui, on le sait, arrivera à un moment donné. De toute façon, on en a déjà eu il y a pas longtemps. Hein, autre chose. Non, mais c'est, oui, alors ça, c'est, ça, c'est autre naturel, chose. Enfin, bah, naturel, mais oui. Mais imagine que ça arrive, autant un robot extérieur humanoïde qui a un virus, on peut le détruire. Ouais. Autant là, tu te dis, mais en fait, tu peux t'auto-détruire avec ça. Imagine, t'as un bras qui est surpuissant, qui va te cogner sur la tête parce qu'il y a un bug, et ben tu meurs. Alors, question. C'est con, hein. Pourquoi un bras surpuissant, surtout bah, parce je sais que pas, ça imagine pas le fan de boxe. Tu vois. Non, non, mais alors après, ça peut être fait dans le cadre de la médecine. Et alors là, ouais. C'est pour pourquoi pas, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'il te manque un bras, tu rajoutes un bras qui te fait la même. Ça s'appelle une prothèse. Une prothèse, ouais. Mais une prothèse évoluée, tu vois. Je te ouais. parle d'un truc où vraiment tu vois pas la différence avec un autre bras, quoi. Oui. Et qui peut même comme être. Dans Star Wars, là, quand on voit Star Wars qui répare les gens, là, qui te remettent. Oui, mais. Enfin, mais tu c'est... vois bien quand même. Hein. On est dans la réparation de l'humain. Ouais. On, oui, c'est on, ça. Les gens qui ont perdu des membres, on arrive à leur en créer. Mais j'ai peur que le vice de ça, on ne soit plus dans forcément la réparation, mais plus tu vois le dans l'optimisation. Oui, l'optimisation. Ouais. Le mec upscalé, quoi, tu vois. T'as un jeu notamment qui avait traité ouais. ce sujet, ouais. c'était Deus Ex Human Revolution. Mm-hmm. C'était un personnage, donc un homme, qui avait eu des accidents et il s'était fait greffer plein de sortes. Ouais. Sauf que l'homme en question est devenu fou après. Bah oui. Donc forcément, c'est et devenu. Et parce qu'en plus, t'as plein de choses qui ne t'appartiennent pas réellement. Voilà. Donc et pour t'approprier ton corps, c'est compliqué. Forcément, quoi. Vu que c'était la première personne, bah, ouais. bah c'est pendant sûr, tout c'est... le jeu, on va dire, pendant les trois quarts du jeu, on était tranquille. Puis après. Et c'est ce que t'as dans Cyberpunk 2077. Hein, tu peux avoir des prothèses, des choses qui ouais, fait que c'est... l'humain est plus fort que ce que tu n'es. Mais en réalité. Je pense qu'il y a des dérives avec ça terribles. Ce qu'on utilise déjà en industrie avec les exosquelettes, par exemple, ouais. pour aider à soulever des charges. Oui. Moi, ce que je crains plus quand on parlait de puces, c'est le contrôle. Parce que ce que vous utilisez, vos petits appareils pour mesurer ça, vous pouvez les poser puisqu'ils ne sont pas à l'intérieur de vous. Mm. Et déjà, le smartphone, on l'a quasiment avec mais on le fait pas, c'est derrière, ça que j'allais voilà. dire. Ouais. Ouais. Mais si c'est intégré, alors on saura où vous êtes. Enfin, comme les bracelets oui. électroniques, on sait où vous êtes, si vous avez dépassé les règles, etc. Ouais. Et puis, pourquoi pas vous bombarder quelque chose, enfin je sais pas, de décharge, vous déconnecter, je ne sais ah, quoi, ouais, pour vous punir. Quoi. Mais t'as raison. Alors, mais ça, on en parlera plus tout à l'heure pendant mon sujet, justement sur Psychopass. Ouais. Eh ben non, il est fait, ça y est. Non, justement, non, il est pas bonsoir, fait. Bonsoir Kevin, ce soir on terminera pas 23h30. Et toi, Céane, on t'a pas beaucoup entendu, ça t'inspire pas, non c'est... Si, si, mais j'écoute. Ah, t'écoutes. Bon, alors ouais. continue d'accord. à écouter quand même. Elle, elle est en train de s'écrire sa recette pour faire des crêpes hein. ouais. dans le futur. Ouais. Ah bah tiens, je vais vous proposer une chose. Là, on a fait une partie quand même technologie et art. J'ai une deuxième partie qui est plus vraiment axée sur les histoires, les personnages, la pop culture elle-même, les activités pop culture. Je vous propose qu'on fasse une deuxième partie du sujet. Oui, par exemple. Oui. Avec Defray rime en Alexandra, c'est ça? Oui, on l'écoute, c'est ça? Oui, sur ouais. Indestar, évidemment. Ouais. Un road trip dans la pop culture sans voiture et sans avion. On t'offre les billets. Tech Avenger V2 jusqu'à 23h sur Indestar. Théo? Oui. T'étais obligé de parler de voiture. Bah évidemment, même dans les jingles, tu ouais. vois, j'arrive à le placer. Oui, on peut rappeler pour toutes les personnes qui nous écoutent, on peut te retrouver le lundi, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. dans Starter lundi soir avec Teddy. Oui. Et puis avec Antoine aussi, on parle de bagnole, on parle ouais. de moteur en règle générale et surtout on parle d'aventure automobile. Ouais. Donc, on peut vous retrouver de quelle heure à quelle heure? 21h jusqu'à. voilà. D'accord. Normalement 22h, mais ouais. on est plus sur du 22h30. Quoi. D'accord. Et il ouais. y en a une spéciale bientôt. Oui, c'est aviation. Moteur, à la fin du mois. Un vendredi d'accord. à la fin du mois. Ouais. Et le mercredi, il me semble que tu es dans une autre émission aussi. Aussi. Oui, oui dans Actu Solite. D'accord. Avec les filles Anaïs, ouais. Amélie, il y a Jolane et Antoine aussi qui sont là. Qui sont pas des filles, hein. Non. Parce que t'as dit avec les filles. Ouais. Ah bah ça, je précise qu'en il y a des balades. Il y a des balades. De 21h à. 23h, ouais. ouais. On respecte plus, c'est peut-être l'émission où on respecte le mieux. Ça, ouais. ça nous arrive de dépasser de 20 minutes, tu vois. Ça, c'est le quart d'heure Tourangeau. Ouais. C'est chez nous. Mais voilà. Le quart d'heure Tourangeau qui fait 20 minutes. Oui. Ouais. Moralité, ce qu'il voulait dire, Théo, c'est que PK Avenger est l'équipe qui est l'émission même qui respecte le moins les horaires. Ouais. Mais enfin, je crois qu'on le fait un peu exprès. Parce en fait. Que dans, ouais, je crois aussi. Dans le ratio, si tu vas par là, voilà, Starter, je te dis, on est plus sur une demi-heure en principe de ouais. voilà, sur une heure, tu vois, c'est-à-dire qu'on dépasse de 50%. Ouais. Voilà. Oui, bah, sur faire ratio. Ouais. Bah, le jeudi dernier avec Woodman, ah bah oui, on a fait là, bah, là on a fait fort. Ah, ouais, baraque, ouais, mais là c'est les instants qu'il faut vivre. voilà. Mais ouais, là, on n'est plus la semaine dernière, on est dans le futur maintenant. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est le thème de la soirée. Ouais. Oh là là, c'est bien Théo, t'as bien révisé. Non mais j'ai retenu effectivement les informations. Comme le temps passe. J'ai même retenu tout à l'heure, on a commencé avec Daniel de parler de pop culture dans les années bisextiles. Et là, 2050. On est en 2050. Elles étaient vraiment. Est-ce qu'on aura encore des années bisextiles? Ça peut être la question. Il n'y a plus de saison, mon bon monsieur. Non, ça, c'est fini. Ça par contre, les saisons, c'est très mal barré en effet. Ouais. Mais les années bisextiles, je te garantis qu'elles sont toujours au moins sextiles. Peut-être bi avec un peu de chance. D'accord, merci Daniel. Donc, avec vraiment un peu de chance. On va peut-être revenir à nos personnages de pop culture, vu que tu nous en avais parlé un peu. Oui, c'est vrai qu'on a un peu orienté la première partie sur la technologie. Oui. On va toujours un peu parler de technologie, parce que je pense que le monde à venir, de toute façon, sera technologique ou sera de la technologie pour nous rendre compte. En effet, oui. Donc, qui dit technologique dit déjà jeux vidéo. Oui, il paraît. Jeux vidéo. Est-ce qu'on pourra plus, à votre avis, parler de loisirs vidéo que de jeux vidéo? Oui, je pense. Ouais. Je pense parce que on sera dans ce monde virtuel et la frontière entre le jeu, le loisir, le divertissement, etc., sera pour moi la frontière sera beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. On se dit, je vais jouer à un jeu vidéo. On joue à ce jeu et on se déconnecte. On va par exemple écouter de la musique. Là on a bien vu avec les exemples récents, et notamment dans le Metaverse, que dans j'allais des jeux en parler justement. Des jeux comme c'était quoi le jeu Fortnite là. Ouais, Fortnite. Où pendant le confinement il y a eu des concerts qui ont été faits dans le jeu vidéo. C'est à dire que déjà on arrive à mélanger en fait deux univers de la pop culture ensemble. Donc oui, je suis d'accord avec toi, on est plus dans du divertissement vidéo ludique comme tu veux, mais que vraiment dans le jeu vidéo tel qu'on le connaît depuis il y aura deux camps pour moi en fait. Il y aura le côté ludique comme Théo et Daniel en ont parlé, mais il y aura le côté professionnel aussi. Oui. Donc il faut pas oublier que dans les jeux vidéo maintenant, tu as une branche qui s'appelle l'e-sport qui se développe. Justement, j'en toucherai deux mots aussi tout à l'heure de ça. Ah mais justement, tu vois, j'ai un problème avec ce terme-là. Oui. C'est-à-dire que l'e-sport, tu parles de professionnalisation, oui. Mais on est dans du jeu vidéo, tu vois. Oui. Et j'ai du mal avec ce terme, parce que pour moi, le jeu correspond à quelque chose de ludique et que tu fais sans pression, tu vois. Bah, il y a les Jeux Olympiques. Hein. Bah oui. Alors, le sport de base, regarde. C'est vrai foot. Que vu comme ça. Oui, mais c'est du sport, ouais. Ouais, regarde. Mais le sport. Ouais. Après, ils appellent ça Jeux Olympiques, ouais. Ouais. C'est pour ça la confusion est là, oui, en effet. Voilà, t'as tellement de trucs et c'est pour ça, bon, faut pas oublier qu'il y aura le côté ludique, mais le côté pro qui va arriver aussi. Mais comme tu l'appelles, c'est l'e-sport, donc en fait, c'est du sport virtuel et à ce moment-là, on parle plus de jeu. C'est ça. Tu joues pour gagner. On remarque qu'il ne joue pas pour gagner non plus à côté. Bah, sachant que ludique, il a changé quelque part. Les jeux sans enjeu, je dirais que ça n'existe plus. Parce que chacun veut être classé. Ouais. Il veut afficher auprès des autres comment il est. La compétition. Est Oui, alors justement, en parlant des façons de jouer, des façons de. Des supports. Pensez-vous qu'on aura toujours une différence console PC? Est-ce qu'on aura toujours des manettes, des détecteurs de mouvement technologiquement? On a énormément de supports aujourd'hui et on change d'appareil, voire changer de pièce, etc. Si on passe à ce que tu disais tout à l'heure, un espèce d'écran holographique ou je ne sais trop quoi, ou même utiliser ton four comme écran où tu peux passer de je contrôle ce qu'il y a ça dans mon frigo, je ne peux pas mettre la tête dans le four. Et je passe à une partie de jeu où tu n'as plus besoin de changer du tout de support, il y aura certainement besoin de moins de support, voire peut-être tu le transporteras avec toi. Non, mais pour moi, c'est ça risque d'être transporté avec nous en fait. Pas idiot, en plus le coup du four et du frigo, d'avoir l'écran dessus, t'es en train de faire ta cuisine, tu veux te divertir, ton four t'a dit qu'il est à 180 degrés, mais en même temps tu peux jouer ou avoir ton... En tout cas, la disparition de l'écran de télé tel qu'on l'a encore, je pense. Je pense même à la télé même, carrément. Oui, enfin, à l'écran en lui-même, parce que si on a une comme je disais tout à l'heure, une réalité augmentée ou des choses comme ça, en fait, l'écran sera incorporé dans notre vision et n'existera pas en tant que tel. Mais on est dans le multi-support aujourd'hui et on va le voir de plus en plus dans les années à venir. C'est que tu disais tout à l'heure, Thierry, on passe de son portable à sa console, à l'ordinateur, à un autre écran, etc. Ça va devenir de plus en plus transparent. De toute façon, en fait. On peut même technologiquement imaginer que, on va dire, à une certaine hauteur chez toi, au niveau des murs, tu auras une bande qui est un écran. Et suivant comme tu es disposé, que quelle que soit l'orientation de ta tête, tu continues à suivre si t'as une vidéo, tu continues à suivre, tu tournes la tête et je sais pas, tu fais une chose. Avec des capteurs, ça s'adaptera. Ça peut, voilà, le capteur, ça peut totalement. Justement, les capteurs de mouvement qui vont se dire la tête, les personnes regardent à tel endroit où il y a deux personnes qui regardent là et une là. Mm-hmm. J'affiche un écran pour deux personnes à droite et puis un écran pour une personne à gauche. Par contre, tu vois, sur les. Alors, c'est sur le jeu vidéo ou même sur le travail, hein, je suis pas totalement certain que le côté manette, clavier, souris, etc. va disparaître. Alors peut-être que ça prendra une autre forme, mais en tous les cas, ces outils-là, on se rend compte par exemple avec les écrans tactiles. Un écran tactile sur un PC, quand vous avez un PC avec un écran tactile, on joue deux minutes avec l'écran tactile, et puis après on revient au clavier souris pour travailler toute la journée parce que sinon on n'a plus de bras. Pareil sur des jeux, en fait, où des jeux, souvent la manette est le moyen en fait le plus ergonomique à utiliser, quoi. Disons que le truc, c'est que t'as des jeux où ça pourra être possible, oui, mais t'en as d'autres où, par exemple, tout à l'heure en off, tu parlais de Call of Duty. Call of Duty, ce sera impossible de faire ça. Tu vas pas courir pendant kilomètres. Voilà. Regarde, tu vois, par exemple, vu qu'ils ont fait le test avec Call of Duty Mobile, bizarrement, tous les joueurs jouent à la manette dessus. Bah oui. Il y en a pas un seul. Il y a pas un seul idiot dans le monde qui joue. Il y a un problème de rapidité aussi. T'es obligé d'être rapide, moins rapide, réactif. Et tu vois, les mini-jeux, j'appelle ça des mini-jeux, mais qu'il y avait sur la Wii qui était sympa en famille pour jouer et tout ça, ça restait du mini-jeu. Mais à partir du moment où tu rentres dans un jeu où tu vas courir, tu fais un FIFA par exemple, je suis désolé, mais bon, voilà, c'était pas avec ta manette, moi je cours pas dans la réalité, c'est pas pour alors, courir. Alors dans un est-ce qu'on crée quelque chose de l'ordre de l'exosquelette qu'on enfile pour se mettre dans la peau C'est là où je me dis que l'exosquelette pourrait prendre la place en fait de la manette. Ou un espèce de gant et qui, selon tes mouvements et selon tes ordres, parce que je sais pas, mais par exemple, moi je suis en train de penser à Alexa et compagnie à qui on parle et pour exécuter des tâches. Est-ce qu'il faut avoir recours à la parole et aux gestes et on n'a plus besoin d'autre chose? Mais par contre, ça demande une adaptation. Évidemment. Ouais. Alors justement, parole, gestes, musique, tout ça, ça pose aussi d'autres questions. Quelles histoires, quels personnages, quelle musique? C'est-à-dire quels univers finalement d'histoire? Est-ce que toujours des univers classiques, traditionnels, des mondes parallèles? Quels personnages? Bon, on a donc les icônes numériques. Alors, est-ce que les personnages vont continuer à ressembler? Moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu appelles univers classique déjà? Bah, l'univers classique, c'est proche du réel. Proche du réel, oui. Ah, d'accord. Oui. Ben, j'aimerais bien qu'on fasse preuve en fait avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, et je parlais tout à l'heure de la réalité virtuelle, où je trouve un peu dommage, alors après ça va se développer, hein, mais qu'aujourd'hui, en fait, quand on nous ponde à un monde virtuel, il soit si proche de notre réalité. Tu vois, parce que en fait, t'es dans un monde virtuel. Tu peux te déplacer d'un point A à un point B en téléportant. C'est le vieux rêve de l'homme, mais on n'a jamais pu le faire dans le réel. Téléporter, voler, tout ça. Voler, etc. Alors pourquoi faire la map d'une ville avec des routes, avec des. Tu vois Voilà, vous savez, moi je trouve que ça a un côté rassurant. Ça veut dire que l'homme, même quand il est dans. Il essaie d'être dans un univers complètement différent, il a ces espèces de valeurs qu'il rappelle. Certainement. Et je me dis, ça c'est peut-être une bonne chose qu'il n'oublie pas d'avoir ses repères. Il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'il fait société. Mais ça veut dire que si on recrée un monde réel, hein, à partir de zéro, on le bâtirait de la même façon que notre monde actuel. C'est-à-dire qu'on réitérerait l'expérience du monde moderne. Bah, si on prend un peu l'histoire, parce que là, pour des différentes raisons, j'ai pas mal étudié l'histoire ces derniers temps, et on s'aperçoit que l'homme, au fil du temps, a toujours refait les mêmes choses. Ouais. Alors donc, on peut supposer... Notamment les mêmes erreurs. Ce qui est étonnant, tu viens de le dire, les mêmes erreurs. Ce que j'allais dire, c'est la définition même de ne pas apprendre de ses erreurs au final. Voilà, alors est-ce que dans l'avenir, on va aussi apprendre que on a fait des erreurs, on va les recommencer? Est-ce qu'on va créer d'autres choses, de nouveaux arts en pop culture? Est-ce qu'on va créer... je sais pas. Voilà, alors justement... Par rapport à ça, il y a quand même aussi la musique qui est quand même un vecteur important de la pop culture. Personnellement, je veux bien toujours l'existence d'une forme ou d'une autre de la guitare et de la batterie. Mmh. Ouais. Par contre, je verrais arrêtez bien... le rap. Hein. Par exemple. Par contre, je verrais bien quelque chose de permettre. Alors, on a les claviers, on a les détecteurs de mouvement, on a tout ça. Quelqu'un qui est sur scène. Avec ses mains, ses doigts, jouer virtuellement de la musique et que quelque chose... Ouais, je suis pas sûr, moi. Je trouve qu'il manque quelque chose, tu vois. Alors peut-être avec des capteurs au bout des doigts dans un premier temps, ouais. Je sais pas, avec l'emplacement. Bon, techniquement c'est faisable. Est-ce que ça amènerait quelque chose? C'est ça le truc. Oui, parce que techniquement c'est faisable. Ouais. Mais tu prends un clavier d'ordinateur. Techniquement c'est faisable de faire un clavier virtuel, tu vois, où tu tapes sur rien avec des capteurs et tu vas reproduire. Mais pourtant on tient notre clavier. Je dirais. Théo, je vais taper sur ton clavier virtuel là à l'instant. Oui. vous avez pas l'image, mais oui. Je faisais le geste. Je dirais qu'il y a déjà des expériences de musique expérimentale. Oui, c'est ça. Mais de là, est-ce qu'on fait des concerts de musique expérimentale où on voit des gens faire des choses inhabituelles? Je ne sais pas. Mais après, ne pas utiliser des instruments classiques, mais tester des choses pour faire de la musique. Oui, je connais même quelqu'un qui le fait pas très loin d'ici. Mais par contre, je ne l'ai pas vu faire un concert, machin, capable de montrer ce qu'il fait, ce qu'il étudie. Parce que c'est expérimental, ouais. Mais après, bon, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Tu vois, technologiquement, ouais, après, faut voir. Je suis assez fan de ce qu'avait Woodmike par exemple la semaine dernière, une loop machine, loop station, voilà, ce qui permet en fait à quelqu'un de tout seul de louper de faire ses le sons travail de plusieurs. Et de faire le travail de plusieurs. Mais et moi, de je faire peux te les louper les sons. Ça, aussi. Ça, je trouve ça cool. Après, je pense que tu vois, dans un concert, et c'est d'ailleurs moi ce que après c'est vraiment un jugement personnel hein. Mais par exemple si je vais en festival, aller voir un DJ en festival, ça me... Non, pour moi non. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Alors après il y a le côté un peu festif parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées, mais c'est des artifices. Mais je trouve que par exemple dans un groupe de rock qui est sur scène, il y a justement ce côté instrument qui est là et qui crée le spectacle. En fait, si ces gens-là, ils faisaient du air guitare ou des machins, ça, je pense que ça m'éclaterait moins. Et comment il exploserait la guitare à la fin sur la scène, tu vois? Bah, il exploserait la guitare virtuelle. Mais ça a vachement moins de classe quand même. Ouais, quand même. Moi, je me pose la question par rapport à la nouvelle génération qui n'aurait pas de parents qui les auraient initiés à ça. Parce que ouais. Nous, oui, on est dedans. Est-ce que nouvelle génération plus virtuelle, plus vidéo, etc., peut se décrocher de ça ou pas? Certainement. Certainement, parce que les mœurs sont pas les mêmes. Mais voilà, mais là je parle, c'est vrai que j'ai un discours d'ancien. Enfin, quand je dis ça, j'aime bien le réel. Non, mais c'est vrai, le réel avec des vrais musiciens sur scène, avec des vrais instruments, etc. Je trouve que c'est ça qui, pour moi, dans un live, crée le spectacle. Oui, mais après, comme tu disais, quelqu'un qui pourra s'y enlever, moi je suis pas sûr de ça. Vu que si au final tu mets devant un écran, la personne souvent a ses. Bon, dans 90% des cas, on va dire, la personne va rester devant. Ouais. Donc au final, est-ce que ça pourrait pas être un danger non plus de l'autre côté? Il y a quelque chose qu'on peut comprendre qui va dans ce sens-là, c'est regarder le monde du livre. Ouais. Mmh. Ouais, bah, génération, on pourrait dire, on a numérique, machin. Et en fait, je connais beaucoup de jeunes lycéens, collégiens qui aiment les bouquins papier. Ouais. Les mangas, par exemple. Ils peuvent avoir des liseuses, mais ne pas les utiliser pour lire en permanence. Non, Théo. Ils se travaillent avec les bouquins. Moi, je suis un mauvais exemple là. Je tenais cet exemple-là, vu que moi, c'est les rares bouquins que je lis encore. C'est les mangas, donc. Oui, mais est-ce que t'aurais lu, tu vois, si, des bouquins papier, s'il n'y avait pas eu les. Enfin. Honnêtement, lire un bouquin sur internet, s'il y a un animé, je préfère regarder l'animé. C'est mieux. Ouais, ok. Pour moi, le bouquin sur internet n'a aucun intérêt. Mais moi, j'avoue, je veux pas en parler parce que je suis un mauvais exemple là-dessus. Je lis très, très, très, très peu de bouquins. Et quand je lis, en fait, je lis des articles. Ouais. Et les articles, souvent, je les lis sur informatique. 99% du temps, parce que j'ai beaucoup de bouquins papier, notamment des bouquins de voiture qui sont sur papier. Dis donc, quelle surprise! J'ai une armoire remplie de bouquins de voiture. Donc je lis aussi sur papier. Ouais, mais une petite armoire. Hein. Admettons. Non. Tu as deux articles identiques. Ouais. Tu choisirais plus quoi, le bouquin ou le numérique? J'ai pas de préférence. C'est surtout une question de confort par rapport à la situation. C'est-à-dire que si je suis par exemple dans mon bureau et que par exemple je travaille sur une émission, je préfère ce qui est informatique parce que je vais pouvoir relever des informations. Je vais être confortablement installé sur mon fauteuil et voilà. Par contre, si je suis dans mon lit le soir avant de m'endormir, je préfère un bouquin papier. Parce que c'est la situation s'y prête plus. Donc j'ai pas de préférence en fait. Ça dépend vraiment l'endroit où je suis et ce que je veux faire avec quoi. Ouais. Et justement, vu que tout à l'heure tu parlais d'écran qui serait directement intégré avec nous, tout ça. Mmh. Là, donc, ça voudrait dire si tu as un livre, bon, le livre est voué à disparaître s'il y a ça qui se fait. Donc au final, tu pourrais tout avoir dans ta tête. Non, parce que le livre, au-delà, et c'est ça que je fais peu pour le coup, moi j'écoute pas mal aussi de podcasts audio. Mmh. Et j'y retrouve ça d'ailleurs dans les podcasts audio. Ce que je ne fais pas en lecture, c'est que le principe d'un livre, c'est comme un film, ça t'embarque dans un univers. Ouais. Donc en fait, tu peux avoir toutes les connaissances du monde et tous les bouquins qui sont affichés devant toi. Tu n'es pas dans l'histoire, tu vois. Il y a des moments où t'es pas prêt en fait à plonger dans cet univers là. Mmh. Et quand je pense que Thierry, toi qui lis beaucoup, tu vas pas me contredire là-dessus, mais quand tu lis un bouquin. Je te contredirai sur autre chose. C'est vrai. Quand tu lis un bouquin, t'es dans l'histoire, quoi. Ah oui, non mais après oui, quand tu acceptes d'être emmené et puis les images, c'est ton imagination qui les produit. Mm-hmm. Je pense que c'est important de ne pas donner une adaptation des choses, hein. Ouais. Il faut y réfléchir. Ouais. Moi au-delà de ça, je me dis qu'il y a des choses aussi, que ce soit des bouquins, des disques, des films, peu importe, des objets, même des consoles réelles, il y a des gens qui sont attachés à avoir un objet. Oui. Ouais. Hein, donc j'ai fait prendre l'exemple sur la musique, hein. Mais autant la musique numérique. Bon, aujourd'hui, c'est la méthode traditionnelle pour écouter de la musique, hein, sur les plateformes, sur Internet en général. Autant le support physique, et notamment les supports physiques, je veux dire à l'ancienne, et les plus beaux supports physiques comme le vinyle, reviennent à la mode. Alors évidemment, ça ne compense pas le pourcentage de personnes qui écoutent la musique en numérique, ouais. Mais il y a cette histoire matérielle d'objets qu'on aime bien, qu'on tient, etc. Ouais, qui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc comme quoi, comme le bouquin, je pense que tu vois, si j'étais, si je lisais plus, je parle de bouquins traditionnels, hein, je mettrais dans ma bibliothèque à bouquin des auteurs que j'aime bien vraiment, tu vois, pas le bouquin de la bibliothèque machin, bon ça je pourrais très bien le lire sur ma tablette, sur mon ordi, etc. Mais par contre les auteurs que j'affectionne, et ben j'aurai le bouquin dans ma bibliothèque. Et dans la vie quotidienne, ça marche avec plein de choses, c'est-à-dire moi par exemple la radio, quand on a été en confiné, vous avez fait des émissions à la maison, et moi j'ai dit, moi je, bon, si on fait pas autrement et qu'on est confiné par un moment, ok. Mm-hmm. Mais sinon c'est pas ça que je veux, c'est moi pas je pareil. Veux venir au studio. Mm-hmm. je veux être avec les micros. Mm-hmm. Et puis je veux être avec l'équipe. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Avec toi, oui, parce que c'est plus que simplement vous parler. Après, moi je vais pas mentir, j'ai pas connu la période confinement à la radio, donc non mais tu peux l'imaginer. Oui. En fait, après, bon, toi tu fais du Twitch, Daniel, par exemple. Oui. Donc, par exemple. Voilà. Oui. Quand tu fais du Twitch, bon, j'imagine que tu prends plaisir à le faire, etc. Oui. Il y a, c'est mieux quand même. T'as des gens, oui. C'est mieux quand même. T'as des gens qui communiquent avec toi sur un chat et tout ça. Et je trouve ça très bien parce que c'est ce que permet les nouvelles technologies aujourd'hui. Par contre, je trouve que tu vois, moi, je pense que je m'ennuierais un petit peu si j'étais tout seul à faire mon Twitch chez moi. Parce que j'aurais un manque, malgré, tu peux avoir 10 000 personnes qui t'écrivent sur le chat, qui communiquent, etc. J'aurais un manque de lien direct avec les gens. Et c'est ça que je retrouve effectivement quand je suis en studio avec vous, quoi. Disons que ça dépend des jeux. Vu qu'il y a des jeux où tu peux créer, comme, je vais reprendre Call of Duty en exemple, où, admettons, t'es sur une falaise, tu fais pas gaffe que t'es un peu trop haut, tu sautes, tu t'écrases les genoux, et forcément, c'est déjà arrivé à quelqu'un dans le chat aussi. Oui. Donc forcément, tu peux avoir un peu cette proximité-là. Mmh. Mais... disons. C'est le fait de communiquer avec des gens que tu ne connais pas et que tu n'as pas physiquement en face de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs je rejoins ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure sur les bouquins par rapport, et sur la radio d'ailleurs aussi. Mmh. Par rapport au film, c'est que quand tu lis un bouquin ou quand tu écoutes la radio, tu peux imaginer ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que là, vous écoutez la radio, vous savez, voilà, on n'est pas en vidéo. Donc vous imaginez comment, d'une certaine façon, vous êtes imaginé le studio, comment on est disposé, ce qu'on fait, comment. Si vous saviez. Non mais c'est vrai. Comment est Bébert. Théo qui est presque assis comme elle dans Death Note. Exactement. J'ai pas la ref, mais ok. Non. C'est quelqu'un qui s'assoit toujours de manière très bizarre. Là, je suis décontracté. Comme ça. J'avoue. Mais avec la deuxième jambe. Avec le genou sur la chaise et tout. Chez lui, qui est bizarre. Hein. Ouais, mais elle est bizarre aussi. Donc. Et dans un bouquin, c'est pareil. Tu t'imagines l'univers. Chose que tu n'as pas dans un film où on te fournit, en vidéo en général, on te fournit tous les éléments du décor. Ouais. Et tu vois, je trouve que quand on est en physique, là par exemple dans le studio, on communique évidemment par ce qu'on est en train de dire, mais on communique vachement aussi sans forcément s'en rendre compte par le visuel. à se regarder, à savoir, tiens, ouais. Daniel a envie d'intervenir, je sais qu'il va intervenir, ça vous l'entendez pas, mais ça rend. Ça, je vous confirme, je vais intervenir, hein, y a pas de problème. Hein. Ça rend la relation beaucoup plus fluide, et on l'a vu quand on était en confinement. Justement, oui, ah oui, plus, j'ai la ref, ça y est, j'ai vu l'image. En plus, avec le décalage que crée automatiquement la distanciation des serveurs. Il y avait le décalage des serveurs, mais il y avait aussi le fait que des fois, en fait, on attendait que l'autre finisse de parler pour prendre la parole parce qu'on ne savait pas à quel moment on pouvait, ouais, on pouvait intervenir. Il y en a un autre qui parlait avant, donc. Ouais, ouais. Okay. Oui, ouais, je alors, vois. Dans les autres, il y a aussi d'autres activités quand même pour encore revenir un peu plus sur la pop culture. Parce que juste un petit truc avant, Daniel, ouais. Par rapport aux musiques. Tu penses qu'il n'y aura qu'un seul style de musique ou... C'est-à-dire toutes les musiques qu'on a actuellement pourraient se mélanger? Non, ou... je pense que ça va toujours évoluer. Mmh. Il y aura toujours du nouveau, de la nouveauté. Ouais. Je pense que si au niveau de la vidéo, les effets spéciaux, on va par exemple vouloir toujours faire plus du spectaculaire, être toujours focalisé sur dire on fait du spectaculaire, ouais. Au niveau de la musique, de toute façon on a tellement de sensibilité dans les gens que au niveau de la musique je pense qu'on aura toujours quelque chose de varié, ouais. Si un jour la musique devient uniforme, ouais. Je crois que l'univers mais pour triste. Beaucoup de choses l'être humain a besoin de variété, ouais. D'ailleurs, ouais. C'est comme qu'on appelle les choses, et que ce soit en alimentation, que ce soit sur plein de choses, de toute façon c'est la différence, la garantie de la diversité dans la pop culture, je pense que c'est le reflet de la société, quoi. C'est ça, si la musique c'est une musique uniforme, ça veut dire que nous on sera uniforme aussi, hein. Justement, je vais en arriver aussi par rapport à la pop culture. Oui, vas-y. Oui, alors, petit aparté aussi, je parlais tout à l'heure, on allait parler de jeux, d'e-sport. Ouais. Il existe aujourd'hui les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Oui. Y aura-t-il à venir des Jeux Olympiques? Des Jeux Kevinimpiques. Non, l'e-sport avait demandé à faire partie des JO notamment. Oui, mais justement, est-ce que ça va être avec? Est-ce que ça va être. Parce que n'oublions pas que dans un premier temps, quand les Jeux Olympiques d'hiver sont apparus, ils avaient lieu dans le pays qui organisait les Jeux Olympiques d'été. Mmh. Est-ce que ça peut commencer au Kenya, comme ça? J'ai essayé de faire du ski, ça va marcher. Hein. Bah, et donc, tu fais du ski sur la terre. avec des pistes artificielles. Ouais. Et oui, bah maintenant, oui. Bah, oui, bah, à Dubaï, ils ont bien une piste, ouais. De ski. Voilà, donc, c'est en 48, je crois que ça a changé, juste après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vraiment on peut enfin envisager que le e-sport soit reconnu? Parce que c'est plus qu'une simple activité. Moi qui suis dans le milieu de l'e-sport, en France, c'est non, c'est clair. En France, on a 40 ans de retard sur l'e-sport. À court terme, mais à long terme. Ça dépend ce que t'appelles long terme, vu que si ça. Je sais pas, dans les 30 prochaines années. Par exemple, 2050, justement. 2050, ouais. Non, ce sera pas encore reconnu. Ah ouais? On a tellement de retard. Mais... Suffit de voir il y a 10 ans ce que c'était et maintenant. Au final, toutes les compétitions, les grosses compètes, ce sont des Américains, ce sont un tel. Corée du Sud. Ouais. Mais avec la mondialisation, on voit quand même vachement la rapidité avec laquelle des modes, etc., s'installent, alors, tu vois. Oui, mais le problème, c'est qu'en France, on a quand même l'image jeux vidéo, c'est pas bien, on aura tout. Donc, oui, tant mais que ça ne changera pas, malheureusement, l'histoire ça ne dépend pourra pas être développée. Si on veut faire reconnaître, c'est-à-dire par l'État, mais limite, on s'en fout. C'est-à-dire que s'il y a une pression des sponsors, que les sponsors sont là de manière suffisante, ça sera comme aux États-Unis, le privé l'emportera et ça peut rentrer après dans le public, il faut pas attendre de l'État effectivement. Ou alors d'attendre de la pensée collective, dire c'est ça, c'est la pensée collective. Ouais. Mais ça, c'est sûr que ça non. Les gens de 50 ans dans 30 ans, c'est ceux de 20 ans aujourd'hui, donc. Pour moi, ça peut changer relativement rapidement quand même. Comme inversement, les gens de 20 ans, vu que tu parlais dans 30 ans, vu que forcément on est en 2050, mais les gens de 20 ans n'auront peut-être plus la même approche par rapport à l'e-sport non plus. Et pourquoi pas? Parce que tu sais, le poids de l'éducation et puis de notre période adolescente, etc., est vachement ancré en nous. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, on a des exemples. Moi je suis très ouvert. Je suis quelqu'un de très ouvert. Tu es ouvert, mais il y a quand même un côté un peu, je vais pas dire nostalgique, mais des choses que tu as connues jeunes qui sont ancrées, quoi. Il y a certaines bases, certaines bases qui restent parce que j'estime qu'elles doivent rester. Mais ça, c'est quoi, 10% de ma vie actuelle, de ma façon de transmettre les choses. Mmh. Hein, je veux dire que contrairement à beaucoup de monde, je pense qu'il y a 90% qui a évolué chez moi. Ouais, ouais, je mais pense. Ça c'est cool, mais du coup, t'as évolué vers le monde plus moderne. Ah non, non, non, non. Et pas le contraire, tu vois. Donc ouais. Je me dis que ceux qui ont vécu cette période qu'on vit actuellement et qu'auront 50 ans dans 30 ans, ils auront au moins cette base-là. Tu vois, et en plus de ça, avec le monde qui évolue, et donc forcément, on ira dans un sens de plus de ça. Ouais. Et justement, moi, je m'attache justement à transmettre aux gens, leur dire, voyez-vous, moi, j'ai appris telle chose. Beaucoup de gens disent, j'ai appris, c'est comme ça. Mais non, il faut évoluer. Je reprends souvent une phrase de Yoda dans Star Wars qui dit, il faut savoir désapprendre ce que tu as appris. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut savoir, oh là là. Pas obligatoirement pour le faire. Évoluer. Pour pouvoir évoluer. Ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un qui a plus de 900 ans qui dit ça. Bah justement, voilà, ouais. Et justement, on parlait de variété. Oui, oui. 900 ans, tu as ? Oui, voilà, c'est ça. Et on parlait de variété. Alors j'aimerais finir sur quelque chose. Justement, d'évolution, et tu as très bien lancé la dernière partie que je voulais faire. C'est la pop culture, c'est quand même plein de domaines. Oui. Est-ce que, alors, moi j'aimerais bien que ça arrive un jour. Est-ce que ça pourrait enfin rentrer dans les matières scolaires qu'on enseigne ? Enseigner la pop culture, c'est quand même quelque chose, une part importante de notre vie, et on ne l'enseigne pas. En musique ? En musique, en dessin, alors qu'est-ce qu'on voit là ? Classique, mais je suis d'accord avec toi, déjà c'est largement minoritaire, et surtout, si on considère, je suis désolé pour les profs de musique et dessin, mais vous le savez, hein, c'est malheureusement, c'est marginalisé. Ouais. On sait qu'ils ont qu'ils sont obligés de suivre. Même à côté, au final, dans les autres matières comme l'histoire, par exemple, que tu n'as pas cité, mais l'histoire, on pourrait prendre des événements qui sont produits. J'en parle aussi. L'histoire de la pop culture aussi, rien que cette histoire-là, on pourrait enseigner. On enseigne l'histoire de l'art. Ouais. Je pense que là, on est un petit peu, c'est un peu trop récent pour le coup pour être abordé. Alors après, ça serait hyper intéressant parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez d'une manière générale, pas que dans la pop culture, hein, mais d'aborder l'histoire moderne parce que c'est ce qui influence directement notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les 50 dernières années. Alors pas que, hein, évidemment, mais les 50 dernières années ont un poids sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, quand tu es en cours d'histoire au collège, tu n'en parles pas. Voilà. C'est ça. On parle des dinosaures. Moi, j'ai fait 5 ans sur les dinosaures. Moi, j'avais Jurassic Park à l'époque, c'est peut-être pour ça, mais, mais tu vois, je m'en branle des dinosaures quelque part. Ouais. J'aurais préféré apprendre de l'histoire plus récente. Moi, j'ai fait un an sur les Égyptiens et les Romains, alors tu sais, avec un peu de grec. Moi, c'était que sur les deux guerres mondiales, donc. Oui, donc alors tu vois, déjà, entre les dinosaures et les guerres, déjà, c'est quand même passé vite. Hein. Ah, ouais. Oui, après les guerres mondiales, oui, vas-y. Il y a plusieurs problématiques. Vous avez soulevé la place des matières, déjà, que. Dessin, musique, on ne sait pas toujours ce qu'on va y faire. C'est pas toujours fait non plus par des professionnels. On confie des fois ces matières à des gens pour boucher des heures, etc. Donc on ne sent pas forcément la vraie place. Et puis, même jusqu'à l'histoire, moi je ne pensais pas qu'un jour on allait se dire bah, quand il y a une matière à supprimer, c'est l'histoire qui saute. Je pensais que c'était important de construire quelque chose à partir du passé. Bah, et après, il y a une deuxième problématique, c'est-à-dire c'est les profs que vous avez, il faut qu'ils soient formés aussi à tout ça. Et donc, qu'ils aient un âge certain ou un certain âge, comme je dis, ils ne sont pas nés dedans, donc tant que vous aurez cela, bah, ils pourront pas. Et puis les nouveaux qui arrivent, bah, qui sont pas non plus nés dedans, machin. Et ouais, il y a besoin de temps avant qu'on ait vraiment des gens. Mais si on parle de pop culture, travailler des spécialistes. Tout le monde a vécu tout le monde a vécu ça, tu vois, parce que même les profs qui ont 55 ans, ils ont vécu l'âge d'or de la pop culture. Après, pour sélectionner ceux sur quoi on travaille et faire des programmes, enfin, ça met très longtemps. C'est ça le problème. Et puis utiliser les outils de nouvelles technologies. Bah, attends, me rappelle même quand j'étais môme, je me levais pour aller faire marcher une magnétoscope, des gros trucs d'ailleurs, même pour appuyer sur une touche, rembobiner, etc. Les profs ne savaient pas faire, ils n'étaient pas nés dedans. Ben non, leur a collé un appareil, on leur a dit voilà les cassettes, voilà machin. Je te rassure, si c'est toujours pareil. Si tu n'as pas de mode d'emploi, tu peux inventer, réinventer. Oui, je veux bien. Les jeunes, ils vont plus vite que la musique, ok, mais c'est pas eux qui forment. Mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je parle pas des études supérieures, mais jusqu'au lycée, on est plutôt dans une machine à remonter dans le temps, plutôt que une machine qui va vers le futur. Alors, hein. Malheureusement, parce qu'en fait, on forme des gens et pour étudier ce qu'ils vont faire comme métier dans 10 ans ou dans 20 ans. Et pourtant, on a des moyens qui remontent. Voilà, et parce que ça va trop vite, l'évolution va tellement vite. Parce que ça vite, va vite, ouais, ça coûte cher. Et ben, le système, il n'est pas adapté à ça. On forme des gens pour qu'ils aient un métier pendant 40 ans aujourd'hui, voire en plus, etc. Il faut peut-être repenser ça aussi. Et en plus, on forme des gens pour des métiers qui n'existent plus ou qui dans 10 ans n'existeront plus. Oui. Absolument. Et en plus, donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer un petit peu ce débat de pop culture à l'école. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit que le nombre d'enseignants qui est minoritaire, on parlait, ils sont obligés de suivre des programmes, ils n'ont pas le choix, de toute façon, on ne jette pas la pierre. C'est pas de leur faute. Jette pas la pierre. Mais j'ai, par-ci par-là, et sûrement vous aussi, vous avez entendu, des enseignants qui ont intégré un élément de pop culture à un moment donné, un livre, un manga, une histoire. Oui. J'avais mon prof de philo, par exemple, il nous a bassiné avec Matrix en toute l'année. Mais tout de suite, quand c'était quelque chose qui intéressait les jeunes, ils ont dit, on a eu des résultats scolaires. Non seulement ils apprenaient à s'exprimer, ils apprenaient tout. Donc c'est aussi pour ça, je pense que c'est une idée personnelle toujours. Ouais. C'est... Ah mais t'as raison. Voilà. À partir du moment, enfin dans l'enseignement en général, à partir du moment où tu prends des points qui peuvent intéresser directement, tu vois que les élèves peuvent se projeter directement, ça marche. Comme utiliser les nouvelles technologies. Moi, je veux dire, je l'ai testé. Bon, j'ai pas été faire jusqu'à des courts métrages, mais on a avancé un peu. Ils étaient un peu surpris, mais oui, ça les intéressait. Mais on parlait de l'école, mais excusez-moi, mais allez voir les politiciens. Ah le décalage est énorme. Pareil, ils ne savent même plus à quoi ressemble la vie dans la rue parce qu'ils ne mettent plus les pieds. Ils connaissent le prix de rien et la mise de l'économie. Ah oui, qui sait même pas le prix du pain. Enfin, mais on peut pas vivre avec 6000 balles par mois à la retraite, c'est pas possible. Non, mais oui, je sais, ils sont complètement déconnectés. On va te plaindre. C'est ça, en vrai, ils sont comme ça. Voilà, donc ça, c'est. Voilà, je voulais finir sur ce point-là en me disant que. La pop culture, dans le futur, aura de plus en plus de place. Si on pouvait aider à ce que les gens se l'approprient aussi, si ça pouvait permettre aux gens d'évoluer, d'avoir l'éducation en rapport. Je pense que beaucoup de choses découlent de là. Il faudrait que ça soit pris au sérieux. Et c'est ça le problème. Surtout. Parce que, en fait, pourquoi c'est pas intégré vraiment dans les programmes scolaires, etc. C'est parce que c'est pas pris au sérieux. Ouais. Alors que pourtant, c'est ce qui nous touche directement. Ben. Parce que aujourd'hui, l'histoire, et je ne dis pas que les autres périodes historiques ne sont pas étudiées, mais cette histoire moderne, et notamment l'histoire de la pop culture, est ce qui nous influence le plus dans nos futurs métiers. Voilà. Je parle de l'univers professionnel. C'est l'histoire du progrès. Aujourd'hui, absolument, il faudrait juste rééquilibrer. Voilà. Oui, voilà. Et si on ne le fait pas, on parle de fracture numérique entre les gens qui ne sont pas connectés, machin truc, mais fracture culturelle, fracture générationnelle. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, on ne devrait pas. Après, c'est un jugement personnel, mais sachant que les métiers évoluent tellement vite, on ne sait pas les métiers qui existeront dans 10 ans, 20 ans ou dans 30 ans, en fait, on doit être formé à quelque chose de général et avoir le plus de billes possible pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est le maître mot, à mon avis, c'est savoir s'adapter à tout ce qui va se passer. Donc, plus on a déjà des connaissances, des cordes à son arc, mais dans tout ce qui est, que ça soit l'art, la mode, le design, tout ça, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est hyper intéressant et ça se retrouve. Il y a des exemples concrets. Tu passes, dans un quartier, si t'as étudié un petit peu ça, si t'as été sensibilisé à, tu vois le résultat en fait. Quand on te parle des Romains, tu dois aller à Rome ou machin pour voir ce qu'ils faisaient. Si tu vas dans la cité HLM du coin, déjà tu peux. Non mais c'est. On rigole, mais c'est pas le même style d'architecture, tu vois, je peux pas comparer les deux. C'est quand tu passes de Rome à la cité HLM du coin. J'avoue. C'est ça qui m'a fait rire. J'avoue, mais l'histoire est hyper intéressante quand même, tu vois. Mais c'est là qu'on se dit que c'est moins spectaculaire. Il faut que des gens soient hyper calés sur ces différentes choses. C'est ça. Et y en a qui connaissent plein de choses, les commissaires priseurs, ceux qui sont capables. Vous leur montrez n'importe quel objet, ils sont capables de savoir c'est à telle période, etc. Ouais. Et alors eux, ils continuent d'apprendre tout le temps, parce qu'il faut qu'ils connaissent tout ce qui existe. Voilà. D'accord. Moi, je peux te dire que je connais un truc aussi. Tu connais la musique qui passe sur Indestar ? Oh, j'allais dire, je connais ce qui va suivre. Mais c'est pas vrai ! Non, mais il est déjà dans le futur, c'est pour mais ça. Mais oui, pire que t'as dit. On va avoir... Jorm, ça se dit Jorm. Je pense que c'est Jorm. Ça dépend d'où ça vient. D'accord, donc Jorm, Pump Up Pumped Up Kicks. Pas très gentil. Kids, ouais. C'était Foster the People qui faisait ça il y a une dizaine d'années. D'accord. On pouvait danser la clochette. Andy the Kid. Pour reprendre ce que j'avais dit pendant l'émission Science, c'est trop vieux pour moi maintenant. Ouais, genre 2013, ça va. Et c'est remixé donc par Jean. On va la voir sur Indestar. On va l'écouter même surtout. On va la voir parce que. Oui, c'est pas faux. Il n'y a pas encore l'image. Mais par contre, vous pouvez l'imaginer. Daniel, le plus exotique des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul à porter des chemises hawaïennes à temps plein. Mais vous avez la rêve. Yes. Ouais. Et même en 2050, il en porte toujours. Et oui, et là je suis dans le futur, en 2050, j'en porte une. Mais très spéciale, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour le savoir, si vous n'étiez pas là, il faudra écouter le podcast. Voilà. On le retrouve où, Daniel ? Alors moi je vais directement sur indestar.fr et je réécoute là, mais si vous avez vos sites de podcast préférés, n'hésitez pas à aller dessus. D'accord, bah comme ça. Et pour ceux qui veulent nous appeler, c'est au 09 70 407 306. Oui, voilà. S'il vous plaît, appelez-nous du futur, on voudrait savoir comment demain c'est par exemple. Voilà, allez. Même après-demain vous pouvez. Je sais pas si j'ai envie de le savoir, tu vois. Non, moi non plus, mais... Ne nous appelez du futur que si c'est beau. Ouais. Si on n'a pas d'appel, on pourra se douter de quelque chose. Malheureusement, je vais te parler d'un truc qui n'est pas très beau. Ouais, bah je... Oui. Tu vas nous parler de toi ? Non. Merci Thierry. On va aller faire un saut en 2112. C'est loin ça. Oh, c'est loin, ça dépend ce que t'appelles loin. Ah, c'est pas vieux. Non. Un peu moins de 100 ans quand même. Hein. Ouais, dans le manga Psychopass, justement qui. Qui est dans le futur. Alors, par exemple, oui, tiens, je pensais pas à ça, mais oui. C'est pas ça ? Si, ça c'est l'opening du manga. C'est japonais quoi. Oui. Et ça, c'est le remix qu'ils ont utilisé pour les épisodes de la suite, en fait. Ah oui, c'est pas l'original. Ah oui, ça, on voit, là. Oui, c'est... Ouais, vu que l'original est beaucoup plus calme. D'accord. Là, c'est la version Jackie Tuning. Ouais, c'est ça. Je préfère celle-là, moi, personnellement. D'accord. Et donc, dans Psychopass, il y a 41 épisodes répartis en 3 saisons. Donc, dans la saison 1, il y a 22 épisodes. Oui, la saison 1, ils y sont plus allés, c'est également la meilleure saison. Ils avaient plein d'idées. Ouais, c'est ça. Saison 2, donc 11 épisodes, et saison 3, il y en a seulement 8. Ah oui, vraiment, là, ils étaient à court d'idées. Hein. Bah, saison 4, il y en a 0. Bah, il y en a pas. Et donc, chaque épisode dure 20 minutes. Ouais, ces petits épisodes sont sympathiques. Au dîner, ça passe. Ouais, ouais. Alors, c'est pas regardé avec n'importe qui non plus. Non, mais j'avoue que moi, dans les séries, je suis pas très série. Hein. Ouais. Mais j'aime bien regarder les séries qui, comme ça, durent 20 minutes, tu vois. Ouais. Comme ça, je me dis, je peux dîner, ça me perd pas trop de temps. C'est le temps de son repas. Il commence à l'opening et il finit son dessert quand... Non, mais c'est à l'ending. Alors que tu vois, les séries qui durent 40 minutes, 45 minutes, j'ai l'impression de perdre du temps. Tu vois, j'ai fini de dîner, j'ai fini mon dessert, je sais plus quoi faire. Je suis obligé de finir l'épisode. Alors, soit, sinon, tu le coupes en deux, mais bon, c'est relou. Donc, c'est un manga qui se déroule en 2112 au Japon. Une intelligence artificielle, même un système informatique qui s'appelle Sibyl, a transformé la société en société parfaite. Donc, alors attention, parfaite pour qui ? Vu que justement, on va en venir. Pour c'est une société parfaite basée sur la surveillance par des caméras, des drones, des scanners. Donc, c'est vraiment les parfaite pour le gouvernement, quoi. Alors, justement, on va en venir après, mais c'est vraiment omniprésent. Et grâce à ça, ils peuvent se calculer ce qu'on appelle le facteur criminel. C'est un peu la Chine, en fait. C'est la Chine en 2022, quoi. Par exemple. Et donc, le problème, c'est comment calculer ça ? Ben, la police a une arme qui s'appelle le Dominator, qui a deux modes de tir, donc un tir non létal, forcément pour immobiliser la personne sans rien, mais dès que le facteur criminel dépasse trop, ils activent le tir létal. Donc en fait c'est c'est de l'anticipation de, c'est ça. De meurtre, la personne, de violence. C'est, t'as l'avertissement, t'es mort sans être mort et après si tu respectes et pas, là justement, t'es mort. Justement dans ce manga il y a une chose qui est très forte, je trouve qu'il soulève un problème, c'est par rapport au facteur criminel. Il y a une femme à un moment qui se fait frapper dans la rue, c'est en pleine rue, devant la femme, c'est Océane, devant plein de personnes. Pourquoi moi? Parce que t'es la seule femme présente ce soir. Je voulais t'entendre et tu disais rien, c'est pour ça que je savais que t'allais réagir. Et donc, elle se fait frapper devant peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes par trois personnes. Donc, vraiment, ça peut être arrêté. Oui. Personne ne va bouger parce qu'ils vont avoir peur que leur facteur criminel augmente et qu'ils soient considérés comme une menace. Cela dit, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est la même chose, malheureusement. Et, oui. La semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais tu as un homme à Paris. En plus, on a parlé de lui parce que c'était un photographe. Ouais. Voilà. Il est resté pendant 9 heures allongé dans la rue, personne ne s'occupait de lui. Hein. Et tu n'as pas besoin d'avoir de facteur criminel pour. Mais, tu vois, mais... Justement, c'est là où je trouve un peu problématique, c'est que, vu les technologies actuelles, ça peut se produire, ça, potentiellement, dans le futur. Je sais pourquoi, c'est des gens qui avaient vu Psychopass avant, ils n'ont pas osé intervenir. Non, mais je pense que c'est juste aujourd'hui de l'égoïsme. Oui, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu le vois, t'as pas besoin de technologie. Là, c'est de l'égoïsme, que là, ce que raconte Kevin, c'est carrément la peur. Là, c'est de la peur. La peur. Et justement, il y a un autre manga qui est basé sur la peur, où t'auras également un monde, entre guillemets, parfait, c'est Death Note, où il y a un petit parallèle à faire. C'est au final Death Note, donc c'est Light qui trouve un cahier, donc un cahier de la mort, et il inscrit tout le monde, tous les noms des criminels. Ok. Donc en soi, on va dire que c'est basé pour lui sur une bonne intention. Sauf de que vouloir éliminer les criminels. Voilà, ouais. Pour avoir un monde parfait. Ouais. Sauf que problème, le monde devient la peur en fait. Ils ont peur de Light. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien. Ouais. Mais tu vois, je pense que. Je sais pas comment a été conçu le monde, mais de base, il n'est pas parfait. Non. Et je pense que on est les moins à même en tant qu'être humain de le rendre parfait. Donc en fait, on a beau faire tout ce qu'on veut et espérer mettre en œuvre tous nos rêves, à chaque fois, on se retrouve dans un système où tu vois, tu veux faire le bien, tu te dis la bonne idée, c'est d'éliminer tous les criminels, et par finalement, t'arrives à un système où tout est surveillé, tout est sous contrôle, et du coup, plus personne n'a aucune liberté. Et quoi. Au final, c'est la même chose qui régit ces deux mangas par rapport à ça, c'est la peur. Oui. Au final. La peur, mais ça ne m'étonne pas en vrai. Et donc, qui on envoie lorsqu'un citoyen dépasse la moyenne d'un facteur criminel? Le tueur. Alors non, perdu. Ah, mince, on envoie des inspecteurs, mais c'est pas les seuls qu'on envoie sur place aussi. Il y a des exécuteurs. Ah je pense qu'on sait ce qu'ils font. Ils exécutent. Alors quoi, oui, les ordres. Quelle est la différence entre un inspecteur et un exécuteur? Moi je sais, l'inspecteur inspecte et l'exécuteur exécute. Perdu, Daniel. Donc, perdu. Un inspecteur va faire un facteur criminel normal, qualifié de normal, et un exécuteur va avoir un facteur criminel extrêmement haut. Ça va être une personne qu'on va juger utile pour la communauté. Forcément, pour tirer et abattre quelqu'un, tu vas pas prendre une personne modèle qui va rien avoir. Mm. Il va bien voir. D'ailleurs, ils sont même appelés comme ça dans le manga, des chiens. Ah oui. Il va bien falloir des chiens pour faire le sale boulot. Ok. Donc et on réduit à l'état. Attends, moi j'ai une question. Oui. Donc t'as pas le droit d'être criminel. Oui. Mais si t'es un tueur, t'es quand même un criminel. Mais oui. T'es. Ouais, mais c'est attention. C'est les exécuteurs. Il y a une certaine logique, on va dire. Mais ça, je vais en revenir. C'est une catégorie à part, alors. Alors oui, je vais en revenir tout à l'heure quand je vais présenter 4 personnages très importants dans la saison 1. Non, mais je... Il fallait voir la tête de Théo qui ne comprenait rien. J'étais en mode pause. Ouais. Et donc, dans la saison 1, il y a vraiment 4 personnages qui sortent du lot. Shinya Kogami, qui est un exécuteur. Sauf que, donc, il a 28 ans, donc il est très jeune, mine de rien. Et lui, il était inspecteur avant. Comment tu upgrades? Alors non, justement, c'est un downgrade plutôt. Ah, c'est un downgrade. Okay. Qu'inspecteur, c'est la fonction très bien où t'es tranquille, t'es limite Dieu dans le bureau. Ah oui, ok. T'es limite. Ouais. Et exécuteur, t'es plutôt le chien. Comment il a régressé alors? Alors, le problème, c'est que son coefficient de criminalité a augmenté durant une enquête. Ah oui, ok. Donc, il avait un exécuteur. Une bavure. Ouais, il avait un exécuteur qui s'appelait Sasayama, qui était très proche de lui. Sauf que cet exécuteur en question a été tué. Ouais. Et Kogami a trop poursuivi l'enquête, ce qui fait que son facteur au fur et à mesure a augmenté. Mmh. Et il a été régressé. Mais tu sais que ça me rappelle en vrai, et malheureusement, la réalité en Chine où selon les actes que tu fais dans la vie réelle, tes étoiles ou ta note en fait augmente ou diminue. Note, ouais. Et donc ces personnes-là ont droit à un dominateur, notamment pour tirer, abattre ou neutraliser les gens. Tout comme les inspecteurs. Mm. Sauf que en mode létal, il y a une certaine clause qui permet pas aux exécuteurs de tirer sur des inspecteurs. D'accord. Il y a quand même une certaine sécurité, on va dire, dans le truc. Vite fait. Oui, vite fait, oui. Mais on va dire, admettons, l'exécuteur, si on va dire, il tourne fou, mais il peut pas tuer un. Oui. Il peut tuer tout le monde, mais pas. Non. seulement ceux qui ont un facteur criminel élevé. Seulement eux. Ouais. Ah. C'est, t'as quand même une certaine logique. Ah. Oui. C'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, sinon t'as tiré sur ton copain. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça, c'est très drôle à faire d'ailleurs. J'avais compris des fois, tu dis ah merde, il était dans mon équipe, puis j'avais pas. C'est assez marrant des fois à faire. Mais tu sais que je tire mal, pourquoi tu t'es mis devant moi? Voilà, c'est ça. Après, en inspectrice, on a Akane Tsunemori, qui elle est vraiment la citoyenne modèle, mais forcément, il va y avoir un problème. Elle se met à douter des jugements de Sibyl. Elle va se dire, mais c'est pas normal qu'on juge sur ça, alors que certaines personnes, comme là par exemple dans l'épisode 1, c'est une personne qui se fait virer, qui vire fou. En soi, bon, c'est pas sa faute, quoi, on va dire. Et elle va dire, mais c'est pas normal, quoi, que cette personne ait été poussée à tout faire, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ouais. Elle commence à douter du système, quoi. Voilà, elle doute du système. Sauf qu'elle, vu qu'elle a un facteur criminel très très bas... On est tous cette fille-là. Ouais. Sauf qu'elle, vu qu'elle a un facteur criminel très très bas, bah, il va augmenter, mais il va pas augmenter jusqu'au seuil critique. D'accord. Peu importe, elle va rester toujours et ça va être tranquille. T'as une marge de manœuvre, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, on a Ginoza Nobushika, qui est le supérieur de Akane. Mmh. Donc, tu as l'inspecteur, mais tu as forcément un chef quand même au-dessus. Ouais, c'est le grand Manitou. C'est ça, c'est le grand Manitou. Mmh. Sauf que lui, il va être comme Kogami, il va être dans le même cas. À la fin de la saison 1, il va rater une chose et il va descendre au rang d'exécuteur. Ah oui. Ok. C'est... Et tu peux quand même remonter dans les échelons. Alors, c'est très sage. Tu peux, mais c'est compliqué de faire descendre son facteur criminel. Ouais. Vu qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois que t'as un facteur criminel élevé, bah tu te dis, oh, admettons, t'as tué quelqu'un. Tu vas te dire, un vol, c'est pas si grave à côté, en comparaison. Ouais. Dans le manga, bah c'est ça la logique. Oui, oui, c'est qu'ils veulent un œuf, veulent un bœuf, quoi. C'est ça. Ouais. Donc on va dire, ils vont faire un truc très très grave. Mmh. Après, ils vont enchaîner avec plein de petits trucs. Et mais ça va, suite. Quoi. Ouais. Bon, moi, voilà, ils vont se dire ça. Je crois que je vais faire attention avec le courrier parce que si j'ai un facteur criminel, je vais me méfier, hein. Ouais. C'est vrai que ça peut être comme ça aussi. Mais... Et tu vois, c'est marrant parce que je viens de terminer une série là sur Netflix qui s'appelle The Good Place c'est ça. Enfin, c'est pas exactement ta logique, mais il y a un système quand même de notation, vu qu'en fait c'est l'accession, le bon endroit c'est le paradis, l'équivalent du paradis, et puis le mauvais endroit c'est l'enfer, et en fait t'y as accès selon le nombre de bonnes actions que tu as fait durant ta vie, et justement ils instaurent un nouveau système comme quoi tu, même dans l'au-delà, tu peux continuer de gagner des points ou de perdre des points pour arriver au bon ou au mauvais endroit, quoi. Ouais. Ouais, donc forcément, c'est... Une fois que t'es au paradis, t'as le super paradis. Ouais. Ah, et après, super tu bon as endroit. L'ultra paradis. Donc, pour en revenir à Psychopaths, vu que forcément, dans tout manga, il y a un méchant. Ah bah, évidemment, sinon, il n'y aura pas d'histoire. Autrement, bah oui, ça sert à rien. Il y a tué le méchant. Il s'appelle Makishima Shogo. Eh oui, j'ai été donc, découvert. C'est l'antagoniste de la première saison, vraiment. Où c'est un humaniste, le mec. Alors oui, méchant et humaniste... Bah oui, ça veut dire que de toute façon, non, c'est pas illogique. Oui. Parce que la société est tellement contrôlée que t'as plus d'humanité. Donc quelqu'un qui est humaniste, ouais, forcément, va contre le principe. Oui. Ouais. Mais alors à ce moment-là, moi je qualifie pas ces gens-là de méchants. Peut-être d'anti-système, mais pas ouais, forcément mais, méchants. Bah oui, mais justement, le système, ouais, oui, là où ça va arriver, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est dotée d'un charisme incroyable dans le manga. C'est un peu vraiment... moi, quoi, en fait. Bon, pardon. Alors, on n'a pas vu le même Théo, je crois. Ouais. Donc, c'est une personne, quand tu le vois, tu vas te dire, mais c'est pas possible qu'il soit méchant. Mais le mec, au fur et à mesure de la saison, en fait, tu te rends compte que toutes les personnes qu'il a poussées, qu'on a vu se faire abattre, se faire arrêter, c'est lui qui est derrière, qui a fait, ah, mais ce serait pas mal si t'irais faire ça. Ah oui, ce oui, serait oui, cool d'accord. Si t'allais faire ça. Il fait tout en sous-marin, quoi. Voilà, c'est lui qui va pousser des personnes normales. C'est pas pratique, shooter, hein, ouais, en sous-marin. Et donc, c'est un criminel qu'on appelle asymptomatique dans le manga. Donc, ah. Il peut pas être évalué correctement par un dominateur. Donc, oui. Ah, ça va loin. Ce qui fait qu'il y a un petit c'est problème. C'est un manipulateur. C'est ça. C'est un manipulateur, c'est. Oui, un pervers problème. Narcissique. Ouais, c'est ça. Merci Thierry d'employer des termes que je comprends. Et même dans le manga, il y a même une scène. On le voit faire un crime. L'inspectrice va sortir son dominateur, mais il n'y aura pas de chiffre qui va sortir. Même quand la personne va être prise en train de faire un crime, elle pourra pas être. Il n'y aura pas de chiffre. Quand tu dis de chiffres, en fait, en gros, de notation qui augmente ou qui baisse. C'est ça, de notation baisse, par rapport à ce moment-là, ouais. On va dire. 10 c'est ouais. C'est comme si t'avais fait un cheat code en fait. C'est ça, ce 10 moment-là. C'est faible, 20 c'est la moyenne et 30 c'est élevé. Ouais. Si le mec va être à 80, bah, le dominateur va pas pouvoir le ça noter. Ça fait penser aux espions qui sont formés à résister aux détecteurs de mensonges qui n'ont pas de variation de, ouais. De température, de réaction, etc. Ouais. Donc, indétectable. C'est ça, donc il travaille pour percer Sibyl et le renverser. Donc pour pouvoir avoir un monde libéré de bah, ce danger pour lui. Et donc, plus il travaille, plus il va attirer l'attention, forcément. Mais le problème, c'est que ce personnage-là, c'est celui-là qui est responsable de la mort de l'exécuteur de Kogami. Mm-hmm. Et donc, il va mourir à la fin de la saison 1, abattu par Kogami. Et Kogami va s'en faire. Chaque fois que après. Tu me parles de Kogami, moi, ça me fait penser à Konami, les PES, là, tout ça. Là. Ça n'existe plus, PES, pour info. Ouais, je sais. On va l'appeler Shinya, alors. Ça te va ? On va appeler quoi ? Shinya. Ah, Shinya, c'est bien. Vu que c'est son prénom. D'accord. Et justement, il a battu par Shinya à la fin de la saison 1. Ok. Donc, voilà. Donc, ils peuvent quand même être vaincus, mais. Ouais, bon. C'est ça. Mais pas quand on cherche à comprendre, quoi. Ouais. En tout cas. Mais le problème, c'est que forcément, après, il avait un plan et tout était prévu. Autrement, c'est pour ça qu'ils n'avaient plus de scénario pour la saison 2. Il y avait un plan, ils l'ont tué, le mec. On va dire que le problème de la saison 1, c'est que l'exécuteur. Bah. Shinya pour pas dire Kokami vu que tu vas penser à Konami. Mais en fait il attirait trop la lumière sur lui et l'inspectrice n'était pas mise en avant à côté. D'accord. Alors que l'inspectrice c'est censé être l'héroïne. Ouais. Et donc ce qui fait que l'exécuteur est parti, le principal antagoniste est mort. Au final ils avaient fait un peu vide après. Voilà, ils avaient fait le tour. Ouais. Et après c'est un bon moyen des fois dans les séries. Alors là c'est un animé, hein, enfin un manga, mais t'as animé manga. Ouais, animé, mais des fois, quand t'as des acteurs principaux qui s'en va, de justement faire ressortir un peu les personnalités. Il ouais. Y a des mangas qui sont très très bien faits. Ouais. Death Note, par exemple, la deuxième partie. Bon, j'en parlerai plus tard. Il y a un truc qui est prévu par quand rapport tu à ça. Dis plus tard, c'est tout à l'heure ou une autre fois? Ah non, une autre fois, ah, dans d'accord. Une autre émission, notamment dans sur, le futur. Dans le ouais. Futur, voilà. On a une émission criminelle qui va arriver dans bah, dans un peu de temps, et justement, je vais parler du criminel de Death Note. Ah. Je parlerai plus de. Bien, sur ce moment-là. Mmh. Oui. Donc voilà un peu ce qu'est Psychopass. Bon, j'ai résumé assez rapidement quand même. Ouais. Bon, 3 saisons, autrement c'est un peu plus long, forcément. Bah non, mais c'était suffisant. Merci Théo. Rien, c'est... Là on voit sa tête, non. Il est complètement. Le truc qui paumé. Retiendra, voici c'est un nouvel animé que je ne regarderai pas. Ouais. Non, le truc que tu retiendras, c'est l'opening. Oui, bah, parce qu'on l'a entendu de soi, mais oui. Non, mais pourquoi pas, c'est plutôt sympa, même si ça après, fait un peu... Le truc que j'ai oublié de préciser, c'est un seinen, donc un manga pour adultes. Ah, d'accord. Okay. Donc tu as les shonen, donc tout ce qui est Naruto, Dragon Ball, pour as-tu enfants. As-tu l'âge, Théo, pour regarder un je ne pense pas. Et tu sais, même quand j'avais l'âge de regarder Dragon Ball Z à l'époque et tout ça, et c'était bien la mode hein, à mon époque, et j'étais pas fan de tout ça. Hein. Je vais pas te mentir, je suis pas hyper fan de Dragon Ball non plus. Ouais. Non mais tout cet univers, ça m'a jamais trop inspiré. J'ai beau en entendre parler, voilà, avec Teddy, avec forcément. Toi, avec, mais ça ne m'émeut pas. Oui, mais peut-être parce qu'on a, je sais pas, on a peut-être été élevé à autre chose. Parce que moi, j'ai aussi connu, enfin, quand ça s'est développé par le club d'eau et ouais. Compagnie, mais. Bah, tu vois, j'étais, enfin, je fais partie dedans, de cette génération du club Dorothée, quoi. Oui. Et bah non, en fait, moi, je regardais le Hit Machine. Tu vois, t'es pas club Dorothée, quoi. Les mangas, ça, non. C'est pas mon truc. Mais bon, après, ça viendra peut-être un jour. Hein, c'est soit t'as grandi avec, soit bon, tu prends en cours. Mais non, si mais moi, j'ai appris à lire à l'endroit. Grandi. Bah, disons vieilli. Faut avoir pris le bon manga au tout début, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai que Dragon Ball, tu vois, bon, c'était. Pour le coup, c'était un des premiers en France qui fait ouais. Le buzz. Mais c'était devenu populaire. Oui. Mais j'ai pas accroché. Voilà. Après, tous les goûts sont dans la nature, ouais, même les mauvais comme Théo. Oui, non, c'est pas oui à ça, mais c'est mais tant mieux. Enfin, si on veut que subsiste la différence, il faut ouais, qu'on n'accroche pas tous à la même chose. C'est ça. Voilà. Par exemple, la musique, on n'accroche pas tous à la même. Ouf. On aime tous Anafri. Non. Ça, je te confirme, on l'aime pas tous. C'est le moment où je tout sors. Attends, tous les Théo d'Indestar adorent Anafri. Exactement. Surtout que c'est pas pour tout de suite. Non, bah non, on va attendre encore un petit peu. Ouais. Par contre, on a quoi? Caro Léoni avec Bruxelles, je t'aime. Ouais. Reprise de Angèle. De Adèle, comme j'ai dit tout ouais, à l'heure. T'as dit Adèle, on... toi. on cherchait l'artiste. Puis je fais, alors, c'est deux c'est... stars. Hein, mais... Oui, c'est deux stars. Puis je fais, là, c'est Adèle. Je fais, non, c'est pas ça, c'est un truc qui est dans le coin. Il y a elle. Ouais, voilà. Ouais. Bah, il y a un ou c'est au début. Ah ouais, c'est vrai ouais. Adèle, Angèle. Ouais. Elles se ressemblent. Ouais, on va comme la voir choux. Sur Indestar. Et Bruxelles, parce qu'elle est belge une fois. Elle mange des choux. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger, level 2. You win. You lose, Théo. Oui, je sais. Ouais. Elle mange des choux Bruxelles ou elle mange des choux à la crème? Ah, je pensais plus aux choux Bruxelles. Ah, des choux mais t'as encore participé que t'es dit, les choux, quand même. Les choux Bruxelles à la crème, c'est pas mal, hein, aussi. Ah, merde. Ça dépend si c'est de la crème à la vanille ou... Ah, les choux Bruxelles, déjà... Bah, vanille à la plastique. Bon. Ah, dans le choux de Bruxelles, il y a une façon de les faire cuire aussi, hein, pour pas voir... Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas commencer par les goûter à la cantine, sinon t'en manges plus. Non. Bah, il y a beaucoup de choses pour préparer. Oui, je pense que tout ce que tu peux goûter à la cantine. Ouais, à mon avis, tu peux faire une croix dessus. Ne commencez pas votre vie à la cantine. Non, non. Moralité. Et la chanson je préfère manger à la cantine, c'est une grosse connerie. Hein ouais. En l'an bah, 2000, ça veut dire que chez tes parents, ça va en pas bien. Tiens, là, une question pour toi. En l'an 2000, c'était déjà comme ça la cantine? Oh oui. Oui. Alors quand est-ce que j'ai mangé à la cantine? Ça fait encore plus loin que ça. Mais bon, moi j'étais pas trop difficile. Mais c'est vrai que je voyais une différence entre la cantine et la maison, ça c'est sûr. Bah, ça non. Oui. Alors moi je sais pas si j'étais difficile ou pas, ou si c'est la cantine qui était vraiment très mauvaise, mais clairement, quand je suis rentré au collège, la cantine, je mangeais rien. Je repartais, alors je payais 3 balles. C'était équivalent, après c'était en euros, mais au début c'était en francs, mais enfin c'était l'équivalent. Payait, tu vois. Ouais. Il payait de sa poche. Alors, c'est pas moi. Mais tu payais 3 euros pour manger une madeleine, ça fait cher la madeleine. Hein. sauf si c'est celle de Proust. Ouais. Oui, j'ai failli m'étouffer à cause de toi. Ah, je vais pas te mentir, moi la seule chose que je mangeais à la cantine, c'était le pain et le dessert. Ah voilà. Vu que le reste c'était immangeable. Il y avait des pamplemousses, tu sens en entrée. Quand il y avait des pamplemousses en entrée, j'en mangeais. Mais ça, une madeleine en dessert et un bout de pain. Il ouais. y avait des choses nous, qui revenaient rire, souvent. Mais c'était acide. Nous, oui. Totalement. Mais trop. Il y avait personne qui pouvait les manger, les pamplemousses. Ouais, ils y étaient trop. Ah, c'était pire que moi, les pamplemousses. Moi, les pamplemousses passaient, surtout quand tu rajoutes du sucre. Alors, je comprends pourquoi t'aimes autant le jus de pamplemousse. Hein. Oh, j'aimais déjà avant. Ouais. C'est pour ça que je mangeais. Mais non, mais c'est vrai que je... Enfin... Je pouvais pas boycotter la cantine parce que sinon je mangeais rien du tout. Ouais. Mais si j'avais pu le faire, d'ailleurs, quand j'étais au lycée et que j'ai pu sortir et aller manger ailleurs, j'ai mangé ailleurs. Hein. Qui ne l'a pas fait, ça, je crois. En même temps. Moi, tous ceux qui étaient en lycée privé, oui, et qui pouvaient pas sortir. Moi, le premier resto était à 2 km alors. Mais bon, il paraît que par rapport à l'époque de mon père, c'était déjà meilleur parce que lui, il avait carrément des asticots dans l'assiette qui gigotaient, etc. C'était de la viande gratos. J'ai une vraie histoire à vous raconter. J'étais en lycée. Alors attends. Et on voit. Père Daniel, raconte-nous une histoire. Père Daniel, raconte-nous une histoire. Alors Théo, regarde vers de quoi il parle. J'ai écouté le podcast, moi. Alors j'étais au lycée et les ordres faisaient que ma classe, c'était toujours la dernière. Hein. L'avantage, c'est quand il y avait du rap, tu pouvais en avoir. Mais quand ils n'avaient pas prévu avant assez à bouffer, tu ne mangeais pas beaucoup. Hein. Ouais. Bon. Et une fois, on voit, ça a été le service. Une rapidité express. Ouais. On rentre, t'avais les poubelles Cardi, c'était des lentilles. Mmh. Et tout le monde qui sortait en gueulant. Et ben, on a appris ce qui s'était passé. Franchement, nous, on a fait pareil. On a jeté les lentilles. De toute façon, on a balancé tout le monde sur a balancé, le mur. A ouais. balancé vraiment tout c'était à la poubelle. C'était une mode à l'époque. Et on a appris ce qui s'était passé après. Donc, il y avait déjà à l'époque une cuisine centrale ouais. qui livrait après. Ouais. Et ils avaient fait tomber les plats de lentilles par terre qu'ils avaient ramassés oh. à la pelle. Oh. Mais en même temps, ça m'étonne tellement pas. Mais le lendemain, on a fait grève quand même. On n'a pas été bouffé quand même. Hein. Ouais. Bah, et là, tu ils m'étonnes. Sont affolés. Et après, on a pendant quelques semaines bien mangé quand même. Il y avait des frites. Oh, c'est bizarre, dis donc. Quelques semaines, attends, ça n'a pas c'est plus. Bizarre, ça, dis donc, quelques semaines. Et il y avait des lentilles ouais. ou pas? Nous, c'est ce qu'ils faisaient tout le temps quand j'étais au collège. Ils n'ont pas mis des lentilles, oui. Fin de semaine, tu peux y aller. On avait toujours un bon repas. Ah ouais? Tu te disais, ah, c'était pas si mal en fait. Oui, lundi, quand tu fais le bilan de la semaine, ouais. tu dis c'était pas si mal. Bah ouais, forcément, dans notre petite mémoire de collégien, on gardait que le vendredi en sortant. Moi, c'était le repas de Noël, tu vois, au lycée, ou au collège aussi, mais au lycée qui était censé être meilleur. Et effectivement, il y avait un effort de fait. Ouais. Sauf que l'effort était fait au détriment de l'hygiène. Ce qui fait que tous les ans, il y avait des intoxications alimentaires au repas de Noël. Et quand c'était pas le midi, c'était le pensionnat qui avait le droit. Mais tous les ans, c'est arrivé. J'étais 3 ans au lycée, 3 ans d'intoxication alimentaire. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était meilleur, mais fallait tomber sur le. Ouais. Tu le. fallait bien choisir ses c'était plats. La roulette russe, non c'était la roulette russe. Ouais. On va peut-être revenir avec Thierry à l'an 2000. Ouais, à l'an 2000 quand même. Ouais, vu qu'on s'est un peu éloigné là, avec les cantines. Non mais c'est bien parce que moi je voulais justement avant d'aller dans mes délires vous interroger par rapport à l'an 2000 parce que on n'est pas tous du même âge, de la même génération si vous voulez. J'avais 6 mois. Merde. Et donc ben, je me disais tiens par exemple pour quelqu'un qui est né après ou qui est né pendant etc est-ce que toi qui es bah, on va dire voilà toi t'es né à partir de 2000 voilà tu vis à partir de 2000 est-ce que pour toi ça te dit quelque chose ton premier âge en 2000 est-ce qu'on t'a dit comment c'était est-ce que t'en gardes quelque chose est-ce que tu te rappelles des couches que t'avais en l'an 2000. Alors, je pense que je dois me rappeler d'un truc, je devais bien emmerder mon père. Oui, je te l'ai raconté, ouais, celle-là. Ouais. C'est pour ça que je m'en rappelle. Mais autrement. Après, je pense, alors, l'an 2000, c'est un petit peu trop vieux pour le coup. non, mais par rapport aux technologies. Mais tu vois, parce qu'on n'avait pas encore les téléphones qui filment tout et tout ça. Mais je me dis, celui par exemple qui est né en 2010. Bon, où on commençait à avoir vraiment la technologie sur nous pour pouvoir tout filmer, tout voir. Je pense que ces gens-là n'auront pas de souvenirs plus que nous, mais auront une parfaite vision ce qu'ils seront, enfin du monde de leur enfance grâce à tout ça. Quoi. Bah, on doit après, pouvoir j'ai une question leur montrer de leur naissance jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont tout filmé. Ouais. Bah oui, et ils auront déjà un profil Facebook depuis leur enfance. Quoi. Ouais, vu que souvent à l'an 2000, t'es pas très frais non plus. En moyenne, on va dire, les gens qui boivent un peu. Ah ouais, parce que moi j'étais donc, bon. Oui, en même temps, oui, j'étais en 5ème. Oui, forcément. Mais non, mais vu que tu parlais après tout ça pour ceux qui étaient nés en 2010 par exemple, on va remonter un peu le temps là. Mais tu penses sincèrement que les parents qui devaient pas être dans un état très très frais vont montrer des soins ce que c'était? Bah non. Voilà. Donc au final. Non, mais par contre, moi j'ai ce souvenir de cette grande peur du bug de l'an 2000 hein, qu'on avait depuis 97 en se disant que ça pouvait être potentiellement. Bah, après, on aime bien les théories de fin du monde, hein, mais on avait vraiment la peur qu'il y ait un gros bug, que tous les ordinateurs s'arrêtent, etc. 2012, il y avait. On se mette à 0000 et qu'on puisse pas repartir. Quoi. C'est ça, ouais, okay. Clairement. Alors, en fait, juste une petite parenthèse du futur quand même. Ouais. Je crois que c'est en 2032, on risque plus 1 d'avoir, égale 2. Entre autres, oui, on risque d'avoir un réel bug par rapport à certaines technologies informatiques. Ah ouais, mais par rapport aux 32 bits. Oui, ouais. Mais on sera en 2032. Ça fait beaucoup quand même. Donc ouais. les 32 bits, il y en aura plus depuis longtemps, à part sur certains appareils qui sont ultra vieux. Contrairement à ce qu'on croit, non, il en restera encore. Ah pas ouais, mal. Tu crois? Ouais, ouais. Parce d'accord. On est passé aux 64 bits depuis déjà 15 ans. Par contre, ce ne sera pas des appareils, on va dire, grand public. Essentiels. Voilà, ouais. Voilà. Ouais, bon, ça va alors. Ce sera des trucs secondaires. Ouais. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Non, mais toi qui as vécu pleinement les années 2000, puisque tu es quand même né dans les années 60, c'est ça ? 61. Donc j'imagine que tu as des souvenirs par rapport au passage à l'an 2000. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Est-ce que tu as l'impression que changer comme ça de siècle, de millénaire, il y a eu un vrai changement ou pas ? Alors, les gens se faisaient toute une idée, on passe à l'an 2000. Ouais. C'était quelque c'était chose. Le futur. Le futur, c'était quelque chose vraiment de. Presque inimaginable. On allait changer de millénaire de 1990, 80. D'un seul coup, 2000, on passe à l'an 2000. D'ailleurs, il y avait eu, pour le 1er janvier de l'an 2000, tout autour de la planète, des feux d'artifice énormes qui avaient été retransmis 24 heures sur 24 à la télé d'ailleurs. Et puis arrivé le lendemain du 1er janvier, Voilà. Ouais, bon, ouais. Bah, c'est l'an 2000, quoi. Mais d'un seul coup, la fièvre de l'an 2000 est retombée. Ouais, y avait un imaginaire qui travaillait les gens depuis très très longtemps parce que, par exemple, c'est Bachelet, je crois, qui avait une chanson quand on aura 20 ans en l'an 2001. Oui, ça doit être ça, ouais. Et il y avait des enfants avec lui. Et on imaginait. Il y avait une sorte de fantasme autour de l'an 2000, mais après, c'est vrai que technologiquement, après, ça s'est fait comme ça parce que voilà. Mais je pense que les grands changements technologiques, et je parle surtout d'internet pour le coup. On a vu l'arrivée d'internet dans les années 90, dans le milieu des années 90, et dans le milieu des années 2000, on a vu l'internet 2.0, les réseaux sociaux et tout ça qui sont arrivés. Et je trouve qu'en l'an 2000, en fait, dans la période fin années 90, début 2000, on n'a pas senti ce grand changement technologique dans nos vies, quoi. Justement, le gros problème qu'il y a eu essentiellement en France, c'est que début des années 80, on a créé une chose qui s'appelait le Minitel. Oui, en France, ouais. Ouais, en France. Ouais. Et justement, il y a un décalage entre la France et les autres pays qui n'ont pas connu le Minitel. Mmh. Parce que l'objectif, c'était, alors, que ce soit fabriqué en France et que ça soit français, d'avoir un terminal simple d'utilisation pour les gens au lieu d'avoir un ordinateur, un clavier, qui à l'époque c'était pas Windows, c'était ce qu'on appelait sous-DOS, avec les lignes, il fallait taper tous les codes à la main, rentrer et tout, on se trompait, la ligne de code avait 50 caractères, tu te trompais d'un seul, fallait tout retaper parce que copier-coller ça n'existait pas. Mm-hmm. Donc il y avait cette histoire de Minitel. Et le Minitel a disparu à l'aube, en gros, des années 2000, quand vraiment on est passé sous Windows, et puis après. Ouais, il a perduré quand même le Minitel en France. Il a quand même perduré. Ouais. Et ce qui fait qu'on a l'impression que ce changement technologique a eu lieu en France à partir de 2000 ou après 2000. Mmh. En fin de compte, dans le reste du monde où on avait déjà l'informatique, le changement technologique avait déjà eu lieu. Oui, mais t'as très certainement raison. Moi, c'est ma vision en tant que petit français. Hein. Ouais. Mais là-dessus, petit. Nous, on a voulu tout miser sur Minitel. Je confirme. Bah oui, t'es petit et je suis resté. mais le Minitel qu'on a voulu absolument et qui était une fierté nationale, hein, parce que pour le coup, on était plutôt en avance sur le reste du monde au niveau certaine façon, des services qu'on proposait. D'une façon, certaine façon, oui. Mais qui nous a mis en retard aussi, quoi. Oui, qui nous a mis aussi en retard. Alors, d'une certaine façon, oui, parce que finalement, ça a souvent été utilisé après dans l'industrie comme un PC portable actuellement comme terminal. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on l'emmenait, on le branchait quelque part. Bah oui. Donc de ce côté-là, ça a été absolument extraordinaire. Et je crois que le pic d'utilisation, tu vois, du Minitel, c'est 2003, 2002, 2003. Je sais plus. Là, tu vois, donc ça veut dire que quand je te dis ça a perduré, c'est que dans les années 90, on parlait que du Minitel. Après, à la fin des années 90, il y a commencé à avoir l'arrivée d'Internet, etc. Mais c'était assez marginal. Et vraiment, c'est dans le milieu des années 2000 où il y a eu ce renversement, vraiment cette chute du Minitel qui a été ultra rapide quand même, parce que on a éteint le Minitel, je crois que c'est en 2012. Mais déjà en 2008, 2009, plus personne n'utilisait le Minitel. Enfin, pas plus en tant que particulier. Ou peut-être le Minitel rose pour ça. Vraiment, il y a encore. J'en ai jamais trouvé dans le cover. Ça, j'ai cherché des couleurs roses, mais j'ai pas trouvé. Une bombe de pâte, je ça fait pense que c'était ça une connerie, aussi. Le Minitel rose. Océane, tu es née un petit peu après 2000, puisque tu viens d'avoir 20 ans. Ouais, est-ce que le fait d'appartenir à un nouveau millénaire, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Le fait de ne pas avoir connu avant Moi, je suis née en 2002 et moi, j'ai connu le passage à l'euro. Enfin. T'as entendu parler que. Ouais. Oui, tu manipules que l'euro, en fait, tu n'as pas manipulé d'autres argent avant. Voilà. Là, on peut mettre une vanne, vous avez vu, elle a pas connu l'ancien siècle. Non, mais chez moi, j'ai des anciens francs. Ouais. Non, t'as des francs et non, des francs nouveaux. Ouais, parce que les anciens francs, c'était autre chose. C'est avant 59. Ah oui. Parce que ça, c'était drôle quand même. Enfin, drôle. Ma génération, enfin, je pense qu'on est tous. Oui, pour le coup. on a connu que le nouveau franc. Mais quand ma grand-mère, par exemple, quand on est passé à l'euro. Ça fait combien en ancien franc? Alors attends, grand-mère. Déjà que on passe déjà du franc à l'euro. Alors si tu faut traduire en ancien franc, ça commence à faire compliqué. T'as peut-être connu ça aussi, Daniel. Ma mère, ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle a très longtemps, comme tout le monde de cette génération-là, compté en ancien franc. Ouais. Et puis quand est arrivé l'euro, elle commence à râler. Et puis là, je sais plus ce qu'il y a eu, j'en sais plus. On a commencé à discuter, l'air de dire, mais de toute façon, c'est qu'un calcul mathématique. Au lieu d'avoir 6000 francs en poche, t'auras que 1000 euros. Et puis voilà quoi, c'est juste. Eh ben c'est marrant, on n'a pas entendu parler assez. Moi, là où j'ai le plus de mal, et je pense que la majorité des gens ont eu plus de mal, ce passage à l'euro, c'est pas dans le quotidien, c'est plus dans les grosses sommes. Quand tu veux investir dans une voiture ou dans une maison, ce genre de choses, on avait tendance, je pense, pendant longtemps, à essayer de calculer combien ça donnait en francs. Pendant plusieurs années. Alors que bon, pour acheter sa viande au quotidien au supermarché, même si dans les rayons, je pense par exemple à Leclerc, où très longtemps enfin une dizaine d'années, ils ont laissé les prix en francs et en euros, tu vois. Mais j'avoue que je regardais plus le prix en francs. Mais par contre, pour les grosses sommes, ah tiens, on a ce côté-là. Oui, mais ça fait combien en francs pour se rendre compte de comment on va vider notre portefeuille, quoi. Tout à fait. D'accord. Mon délire au-delà de ça, c'était d'aller voir en fait les générations d'avant, 2000, quand on les a interrogés pour savoir comment ils imaginaient que l'an 2000 serait. Et donc, projection du futur. Et donc ça veut dire que des gens qui sont aujourd'hui nos parents ou qui peuvent être de notre génération, ont été interrogés et on peut se vérifier si ce qu'ils pensaient s'est révélé ou pas. Donc on a interrogé des gens. Juste, je fais une petite parenthèse parce que là tu as demandé à jeune génération, mais mettons en parenthèse, oui, ça pourrait être pas mal. Mais non, mais Thierry et Daniel, est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous aviez justement une vision de l'an 2000? Qu'est-ce que vous imaginiez l'an 2000? En fait, quand j'ai fait les recherches, là, je me suis dit, tiens, est-ce que j'y pensais? Et en fait, je me suis dit, je crois que j'y pensais pas vraiment. D'accord. Je me questionnais pas sur ce passage-là. Mais après, les médias, on en fait tout un pataquès. Plus on allait, plus on s'en approchait. Mais non, je pense pas m'être interrogé. Parce que tu vois, même dans les années 80, tu le retrouves en pop culture, hein, dans les chansons, etc., l'an 2000 est assez présent, en fait. Il te parle souvent, tu retrouves et en l'an 2000 et machin, c'est le futur, quoi. C'était présent, mais ça faisait pas rêver, c'était pas... On n'en parlait pas vraiment. Alors moi, la seule chose qui m'a un peu tracassé, c'est juste au 1er janvier 2000, quel âge j'aurais, c'est tout. Ouais. Comptez au jour près. Ouais. Hein, et là, je savais que j'avais 39 ans et 100 jours. Pile, d'accord. Parce que ça tombait là, donc voilà. Mais je pense en fait savoir pourquoi je pensais pas forcément aux années 80-90. Enfin, c'était des années très productives. Je veux dire, c'était un grand boom, enfin pop culture et d'autres choses. Enfin, on vivait pleinement, donc on n'avait pas forcément besoin de se questionner sur autre chose. Après, peut-être quand il a fallu, alors je saurais plus les années, hein, mais dans mes études, quand j'ai commencé mes études universitaires, voilà, oui, 91. Alors c'est 3 ans plus tard, oui, qu'on nous a demandé de taper nos rapports à l'ordi, qu'on acceptait plus ce qui était écrit manuellement, mais je n'avais jamais touché un ordi. C'est là qu'on commençait les. C'est-à-dire qu'en 93, c'est ça à peu près. 93-94. Ouais. On te demandait de tout taper à l'ordinateur déjà. Alors post licence, oui, donc une année de plus, quoi. À partir de la maîtrise, les travaux de recherche, tu devais les rendre tapés. Sauf que tout le monde n'avait pas un ordi dans les mains. Et donc j'y suis passé du jour au lendemain, taper comme on voit les flics dans les films, Ouais, ça faisait effet machine à écrire. Tu te disais quand je me plante et comment je fais pour enregistrer, comment je fais pour aligner. Enfin, ça a été galère. Il y a des mecs qui ont mis du blanco sur l'écran. Ça a été galère. Mais ça devait être tellement drôle à voir en vrai. Et même prendre la souris en main quand on n'a jamais touché à ce genre de choses. Oui. Les jeux de cartes. Pour manipuler la souris de plus en plus vite. Non, mais t'as raison, parce que la souris, et je m'en suis rendu compte, nous on a l'habitude d'utiliser la souris au quotidien. Enfin, moi j'ai l'habitude. Pas moi. Ah oui du coup, j'ai l'habitude d'utiliser la souris au quotidien. Non, mais ça. Ah oui. Mais je suis déjà, par exemple, parti en vacances pendant 2 semaines sans utiliser un ordinateur pendant 2 semaines. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, t'arrives à ton bureau, tu réutilises ta souris. Je trouve que c'est effectivement un geste qui n'est pas en nous. Contrairement à un écran tactile, par exemple. Ouais. Un écran tactile, mais n'importe quelle personne que ce soit, d'ailleurs, c'est pour ça que des gamins ont dit ouais, il sait très bien jouer à un jeu sur mon téléphone alors qu'il a 1 an et demi, le môme. C'est humain, en fait. On va avoir tendance à appuyer sur quelque chose naturellement. Ouais. C'est devant toi. Et c'est naturel, en fait. Tu veux quelque chose, tu le prends, t'appuies dessus, etc. La souris, le fait d'avoir une représentation virtuelle de ce que tu es en train de faire avec une main qui est décalée par rapport à l'écran, ça s'apprend. Et je le vois, moi, avec des personnes âgées qui apprennent l'informatique, mais je conçois qu'effectivement, c'est un apprentissage. Tu regardes un endroit et tu agis à un autre. Oui. Donc, ça n'a rien de naturel. C'est comme la conduite, t'arrêtes de conduire pendant 6 mois, tu verras. T'auras quelques petites difficultés à resynchroniser. Daniel, arrête de parler pendant 6 mois. T'as dit une sacrée connerie là. Théo a arrêté de conduire pendant 6 mois. Non, c'est une purge. Supposition. Oui, ta supposition, elle est fausse. Hein, ouais, ou alors essaye, ouais. Ouais. Non, mais je disais aussi, Daniel, arrête de parler pendant 6 mois. Là, c'est mort aussi. Tu verras si ça reprend après. Là, c'est mort aussi. Ouais, alors, c'est comme le vélo, désolé. Venons à ces enfants qu'on a interrogés en 62 et voyons un petit peu ce qu'ils disaient. Alors, ça sera comment l'an 2000? Les voitures passeront sous terre. Est-ce que ça se vérifie? Avec Tesla. Aux États-Unis, c'est une expérience. Hein, je dis pas que ça arrivera comme ça dans toutes les villes, mais il y a des tunnels où tu fais passer tes Tesla dans les tunnels. De toute façon, de manière générale, tous les tunnels que ce soit dans les voitures, on a le Mont Blanc, la Manche, les tunnels. Donc oui, ça passe sous la terre. Quand même. Donc effectivement, ça s'est vérifié. Par contre, il y en a un qui disait, moi, je pense que les voitures seront en forme pointue, rouleront sur coussin d'air et alimentées au gaz venu de la lune. Gaz lunaire. Bah, peut-être. Il y a plusieurs choses, mais il y a des paramètres qui n'avaient pas été pris en compte à l'époque. C'est que forme pointue, c'était pas facile à faire. Sur l'aérodynamisme, en fait, dans les années les années 60, ça. 62. Ouais, tu vois, dans les années 60-70, on était vachement, et on devrait s'y replonger, dans le côté aérodynamique. L'aérodynamisme des voitures, le fameux CX, etc. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a complètement perdu ces dernières années, sous prétexte d'avancées technologiques avec toute l'informatique, enfin toute l'électronique qu'on a dans les voitures, compensé d'une certaine manière cette recherche de l'aérodynamisme. Mais en vrai, on sait que l'efficience doit venir de l'aérodynamisme. Donc peut-être que dans les années à venir, peut-être qu'il était trop tôt, tu vois, en parlant de l'an 2000. Ça peut, ouais. Et moi, quand je lis cette description, je me dis, tiens, la fusée de Tintin pourrait dans les sas. Enfin, il est en train de penser peut-être le gamin à une espèce de voiture fusée. Enfin, je sais pas. Parce que dans les années 60, on était vachement plus dans cette recherche de l'aérodynamisme. Tu prends le Concorde, par exemple. Le Concorde, c'est un avion qui est vachement fuselé. Alors que tu prends. Il a mal fini. Mais parce qu'on l'a arrêté. Mais. Tu prends un A380, j'en parlais lundi, A380, qui est vachement plus récent, il n'a rien d'aérodynamisme. La vision, en fait, était une vision, je trouve, vachement... intelligente. Ouais. Et malheureusement, la technologie a fait que on s'est posé moins de questions, on s'est moins fait chier. Et c'est pour ça que je dis on va peut-être devoir en revenir par force. Mais il a peut-être une vision qui est au-delà de 2000. Et d'accord. Justement, tu as aussi le TGV qui est un très bon exemple d'aérodynamisme. C'est vrai. Mais les coussins d'air, enfin, ça fait penser à des expériences aussi pour ne pas avoir de frottement. Mais pareil, oui, expérience qui n'a pas été vraiment menée, mais le coussin d'air, c'est une manière d'être beaucoup plus efficient parce que ça veut dire que tu as beaucoup moins de frottement sur le sol. On sait très bien qu'une roue, tu perds énormément d'énergie quand t'en perds pas mal, Un coussin d'air ou quelque chose, même ce qu'ils font avec les hyperloops, les tests sur les hyperloops, etc., avec des aimants, d'être en lévitation et tout ça. Tu peux aller à 1500 km/h sans utiliser une usine électrique. Comment s'appelle les véhicules où t'as un truc à gonfler et tu... C'est le coussin d'air. C'est les hydroglisseurs. C'est sur coussin d'air. Voilà, c'est ça. Ouais, je cherchais le nom. Voilà, tu l'as. Côté vestimentaire, il y a un gamin qui dit « Moi, je pense que les gens seront habillés comme à l'ancien temps avec des chapeaux hauts de forme. » Mais ça, c'est pas con, en vrai. Thierry, blague de l'année, celle-là. Alors, moi, je sais pas pour l'an 2000, mais quand je vois aujourd'hui des jeunes refouillés dans la garde-robe de la grand-mère, etc., et se dire « Moi, je veux porter ça, le vintage. » En fait, il y avait deux notions. Il y avait la notion déjà de mode, où on revient... à des choses. Donc là, on n'est pas sur des chapeaux de forme, mais on en reviendra peut-être un jour. Hein. Ça, franchement, il n'y a rien d'impossible. Et puis la deuxième notion, c'est effectivement... Il aurait pris les casquettes d'une certaine manière. La deuxième notion, c'est le vintage. Et on est complètement dedans. Ça. Alors, les maisons. Les gamins sont pas forcément d'accord, mais ils pensent qu'il y aura des maisons partout, donc la construction. Il y en a qui les voient en fer, d'autres qui les voient en plastique. Ouais. Le plastique, oui, à l'époque, fantastique. Hein. Ouais. Il y avait un truc qui revenait, en tout cas, ce côté vitré. Et je me dis, Alors peut-être oui, les maisons, enfin avec les portes vitrées, etc. Mais on fait des immeubles. Enfin moi je suis allé dans une université à Paris où c'était complètement vitré et on a pourquoi pas la pyramide au Louvre. Enfin on a des bâtiments complètement vitrés. Alors on a des bâtiments complètement vitrés. Par contre je pense que les valeurs fondamentales de l'habitat n'ont pas réellement changé. C'est-à-dire que ça faisait très futuriste de faire un bâtiment tout vitré. Il y a aussi une autre raison. Dis-moi. Il n'y a pas que le... Alors, côté futuriste, pourquoi ? Parce que et c'est vrai que j'ai souvenir, ça c'est des souvenirs de jeunesse, pas mal de jeunes n'aimaient pas aller chez leurs grands-parents parce que c'était sombre. Et quand ils voyaient leur maison, ils voulaient une maison ouverte, vitrée, avec de la lumière. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment sombre. Ouais, t'avais vraiment une lucarne pour... Mais je pense que tu vois, aujourd'hui, on est arrivé à un entre-deux, entre le côté très traditionnel... des années 1900 où on avait très peu de fenêtres, etc. Et le côté très futuriste, rectiligne, bourré de fenêtres et de métaux ou de béton dans les années 60 et 70. Et on a réussi, j'en sais rien, mais. On est arrivé. Est arrivé à un entre-deux entre le côté des valeurs fondamentales de l'habitat qui sont un peu le côté un peu cocooning parce que c'est bien joli, les grandes fenêtres, etc. Sauf que quand t'es tout nu dans ton salon, t'as pas envie d'être exposé au monde entier. Quel exemple, tu vois. Non, mais c'est vrai. T'as besoin d'une certaine intimité et l'habitat, c'est ça aussi. C'est ce déjà, côté t'es cocon. Qui non, est mais... tout nu dans son salon. Pourquoi pas. Dans ce cas, t'as une solution. Tu fais ta maison moitié-moitié. Un côté moderne avec les vitres et l'autre côté grands-parents pour te balader tout nu. Non, puis au pire, si t'as envie d'être tranquille, tu mets des rideaux. Comme ça, tu peux être tout nu dans ton salon. Ah, mais tu bénéficies pas de toute la luminosité et t'es bah après, si tu mets des rideaux. Après, faut faire des choix aussi. Si tu vas tout nu dans ton salon, faut peut-être mettre des rideaux et si tu veux pas y être, tu peux en profiter. T'as une solution, tu vas au Cap d'Agde l'été et puis c'est bon. Hein. Et il y a aussi, par rapport aux vitres, il y a aussi une notion écologique qui rentre en compte. Qu'on n'avait pas forcément vu à l'époque où, voilà, c'est que bon, les vitres, ça fait rentrer de la chaleur, c'est cool. Sauf qu'en hiver, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Non. Donc, si ça fait rentrer de la chaleur, ça peut faire rentrer de la fraîcheur aussi. Ça fait rentrer de la fraîcheur énormément. Donc, en fait, il y a, que ce soit pour l'habitat ou pour autre chose, il y a certains paramètres qui aujourd'hui nous semblent importants, qui n'étaient pas pris en compte à l'époque. Et c'est pour ça que la vision est un petit peu. La vision n'est pas la même et a évolué, Il faudrait compléter par l'orientation des maisons aussi, façades hein, qui jouent beaucoup. Ouais. Et puis la forme des maisons peut jouer beaucoup. Moi, je pense à ce bâtiment à Londres qui ressemble à un cornichon qui s'appelle The Gherkin. Et en fait, il n'a pas besoin de chauffage. En fait, sa forme et la forme des vitres et l'orientation qu'elles peuvent prendre suffisent à régler la température, l'aération, etc. Bon, Mais après, est-ce que ça reste un exemple unique ou pas ? Parce que tu vois, des bâtiments qui ont une forme très moderne, enfin bizarre, on va dire. Cornichon, ça n'a rien de bizarre. Un cornichon, ça n'a rien de bizarre, mais en même temps, en termes d'aménagement, ça peut. Alors là, ça peut être bizarre. De praticité, tu vois. Non, là, mais c'est ça. D'accord. On a aujourd'hui, on pouvait très bien imaginer des maisons en forme de cornichon dans les années 60, mais sauf qu'aujourd'hui, on reste toujours avec des maisons avec un carré, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Non, mais t'imagines, tu donnes ton adresse. C'est où ? T'inquiète pas, c'est dans le grand cornichon là que tu verras quand t'arrives. T'inquiète pas, quand tu regarderas, tu sauras. Tu sais qu'un jour en vacances, ça fait, on va dire une vingtaine d'années, par le plus grand des hasards, on s'arrête. Non, c'est pas un cornichon, mais on s'arrête une grande surface et à côté, par curiosité, on va se balader à côté. Il y avait un lotissement qui avait dû être fait dans les années 70 avec une forme. C'était des ronds, les trucs. Alors, c'est vraiment défraîchi pour le coup, mais bon, c'était des. Et c'est très original, à mon avis, à l'époque, l'architecte devait être super fier de lui. Mais franchement, j'ai pas visité. Bah, extérieurement, c'est pas du goût de tout le monde, on va dire. mais en plus, c'était mal entretenu. Mais j'imagine à l'intérieur, la difficulté pour aménager en fait ces pièces. On a un peu la même chose à Tours avec la fameuse tour en étoile qui est sur les bords de Loire. Ouais. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on avait un copain, il habitait là, sa famille y habitait. Et on parle, lui il habitait assez haut, donc la vue, bon, ses parents étaient contents, lui s'en foutait un peu, c'était pas le. Ouais. Et lui, sa chambre était justement dans un coin d'étoiles précis. Et il disait, pour aménager ça, pour va nul. Mettre un meuble, va ranger tes affaires. Ouais. C'est mort. Complètement quoi. Nul en effet. Ouais, on en est revenu. Il n'avait pas que la tête dans les étoiles, tout était. C'est ça. À lui, oui. Ah, mais comme quoi, le côté esthétique, une certaine dimension, mais il n'y a pas que ça pendant. C'est joli d'extérieur. Oui. Mais voilà. L'intérieur, mais à vivre tous les jours, l'habitat, c'est quelque chose où on vit tous les jours dedans. Voilà. Alors on va passer aux craintes de certains enfants. Ouais. Alors une qui avait un peu peur de vieillir, ça n'avait pas trop bon, mais qui disait quel progrès, mais le progrès risque de devenir inhumain. Parce que déjà les humains ne sont pas des humains, ils vont sur la Lune. Ouais. Avec déjà cette crainte là. Alors conquête spatiale d'autres planètes, mais qui dit aller sur les autres planètes, peut-être faire de la guerre, les guerres aussi entre les autres êtres et les planètes, etc. Et les hommes vont manquer de modération, donc ça risque de tourner mal tout ça. Bah malheureusement elle avait pas complètement tort, hein. Enfin, voilà. C'est une vision pessimiste. Après, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller sur d'autres planètes pour faire la guerre? Non mais pareil, tu vois, parce que oui, dans les années 60, c'est la conquête de l'espace, la Lune et tout. Il y avait cette dimension-là, mais en vérité, quand tu dis de modération et tout ça, quand tu vois Internet aujourd'hui, je crois que tout est dit. Vu qu'on parle d'espace, faut saluer peut-être tous les petits hommes verts qui peuvent nous écouter. Ah bah, E.T., si tu nous écoutes... On t'embrasse. Hein. C'était l'EM. C'est pas le même. Et alors il y a un témoignage qui vient compléter ça, qui s'interroge justement par rapport à la guerre et par rapport aux armes. Et on a, avec les armes actuelles, dont atomiques, soit ils détruiront tout, soit la guerre ne sera plus possible. Ouais. C'est vrai que. Bah, la forme, tu veux dire une forme humaine de guerre où on se tire dessus, quoi. Pour l'instant, on est toujours entre les deux. Moi, je pense à quelque chose qui se passe en ce moment. On nous parle encore de nouvelles armes qu'on développe, qui sont de plus en plus puissantes, espèces de missiles, je ne sais plus trop quoi. Hypersoniques. Voilà, c'est ça. Et où en fait, si ça sert à impressionner les autres, dissuasion, ok. Par contre, si on commence à en lancer une. On est tous morts. C'est ça. Bon. Non, mais c'est sûr. Ouais. De toute façon, on a toujours dit que la Troisième Guerre mondiale, si elle existait. Ces armes ne sont pas. Alors, justement, pour reprendre guerre. Einstein, je ne sais pas de quelle arme se fera la troisième, mais je sais que la quatrième se fera à coups de bâtons et de cailloux. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Parce que la troisième aura replongé l'humanité dans une forme primaire. Aujourd'hui, on a les guerres qui se font avec les virus pour faire des guerres économiques, pour bloquer, soit pour piquer le fric, soit pour bloquer les entreprises qui en font. Et alors, ce qui est bien, c'est ça se termine sur les rêves. Hein, rêve de liberté, rêve d'égalité. Et puis une interrogation sur le monde, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on aura encore un ou plusieurs pays comme on a? Et qui dirigera le monde? Et puis est-ce qu'il y aura encore des ouvriers, des patrons, parce qu'on a de plus en plus de robots dans les usines? Voilà, il y a plein d'interrogations. Alors comme ça c'était une vraie interrogation dans les années 60, qui était plutôt avant-gardiste, et c'est cool. Après, tu vois, sur le côté pays, on était à l'époque, le début de l'Union Européenne et tout, donc on était vraiment dans une vision de les pays se rassemblent, s'unissent, début de la mondialisation et tout gentil, ça. C'est gentil, c'est cool. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, les pays sont de plus en plus, égoïstes. Je vais pas employer de termes. Non, je pense qu'on peut dire une crainte par rapport à justement l'éducation de base qu'il y a eu. On revient à ce qu'on parlait tout à l'heure d'éducation, de plein de choses. Ouais. On n'évolue pas tous au niveau de l'éducation. On a une crainte par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Et on a peur que finalement ça casse notre monde, ce qu'on a connu depuis qu'on est gamin. Oui, d'accord. Et puis pour le coup, on le fait pas très intelligemment, c'est-à-dire qu'on se replie sur nous-mêmes. Absolument. Et ce qui mène à ce qu'on connaît en ce moment, avec des régimes de plus en plus totalitaires, etc. Ouais. Où justement chacun se replie. Oui, c'est ma région, c'est moi, c'est mon pays, c'est à moi. Et voilà. Ça. Et on c'est mon précieux. J'ai raison. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, ce qu'il y avait aussi. Ah mince, j'ai bouffé ce que je voulais dire. c'est pas Bébert. C'est Bébert. Ah ben, je me rappelle plus. Si je me rappelle plus tard, je vous dirai. D'accord. Très intéressant cette vision. Si, la conscience des classes. Oui. Des enfants qu'on leur dit et toi, tu veux devenir patron, etc. Ouais. Et il y a un ouvrier, fils d'ouvrier, qui commence. Il est très jeune, mais on le voit en tenue d'ouvrier machin. Il dit non, mais moi, en l'an 2000, je serai encore un pauvre ouvrier. Mais ça non, mais moi ça me dérange pas d'être ouvrier. Enfin, il avait conscience des classes, mais il se disait oui, je suis bien à ma place. Et puis il y en a d'autres qui avaient l'ambition d'être patron, puis d'autres qui savaient pas. Donc, Et globalement, dans les témoignages là, que t'as pu recueillir, est-ce qu'il y avait une vision plutôt positive de l'an 2000 ou négative? Parce que j'ai l'impression que là il y a un peu des deux, mais globalement, y avait un peu tout. 50, là, moi je me demande combien d'enfants ils ont interrogé, parce que ça fait quand même un montage. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est au-delà du fond, je trouvais ça touchant, et en même temps on peut avoir des doutes, etc., mais ils avaient l'air honnêtes, hein, dans ce qu'ils disaient. En tout cas, ça se regarde très bien. Je trouve que le petit montage des archives de Lina est vraiment très sympa, et puis de se dire que dans ce lot là ça pourrait être de ma famille, ça pourrait être des amis peu plus âgés qui ont peut-être dit ça quand ils étaient enfants. Et puis voilà, il y avait des, enfin, beaucoup de choses, reportages comme ça, des choses intelligentes, sensibles, sensées. Si vous avez l'occasion d'aller voir les archives de Lina, je trouve ça super intéressant, parce que on a vraiment une vision du monde à un instant T, et c'est plutôt chouette en fait de se dire à quel point des fois les mentalités ont évolué, et puis on dit aux enfants écoute tes parents, écoute tes aînés, mais l'inverse aussi, écoutez les enfants parce que quand on voit des reportages de Lina, par exemple, des témoignages sur le racisme ou des choses comme ça, on dit waouh, c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais, du coup n'écoutez pas que vos parents, enfin, bref, ouais. Après, ils peuvent écouter une des stars. Oh bah, c'est mieux. Ouais. Je dis, on est la voix de la raison. C'est... Ouais, c'est pas la preuve. On écoute quoi, Kevin? Indestar, il vient de le dire. Non, mais je suis obligé de dire ce nom. Bah oui, parce qu'on a dit qu'on était la voix de la raison. Et on écoute la meilleure musique, évidemment. Light Your Shine, évidemment, cette année Afrique. Et après, on continue à parler du futur. Ouais. Avec Thierry. Ah, et puis on va remonter 1900. Oh là là. Plus ça va, plus retour on parle du futur. Retour vers le futur du passé. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Teddy en histoire, moins. Là, ça tombe bien, il est pas là. On t'embrasse, Teddy, au passage. On t'embrasse, t'as évidemment. T'as pris une balle perdue, là, mon pauvre. Et par contre, ce jingle tombe super bien dans PK Avenger, parce que on était en plein cœur de l'histoire et en plein cœur de Thierry, quoi. Ah, en plein cœur de l'histoire de l'an 2000. Si je me mets à raconter ma vie. Comme tu dis souvent, si tu te mets à raconter des salades. Bien, on va remonter en 1900, figurez-vous. Oula. Oula, oui, on monte très très loin. Ouais, en cherchant des choses, je me dis tiens, ouais, l'an 2000, ça me parle, j'ai envie de faire des choses dessus. Et je tombe en fait sur des représentations qui ont, donc des dessins, si vous voulez, qui ont été faits en 1900 de ce que serait l'année 2000. Je trouvais même trouver ça assez dingue. En 1900, donc un siècle avant en fait. C'est comme si on s'imaginait 2100, enfin même plus, hein, bah, du coup, aujourd'hui. Ouais. Et en fait on a toute une collection. Ça a fini en carte postale. Bon, après, selon les sources, on trouve différentes choses, mais peu importe. On va dire qu'à la base, il y a eu des petites représentations qui ont été faites sur des cartes. On les a destinées au départ à des boîtes à cigares ou à des choses comme ça. Et ça aurait fini en carte postale qui n'aurait pas forcément servi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à retrouver une collection assez conséquente grâce à un gars qui les a achetés, qui les a collectionnés. Qui s'appelle Isaac Asimov, en fait, qui est un scientifique, un grand professeur, d'origine russe à la base, puis américain, bon, etc., peu importe. L'an 2000, il était un pays rempli de vodka. Non, mais ce qui est intéressant, c'est un gars qui a écrit énormément de choses et qui s'est intéressé à plein de choses jusqu'à faire des collections et jusqu'à rassembler ses cartes dans un de ses bouquins, ce qui fait que c'est bien, on a vraiment des archives. Et donc, en fait, je vais, plutôt que de faire un monologue, moi j'ai envie de vous passer à chacun une représentation, puis de, que vous dormir. Me disiez en fait ce que vous voyez pour qu'on en parle. Donc j'ai trouvé Asimov d'une part, etc., et que ces petites histoires de cartes qu'on a fait dans les boîtes à cigarettes, etc. Bon, et puis j'ai trouvé une autre version de la chose, en fait, qu'en 1900, une chocolaterie allemande aurait produit une série de cartes avec des prédictions sur, sur l'an 2000. Voilà. Mais ça, ça va dans le même sens. Hein, de, mm-hmm. voilà. Peut-être quelle est l'origine exacte. Bon, bref, j'ai trouvé des noms aussi ouais. de personnes, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. C'est de vous passer des petites images. D'accord. Et puis que vous me commentiez ce que vous voyez. Alors, j'ai laissé un petit bout de titre pour vous guider. Mais voilà, de voir quelle vision on avait de l'an 2000. J'ai l'impression de replonger à l'école en ayant une image parce que j'ai bien travaillé. Et voilà, j'en avais découpé trois, mais tiens, Océane, moi j'ai pas ce souvenir là, Daniel, parce que j'ai pas été jusqu'au stade des images. J'ai eu quelques bons points, mais pas suffisamment. Ah, j'étais à l'école quand même. Ouais, mais c'est pour ça, vu, que, bah, vu comment ça partait. On voilà. pu alors, Théo, t'as le thème de l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, en fait, j'ai. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une école connectée et une école radio. Parce qu'ils ont tous des casques sur les oreilles qui sont connectés, j'ai l'impression, sur une machine commune. À des livres, j'ai même l'impression. Donc on a un environnement scolaire à la base qui ressemble à une salle de classe standard. Oui. Les enfants sont assis sur des bancs à l'ancienne. Là, pour le coup, avec des tables en bois, là, on a une vision très 1900 pour le coup. Ouais. Par contre, on a. Alors, ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'il y a une machine. Avec un mec qui tourne une manivelle. Alors ce qui est drôle, parce qu'on a une machine qui est très moderne, qui est connectée à tous les casques qu'ont les enfants. Par contre, le mec tourne la manivelle à la main. Voilà. Oui. Et il y a des bouquins qui sont mis dans une passoire, quoi. C'est comme un pressoir. Un pressoir à culture dans lequel on met des objets physiques. Ils qui intègrent sont des livres à l'époque. Au fur et à mesure. Ouais. Et le savoir est conduit, est transmis dans les casques aux élèves. Ah ouais. Comment dire, il en perd ses mots, le pauvre. Oui, parce qu'en vrai, bon, on est en 1900, donc on peut. T'étais pas né. Non. On peut trouver ça finalement pas si déconnant. Cela dit, c'est aujourd'hui, on a une perception très différente de l'enseignement, et là, on est dans une vision où tout le monde apprend la même chose en même temps. Vraiment, là on a limite une. Tu dis c'est un russe, là on a une version stalinienne quoi du truc. alors celui qui a rassemblé les images, hein, sinon elles ne sont pas russes à l'origine. Alors j'avais une prolongation de l'article qui me disait que aussi en Russie on avait fait ce genre de truc, mais je vais pas développer. Non, là c'est le collectionneur qui est russe et qui a été naturalisé américain, mais sinon les représentations sont faites par soit pour la chocolaterie allemande, soit par aussi des gens qui ont des noms français, Jean-Marc Côté, etc. Mais là on a une vision collective de l'enseignement, en fait, où tout le monde apprend la même chose en même temps et incurgit les mêmes connaissances. Et moi, quoi. Ça me fait penser à deux choses. Donc, vision métaphorique de ce que sera ou serait l'an 2000. Quand je suis entré à l'université, j'ai eu en fait des laboratoires de langue dans lesquels on allait et on avait des cassettes le même texte et on devait écouter, mais par contre chacun à son rythme, c'était pas forcément diffusé, mais on avait la même diffusion. Et puis après je me dis, la métaphore du livre qui devient quelque chose de transmis par un signal électrique, ça devient virtuel. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est une métaphore de quand même quelque chose qui est arrivé plus ou moins, si ça n'est pas la totalité. Ouais. Il y a de l'idée. Vraiment, la différence, c'est sur le coup d'apprendre les mêmes connaissances en même temps, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le savoir est disponible, apprenez ce que vous voulez. Alors pas à l'école, parce qu'on est encore... voilà, mais dans la vie de tous les jours, on est vraiment sur une autre vision, quoi. C'est pas la science infuse, c'est la science diffusée. Ouais, bah oui. Et quelque part, c'est ce qui entretient le pluralisme. Hein, quand tout à l'heure, on parlait de diversité. Diffusion, radio... Là, on avait tout pour écouter une des stars à l'époque. Hein. cette image est une des plus intéressantes, je trouve, en se disant qu'en 1900, on pouvait quand même imaginer... Je sais pas, c'était déjà de digitalisation... Non, mais par contre, le coup des casques, tu dis en 1900, c'était plutôt en avance, hein, parce que le coup des écouteurs, en gros, sur les oreilles, c'est bon, on est en 1900. Il faut que je me dise que j'ai imprimé un certain nombre d'images, mais quelque chose qui était hors hors cet article ou hors cette collection, j'ai trouvé que quelqu'un avait représenté quelqu'un qui se baladait dans la... on est toujours dans les années 1900, il a dessiné quelqu'un qui se balade dans la rue avec quelque chose qui ressemble étrangement à des écouteurs. Ah ouais, 1900 aussi, image en noir et blanc cette fois-ci. Ah ouais. Mais il y a quelqu'un qui y a pensé. Ouais, c'est fou, hein. Bah, c'est même plutôt impressionnant, plutôt que fou. C'est... Ouais, non, mais imagine, c'est... tu te dis, t'es en 1900, ouais, et là, au final, tu vas faire quelque chose qui, dans les années 2010, vraiment. Vu que bon, je parle pour mon temps, mais. Oui, pas 2010, mais oui, voilà, 1980, mais... où on a commencé à avoir les baladeurs et la musique mobile, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que y a eu une mode de se balader, non pas avec les écouteurs, mais que tout le monde profite de ta musique. D'ailleurs, ça revient un peu, hein, certains se baladent avec des petits posts, tout le monde en profite. Bah oui. Mais d'avoir des gros posts que tout le monde voyait, ça, c'est... Et on te balançait les basses dans la gueule. Ça, c'est les années 70, ça, comment ça s'appelait, là, les gros posts américains là, début 80. Ouais, alors 70 aux États-Unis et 80 chez nous. Ouais, énormes posts que tu avais sur l'épaule. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est porté pas longtemps parce que ça faisait tellement mal aux épaules et aux bras à tenir qu'il se baladait 500 mètres, 1 km et puis il restait à se reposer. Et c'est assez marrant d'ailleurs de constater ça, c'est que oui, dans les années 70-80, on avait ce type de poste où on partageait la musique dans la rue. C'est comme ça qu'est né le rap, hein, d'ailleurs, dans les rues de Wall Street, etc., où ils mettaient le poste avec des... et puis ils commençaient à rapper. Et dessus, on faisait des battles et compagnie. Battles. Et après, en fait, on est devenu dans un. On a bâti notre cocon musical avec l'arrivée des baladeurs, qu'ils soient cassettes ou après MP3 ou CD, peu importe. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vois beaucoup dans la rue, où même des fois on brise un peu l'intimité des gens parce qu'on partage quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie de subir, mais on revient aussi avec les enceintes connectées à je partage ma musique avec les autres, quoi. C'est vrai que oui, ça revient pas mal. Avant de passer à une autre image, il y a des choses assez dingues qu'on a représentées. On pensait, ou je sais pas, on avait envie d'imaginer que les gens en an 2000 marcheraient sur l'eau. C'est Moïse, quoi. Ouais. On s'est dit, et pourquoi ça ne serait pas possible? Mais quel est l'intérêt fondamental de pouvoir marcher sur l'eau? Tu veux traverser l'océan pour aller en Amérique? Peut-être ne plus avoir à construire des ponts, je ne sais quoi, tout franchir. Ah, mais moi, je sens une fois un pont pour aller en voiture, quoi. C'est pour éviter de te noyer, c'est pour ça. Ah oui, pour éviter de se noyer, pourquoi pas. Alors, une autre petite anecdote par rapport à ça. On a représenté des villes, en fait, qui étaient couvertes. Vous savez, comme si on vivait sous serre, où il y avait une plaque de plexi au-dessus de vous, pour ne plus craindre la pluie. On pouvait faire, on pourrait faire tout à tout. C'était à tout pour moment. La pluie, uniquement. C'était, c'était pas une fonction récupérateur d'eau de pluie, non. Alors, l'image que j'ai vue, c'était, ça faisait vraiment une grosse plaque, et puis qui montrait que, on pouvait sortir à tout temps. Et pourtant, l'eau est quand même un symbole de... On n'avait plus l'excuse de l'accident d'avoir glissé. c'est une plaque d'eau. Ah, c'est glissé, chef. Assurances pour éviter de rembourser les... Moi, ce qui m'émeut quand même dans l'histoire, c'est qu'en 1900, la seule chose qu'on avait peur à l'extérieur, c'était l'eau, quoi. Ouais. Et pas de météorites, il n'y avait pas de pluie d'acide. Y avait... il pleut aujourd'hui. Puis j'adore effectivement s'interroger là-dessus, alors qu'on balançait les ordures par les fenêtres des gros pays. C'était pas un problème. Kevin, qu'est-ce que tu vois sur... Toi, j'ai écrit la com. J'ai laissé com avec un point. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu imagines? Là, je dirais, moi, c'est un peu l'ancêtre de la télé, comme c'est mis, on dirait. De la télé ou d'autres choses, la com de quelle manière? Qu'est-ce que ça peut... Sur l'image, en tout cas, on voit deux hommes, dont un qui est en train de parler dans quelque chose. Alors, je pourrais pas dire, mais comme si c'était un micro, un peu, on va dire. C'est nous, en fait. C'est Studio Indestar en 1900, quoi. Ouais. La preuve, ça existait, Indestar en 1900. La com, le micro, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Et en face de lui, il a une glace avec une femme qui a l'air de tendre sa main, je sais pas pourquoi ni comment. Et je pense qu'il décrit un peu ce qu'il voit. Donc, si t'as un écran avec quelqu'un qui apparaît, cette personne, elle n'est pas avec les autres personnes. Et ça s'appelle la communication. Ouais. Donc, plus que la télé, c'est encore plus que de la télé. C'est de la vision ? Eh bien, ils imaginaient qu'on pourrait communiquer à distance. D'accord. Hein, donc, effectivement, on pouvait penser à la télévision, mais la télévision, c'est de la diffusion. Et ce qu'on appelle le visiophone un petit peu maintenant. Mais là, c'est ça. Ouais. Et donc d'avoir la personne à distance qui apparaît sur un écran et qu'on puisse lui parler à travers. Alors c'est vrai que ça, on ne sait pas trop cet appareil micro, je ne sais trop quoi, mais oui, on imaginait qu'on pourrait communiquer à distance en se voyant. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que il parle, on écoute. Par contre, pour toi, c'est un écran, ça, en fait. J'ai du mal à voir les. Enfin, on sait pas si la femme elle est réelle ou si c'est un écran. Il y avait un petit descriptif que je n'ai pas recopié parce que je me suis rappelé du truc, mais oui, c'était la communication non pas que par téléphone, justement. Ouais. C'est-à-dire que là, on a encore deux appareils. Ouais. Hein, on a l'image d'un côté et le son de l'autre. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a deux personnes. Voir la personne avec qui on communique. C'est pour ça que la deuxième a l'air d'appuyer sur la lampe pour avoir la lumière et en plus, qui avec sa main, appuie sur autre chose. Peut-être projecteur. Peut-être je ne sais trop quoi, mais ils imaginaient qu'on pourrait voir les gens avec qui on communique. Ce qui est très drôle d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais le côté visio qui depuis une dizaine d'années, on va dire, est devenu hyper tendance et commun. Et pourtant, c'est quelque chose qui, pendant des années, des dizaines d'années, c'était un rêve de l'homme de voir la personne en visio. Et technologiquement, même sur un téléphone fixe, il y avait des moyens d'avoir une possible transmission, mais ça n'a pas été utilisé. Ça n'a pas été utilisé pendant longtemps. Parce qu'il y avait un problème quand même si on pouvait le faire, il fallait multiplier la technologie pour que ça soit accessible à tout le monde. Et du coup, c'était pas pratique. Il y avait un problème de coût, de matériel, de volume de matériel, parce qu'on a quand même énormément miniaturisé depuis. Et quand on voit maintenant, ce que Daniel peut me raconter des fois par rapport au téléphone, et quand je vois les nôtres à côté, les premiers téléphones, même dans les ordinateurs. J'ai l'habitude, je vous ai déjà d'ailleurs raconté, quand je travaillais dans les années 80, là, y a un des boulots que j'ai fait. T'avais un Radiocom 2000 Non, pas tout à fait. On vendait des systèmes de vidéosurveillance à distance. Ouais. L'équivalent, je crois, me rappelait à peu près d'une image de 150 pixels par 150 pixels. Ouais. Pour transmettre une image comme ça en noir et blanc, il fallait 6 secondes par la ligne téléphonique. On était limité par les moyens, les idées. Techniquement, on pouvait transmettre sur une longue distance, mais il fallait imaginer que dans ce cas, il fallait le multiplier pour tout le monde. Ouais. Et ça, techniquement, c'était pas possible. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait, je viens de m'en rendre compte, en te parlant du Radiocom 2000, mais on parlait de l'an 2000 tout à l'heure, et là, je viens de citer un nom qui a le nom 2000 dedans, mais on pourrait citer Optique 2000, on pourrait citer plein de choses. On disait que l'an 2000, c'était une date qui inspirait le futur, il y avait plein de trucs, alors qu'ils sont devenus complètement has-been après, une fois que l'an 2000 était passé, mais les trucs qui s'appelaient machin 2000, ça avait une vision d'un objet futuriste. Je referme la parenthèse là-dessus, Il y avait une lessive comme ça, Supercroix au départ. Supercroix 73, Supercroix 76, et après Supercroix 2000, et après Supercroix, tu vois. Voilà. Image numéro 3, Thierry. Daniel, qu'est-ce que tu vois? Vu que t'aimes bien parler. Je vois l'avenir. L'avenir sur Indestar le lundi soir avec Starter. L'avenir est un long passé. Je pense qu'il parlait de l'image que t'as. Ouais. Ah bon, d'accord. Je pense aussi. Ah bon, je faisais une promotion, j'ai pas le droit. Bon. Non, toi tu n'as pas le droit. C'est marrant parce qu'il m'a donné l'appareil robotique, c'est marrant. Ah la blague, dis donc. Alors là, c'est. Ça existe toujours ce métier, barbier automatique. T'as une machine, t'as un robot. T'as plein de clients et t'as... Te donner barbier, en plus, c'est très marrant. On a toujours une personne aux commandes, mais il n'y a plus qu'une seule personne qui est capable de faire la coiffure et tout le reste. Et là, par contre, il ne tourne pas une manivelle pour faire marcher la machine. Il actionne des manettes ou il appuie sur des boutons, je ne sais pas trop. Mais il actionne, il n'y a pas besoin. Là, il y a un moteur électrique sûrement. Donc, c'est la robotisation, en fait. Voilà, c'est la robotisation. Mais ça a l'air assez volumineux comme appareillage. Voilà, si vous voulez regarder, alors... On est quand même sur un pilote. Je vais pas te mentir, mais la feuille de dos, je vois pas grand-chose. Non, mais j'allais vous le montrer. Je voulais juste préciser une chose. C'est installé sur des pylônes. Je vois toujours pas grand-chose. Il y a comme des bras avec les multiples accessoires qui sont tous branchés. C'est pour ça que c'est vraiment un robot tel qu'on le voit actuellement. Ah oui. Forme humanoïde quand même à cause des bras. On dirait presque les robots tueurs qu'on peut voir dans les films des fois. Avec leur nombre de bras. Je fais le parallèle avec ce qui existe dans l'industrie, hein, le robot qui va assembler les pièces sur une chaîne de montage. C'est vrai que ça peut aussi. Hein. On est sous un format tout à fait pareil, humanoïde, avec des bras, quelque chose qui fait une chaîne de montage. Et là, on est complètement dans ce qu'on a fait depuis. Tout ça pour se faire tailler la barbe, a fait beaucoup de moyens déployés. Là, tu peux te faire tailler et tout donc, court. Et donc, on n'a pas réussi à remplacer les coiffeurs, les barbiers. Pas encore. Mais ce qui est intéressant, alors, je ne sais pas depuis quand, mais ça m'a l'air assez récent là, d'avoir plein de salons de barbiers qui réouvrent. En tout cas, salon de barbier, je ne connais pas trop, mais salon de coiffure, il y a tout le côté social qui rentre en jeu. Non mais c'est vrai, pourquoi une grand-mère va toutes les semaines se faire coiffer, c'est pour parler, c'est pas pour se faire coiffer réellement. Donc, tu vois, et ça bah dans la robotisation le salon des potins, l'épicerie avant. Le lien social est important. Pourquoi là-bas. Félix était coiffeur au départ? C'était un chat à la base. Et il faisait le potin. Et d'ailleurs, c'est devenu une marque de produits pour chats. Félix, Félix le chat. Alors, Océane, t'as toute une page avec plein de choses qui sont imaginées. Tu peux nous en parler? Alors, j'ai une image, c'est une espèce de bateau-train. Un bateau-train? Ouais. Genre, c'est un bateau avec des roues qui sort de l'eau. Voilà, un mix entre plusieurs véhicules. Alors, vous savez, on peut penser aux véhicules amphibies, par exemple. Bon. Alors là, ils ont fait un mix entre le bateau et le train. Le truc qui pourrait passer de la mer au rail. D'accord. Bon. Ok. Ouais. Bah, tu dis, c'est en 1900? Oui, dans les années 1900, oui. 1899, j'ai trouvé à peu près. C'est un peu rétrograde dans le sens où si on se dit que on avait déjà les premières automobiles et d'avoir le concept du train, je le trouve de toute façon un peu rétrograde dans le sens où ça va d'un point A à un point B en attendant les gens, enfin en attendant les gens, non, mais toi tu attends que le train passe pour aller d'un point A à un point B et tu peux pas. Mais là, je peux pas t'en détourner, quoi. Là, je pense que la raison du train, c'est que c'est quand même un paquebot vraiment de transport de plusieurs personnes, un transport en commun. Donc, on est dans l'esprit du transport en commun. D'accord, je pense que c'est pour ça que c'est un train. Il y a une idée, en tout cas, de se dire quand on transporte des choses, des marchandises, etc., et qu'il faut changer, le changement prend un certain temps, c'est compliqué, ça peut être même mission impossible, etc., et qu'il fallait réfléchir à quelque chose de transitoire entre les moyens de transport qui aille vite. Et c'est un mec de haut déchargement qui a pensé à ça. j'ai plus envie. C'est bon, faut et pas se dire que peut-être si les véhicules n'étaient pas complètement différents mais pouvaient s'adapter. Bon, voilà. Il y a eu plein d'initiatives dans les années 60, 70, 80 sur des appareils transgenres, on va dire, tu vois, qui pouvaient faire plusieurs choses. Les véhicules amphibies, les voitures volantes, le vieux rêve de la voiture volante, etc. Ouais. Et pourtant, on est en 2020 et on a toujours un bateau, un train, une voiture et qui ne font que ça, quoi. Ouais. Et qui monte sur l'autre, on sait pas. Bref, mais qui embarque l'autre, quoi. Ouais. Oui. D'ailleurs, on réfléchit des fois par rapport au coût aussi. Est-ce qu'on fait monter les camions sur les trains ou bon, hein, c'est... Oui, non, mais bien sûr. Après, c'est pas idiot, même en termes écologiques. Surtout ces camions qui sont sur l'autoroute les uns après les autres, alors que bon, il y aurait un transport en commun qui les véhiculerait tous. Peut-être que ça serait plus écologique. Il y a cette réflexion là. Après, il y a toujours les contraintes d'une part économique. Deuxièmement, d'associer des transports qui n'ont rien à voir et qui ont été conçus chacun. De manière très différente. Ouais. Un bateau a été étudié pour être un bateau, une voiture a été étudiée pour être une voiture. Donc une voiture qui est comment on appelle ça, amphibie. Les exemples qu'on a eus, les contraintes d'environnement, tu veux dire, en règle générale, oui, ils sont. Oui. Mais la résultante d'une voiture amphibie n'a jamais été très probante, quoi, parce qu'on a un bout de bateau pour que ça flotte, on a un bout de voiture. Tu parlais justement tout à l'heure de. C'est une mauvaise voiture, CX, c'est un mauvais bateau, quoi. Du CX, le coefficient de pénétration en l'air. Donc c'est pareil, dans l'eau avec. Bah oui. Peut-être qu'elle se rentre, mais une fois sur Terre, le bateau a la forme du bateau. Alors je te dis pas. C'est pour ça qu'en fait, je dis c'est une voiture amphibie, c'est une mauvaise voiture et c'est un mauvais bateau. Voilà, c'est ça. Donc, au final, peut-être qu'un jour, on arrivera à un Transformers qui changera réellement la forme de notre matériel et qui sera adapté dans toutes les situations. Et peut-être que ça fera avion en plus et peut-être que. Voilà. On va savoir. Ouais. Je n'ai pas une mémoire excellente par rapport à ça, mais je me rappelle qu'il y a un épisode de J'irai dormir chez vous où Antoine de Maximi monte sur un bateau qui n'est pas tout à fait un bateau et qui peut continuer après sur Terre. Dans une contrée, je ne sais pas où, hein, mais où il n'y a pas 36 000 véhicules, etc. Et ça transporte peu de personnes, mais où ça s'est avéré être utile. Voilà. D'accord. Bah oui, dans certaines situations. Ouais. Y a beaucoup de choses avec qui se passent dans les airs. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu vois ? J'ai des hommes avec des ailes en... Les hommes qui volent. Le rêve d'Icare. Alors moi, je me rappelle d'une image qui était commentée où en fait où les gens sortent de l'opéra et on dit tiens étrangement place de l'opéra il y a personne à la sortie de l'opéra parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de prendre leur véhicule puisqu'ils sont ailés, ils peuvent ils sortent de l'opéra et ils s'envolent et ils rentrent chez eux. Par contre, je sais pas, le ciel est plein de personnes avec des ailes. C'est un vieux rêve de l'homme. C'est mais une autre forme d'embouteillage. C'est génial. Enfin, je pense que ça fait partie des grands rêves de l'humanité. Je pense même qu'on peut peut-être l'appeler comme ça, mais presque le plus grand rêve de l'homme, de voler. Ouais. Ça, dans la même idée, le fait de pouvoir se téléporter. Ouais. Mais de toute façon, souvent, quand tu demandes lequel est ton rêve, ça se joue entre les deux assez régulièrement quand même. Ouais. Alors, on a des individus et puis on a des représentations avec un peu comme des montgolfières, mais en fait des transports collectifs qui seraient dans les airs. On a eu ballon dirigeable, ils imaginaient que peut-être il y aurait des transports collectifs comme ça dans les airs aussi. Transport individuel, transport collectif, parfois si on utilise les airs, pourquoi pas. Pourquoi pas, après c'est toujours un ratio entre l'énergie, le coût et puis et l'utilité. Parce que quand tu veux aller d'une station de métro à l'autre, est-ce que prendre quelque chose qui va dans les airs est utile en fait, voilà. Mais si c'est un métro aérien, pourquoi pas. Oui. Et par contre sur les longues distances, et quand je dis longues distances qui se sont nettement raccourcies, là on est dans les années 1900. Les longues distances ne sont plus si longues qu'elles étaient. Non mais c'est vrai. Enfin avec l'aviation, avec la vitesse on passe moins de temps en voyage. Oui, on a rétréci le globe terrestre quand même. Hein. Vous faites une bonne transition puisqu'on parle de mobilité. Mm-hmm. Ouais. Et ils ont réfléchi à la mobilité. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit plein d'immeubles qui se déplacent. Ouais, en train. On a imaginé qu'on pourrait déplacer sa maison, mais voire même des immeubles. C'est-à-dire qu'on pourrait reconstruire les villes en l'an 2000, comme les Lego. On voit un énorme bâtiment qui est déplacé. Oui, on a imaginé en 1900 ce qu'on ferait en 2000. Mmh. On déplacerait les bâtiments. On fait ça, mais ça s'appelle des tremblements de terre. Tu reconstruis, ça s'appelle une reconstruction. C'est pas la même, ouais. Bon. Il y a une espèce de mode où il y a de plus en plus de gens qui tentent les aventures de vivre sur la route et qui ont leur petite maison. Mais alors, vous savez qu'il faut tout peser. Parce que si on dépasse le 750... Les immeubles, en fait, je me pose encore une fois la question de l'utilité. C'est-à-dire que si tu fais une ville qui, à la base, est bien conçue, ce qu'on n'a pas toujours fait, hein, mais pourquoi vouloir bouger les immeubles tous les jours, quoi. C'est vrai, tu vois. Non, mais en tout cas, imaginez la possibilité. Pour le plaisir. Imaginez la possibilité de... Ça fait beaucoup de moyens à mettre en œuvre quand même pour bouger un immeuble, pour dire hey, regardez, j'ai toujours le soleil. Alors, on a vu tout à l'heure, alors, monsieur, tout le monde volait, etc. Et ils imaginaient que les pompiers pourraient faire leurs interventions en volant. Les Canadair. Intervenir quand il y a des incendies dans des immeubles assez hauts, etc. Mm-hmm. Et qu'il y a les échelles, machin. Mm-hmm. Pourquoi ils n'auraient pas aussi la possibilité de voler? Et tant qu'à bouger les choses, pourquoi les passages piétons ne seraient pas mobiles ? Si vous avez déjà pris le métro à Paris, parfois pour passer d'un métro à un autre, il y a des tapis roulants. Oui. Et pourquoi les passages piétons ne seraient pas un peu la même chose ? Ah, mais ça, j'adorerais. Non, mais ça, c'est vraiment ma vision de rêve. De ne pas avoir comme les escalators et les tapis roulants comme ça. Toi, on a compris, il faudrait que dès que tu descendes de ta voiture, tu as un tapis roulant ou je sais pas, un truc là, qui vient te... te chercher là, qui sort de la voiture et oui. qui t'emmène. Et j'ai l'impression, non mais on parlait de surhomme tout à l'heure. Et par exemple, Porte de Versailles à Paris, vous avez peut-être déjà emprunté ce tapis roulant qui est une sorte d'escalator à plat mais qui est super long. Et on a vraiment l'impression d'être un surhomme en fait quand tu marches. À vitesse normale sur un tapis roulant comme ça. À Châtelet-les-Halles, il y a le même truc. Tu vas à 15 km heure, tu vois. Moi, j'avoue, sans faire d'effort. Ne pas avoir aimé, j'étais un peu déstabilisé. Ça déstabilise au départ, mais j'adore le concept. Mais quand je vivais à Paris, la première fois, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Et après, il y a des fois, je faisais exprès de faire un petit détour pour rentrer où je logeais. Je comprends. Et en fait, je courais sur le tapis. T'as l'impression d'être Usain Bolt, toi. Où c'est extraordinaire, oui. C'est quand t'arrives à la fin. Alors, la première fois, je me suis fait avoir, je me suis ramassé la gueule. Mais après, je sautais pour retomber à pieds joints parce qu'autrement, c'est vrai que t'es complètement dans un autre mouvement. Ah ouais. Après, quand tu remarches, t'as l'impression de. C'est bizarre, ça m'a. Ça oui, fait pareil. C'est bizarre, c'est moins cool là. Bah oui, oui. J'y retourne. Non, mais moi, c'est vrai qu'il y avait cette vision des villes où tu avais des tapis, alors pas en 1900, mais après, dans les années 60, où t'avais toutes les villes qui étaient équipées de grands tapis comme ça, où les gens. J'aimerais bien en fait, c'est-à-dire que par exemple, j'aime pas personnellement les transports en commun. Je suis réfractaire à ça parce que un transport en commun, tu es dépendant de l'autre. Alors c'est une vision très égoïste hein, pour le coup quand je mais t'es dépendant de l'autre, tu dois attendre. Il y a un métro qui passe, tu montes dans le métro, tu subis, etc. Si on avait remplacé, tu vois, les métros par des grands tapis roulants qui allaient à 20 km/h, j'aurais préféré. Tu vois, monter hop sur un tapis, clac, et puis m'en aller quand je veux, quoi. Sur le principe, ça m'aurait sûrement amusé aussi, oui, j'avoue. Voilà. J'avoue. Pour le grand enfant que tu es, c'est peut-être normal. Ouais, j'ai toujours été un grand enfant. Ouais. Sauf quand j'étais petit. Je terminerai par quelque chose d'universel. De quoi est-ce que, quelle que soit l'époque, de quoi est-ce qu'on a toujours parlé entre nous? De la bouffe. entre autres, sinon, on dit de. T'allais dire du jeu de pamplemousse. On parle de là et du. De tous les de la pluie et du beau temps. On parle de la pluie, de la météo. De la météo. Ça a toujours tracassé, ça interroge. Oui, c'est le sujet numéro un quand tu sais pas quoi dire. Non, puis se dire faire face. Alors maintenant, aux aléas climatiques. Il y en a. Ouais. Mais bon, voilà, se dire et quoi qu'il arrive, variation machin. Pourquoi l'an 2000, on imaginerait, enfin en 1900, on n'imaginerait pas qu'en l'an 2000, on puisse contrôler la météo. Ouais, on a un espèce de canon avec lequel on peut faire la météo, la pluie, le beau temps, éloigner. Alors les canons à grêle, il y avait. Oui. Ouais. Mais enfin, je peux vous dire que j'ai lu des choses qui se font à Dubaï parce qu'il faut faire pleuvoir de temps en temps, etc. Des choses. Bon, là, mais c'est de la faute du canon, le réchauffement climatique. Qui sont pas très naturels, mais bon. Non, rien n'est naturel à Dubaï. Hein, mais voilà, je termine là-dessus sur la météo. On a imaginé qu'en l'an 2000, eh ben, on pourrait faire le temps. D'accord. Ça aussi, je pense que ça fait partie des rêves de l'homme, en fait, de pouvoir. Quand on dit l'expression faire la pluie. Le beau temps, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, hein. Ouais. Et de pouvoir influer sur la météo, et c'est plus global en fait. Quand tu peux influer sur la météo, ça veut dire que tu influes sur la nature, et on aimerait contrôler la nature, et on a toujours cherché à le faire, et à chaque fois on s'est toujours fait dépasser à un moment donné en se disant merde, on a encore foiré. Et je pense que c'est pas fini. En parlant de contrôler la nature, t'as essayé de la contrôler avec de la musique? Bah moi je contrôle la musique déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est pour ça, on sait jamais des fois que ça essaierait. Qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter, mon petit Kevin? Quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter? Eh mais quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter? Quoi? Je pense qu'on peut la faire longtemps cette vanne. Ouais, je crois. Avec DJ quoi? What do you want sur Indestar? PK Avenger sur Indestar. Ah mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avenger. Jusqu'à très tard ce soir. Et ça oui. Ouais, ça oui, on a un peu dépassé quand même. C'est la seule chose de vrai, ça. Hein. Ouais, ça oui. Et... Qu'est-ce qui rime avec PK Avenger à chaque fin d'émission? Ah, le jeu! Oui. Le quiz! Même si Teddy est pas là, non. On a notre petit quiz. Évidemment. Tu remplaces Quizman. Avec les mêmes règles idiotes. C'est quoi les règles idiotes? C'est qu'il n'y a pas de règles. C'est qu'il n'y a pas de règles. J'aime bien l'idée. Non, par contre, j'ai eu une seule indication de Teddy qui m'a dit ouais, essaye de faire un petit peu vicieux. Donc quelle surprise, dis donc. J'ai fait un petit peu vicieux, hein, voilà. Donc Teddy qui dit de faire vicieux. Bah oui. Ça me surprend vraiment. Il y a la règle, moi on va rester traditionnel, c'est-à-dire que vous êtes quatre candidats, hein, Thierry, Daniel, Kevin et Océane. Vous pouvez aussi jouer à la maison, ce qui multiplie le nombre de candidats, mais je ne saurais pas vos points. Je ne saurais pas votre classement. Merci Théo. Vous pouvez faire une Jolane, hein, si vous perdez, on rappelle le principe. Si vous avez 0 points. Mais l'idée est quand même d'obtenir des points. Il y a 7 questions, à chaque fois il y a 3 possibilités de réponse. Voilà. Ouais. Donc, et c'est sur le thème du futur, parce que c'est quand même le thème d'aujourd'hui. D'accord. Jusque-là, tout va bien ? Mais nous sommes déjà demain, alors, puisque 0h est passé. Théo, j'ai pas compris, juste au milieu, tu peux juste ça, juste le milieu. Qu'est-ce que j'ai dit au milieu ? C'est rien du tout. Non mais c'est le passé, il est dans le futur, ouais. Donc on s'en fout. Alors, en parlant de futur, il y a un film qu'on aime bien, parce que ça parle de bagnole, parce que c'est les années 80, parce que c'est une trilogie. Non, il n'y a pas que moi, je pense. Et parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Retour vers le futur. Je vais vous parler du... Alors, vous l'avez tous vu, on est d'accord, Retour vers le futur ? Ça vous parle à tous ? Bon. Ouais, y a j'ai même enseigné là-dessus. Vous avez... Bon, très bien. Sauf que là, je vais... On m'a dit d'être vicieux, hein, donc question vicieuse. On est dans le premier. Vous savez, à un moment donné, le doc prévient Marty que la modification des événements qui ont lieu dans le passé auront des répercussions sur le futur. Affecteront le futur. Voilà, notamment sur l'année 1985, qui est l'année dans laquelle vit Marty. Et quand Marty, donc, dans le passé, arrive à faire en sorte que Lorraine, qui est sa mère, qui est éventuellement une quiche aussi, ça c'est fait, embrasse George, son père, pour la première fois, à votre avis, enfin, est-ce que vous savez qui est réapparu en premier sur la photo de famille qu'il a dans sa poche ? Parce que ça avait modifié le cours du temps, ça avait modifié le futur, et là, les choses rentrent dans l'ordre. Mais... Le chien ? Alors, je vous fais des propositions. Soit son frère Dave, soit sa sœur Linda, soit lui, donc en tant que Marty. Je laisse noter les propositions sur la petite ardoise, à l'ancienne. Ça, en 1900, ils n'imaginaient pas qu'en 2020, on serait toujours sur une ardoise. Hein. Oui, mais ils n'avaient pas ce type d'ardoise. Hein. Ah non, c'était pas Véléda. C'était avec les craies. On pourrait avoir une ardoise à craies. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 3, donc c'est lui. Toi, c'est la B, donc c'est sa sœur Linda. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser. Un petit coucou à Linda. Alors, pas la sœur de Marty, mais notre Linda, à nous. Qui est membre de l'équipe de PK. J'ai écrit sa sœur, parce que sa sœur, le stylo ne marche plus là. D'accord. Et toi aussi, c'est sa sœur. Il y a beaucoup de sa sœur. Ouais. Et bah non, c'était lui, c'était Marty. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Daniel qui a la bonne réponse. Hein. Hop là. Très bien. Je soupçonne Daniel, vu qu'il a eu un point, d'avoir déjà eu accès aux réponses. Ou pas. Ouais. Ou le hasard. Bah non, j'ai regardé. Je me disais, c'est pas le moment où justement il n'apparaît pas, mais ça devait être un autre moment où il se rend compte que le passé a été changé. Oui, parce qu'il a toujours, et puis c'est une trilogie, donc il a toujours sa photo de famille, et ça devient récurrent dans les autres épisodes. Il apparaît avec un visage un peu modifié, je crois. Ouais. C'est dans le 2, ça, je crois. Puisqu'on a parlé de failles spatio-temporelles, un petit peu de conjugaison. Vous allez me conjuguer le verbe connaître au futur antérieur. C'est quoi ça? Ah ah! Alors, si on prend elle au pluriel, donc elles auront connu, auront ONT et connu U, elles auraient connu, elles auraient AIENT et connu U, ou elles auraient connu, auraient AIENT et connu UES. À votre avis, on est encore futur de français. Futur antérieur. Le futur antérieur, j'ai trouvé ça marrant de faire du futur antérieur. Alors, la 1 et la 3, c'est quoi? La 1, c'est auront ONT et connu U. Et la 3, c'est aurait connu, aurait AIENT et connu UES. Réponse de Kevin, aurait connu, la dernière, la réponse C, pour toi, c'est auront connu, elles auront connu et elles auraient connu. Ah ouais, c'est mitigé. Vous êtes un magnifique mi-raisin. La bonne réponse, c'est auront connu. On fait confiance à Thierry pour l'orthographe. Non, c'était la B. Non, c'était la 1, la A. Là, ouais. Et Daniel a aussi. Voilà, donc Kevin et Océane. Moi je crois que c'était B, elles auront connu. Ah non, c'est la. Auront connu, c'était la 1. D'accord. Enfin, j'ai écrit elles auront connu, mais j'ai mis B parce que je pense que c'était deuxième. Non, mais bah, du coup, t'as la bonne réponse. Je suis honnête, je veux dire. Non, mais ça fait un point pour toi. T'as bien fait d'écrire par contre la réponse entière, pour le coup. Autrement, t'aurais perdu. Exactement. Un autre film. Qui fait partie du peu de films de science-fiction que j'aime bien. Peut-être parce qu'il y a des bagnoles. On parle d'iRobot avec Will Smith qui vit dans un monde envahi par les robots de différentes générations qui vont se révolter. Mais quel est le nom de la version la plus évoluée de ces robots? Est-ce que ce sont les NS5, les NV5 ou les NG5? C'est trop compliqué pour moi, les gars. C'est quoi ce vieux rire machiavélique tout pourrave? J'aime bien vos têtes, ce que vous faites. C'est trop compliqué. Alors, on a le NS5 pour Daniel. Attends. Ah bah normalement, vous devez répondre avant, hein. Pour toi, c'est les NV5, Kevin. Est-ce que les lettres ont un sens, quoi? NS5. NS5. Alors, pour toi. Souvent, prendre la même réponse que moi, c'est pas mon signe. NV5 pour Océane. Mais je sais pas, c'est trop compliqué. Je cherchais, est-ce que New Generation, New Science Alliance, New quoi? Je sais pas. Bravo sens, Thierry, bravo Daniel, c'était les NS5. Vous marquez un point supplémentaire. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Daniel. Hein. Oh, bah attends. Et par contre, c'est un zéro bonne réponse pour Kevin et Océane. Hein. Ouais! C'est aussi un sans faute. Mais t'inquiète, tu auras un point. Parlons du métaverse, on en parlait tout à l'heure, ou des métaverses, hein, que les marques comme Meta, donc anciennement Facebook, nous promettent comme l'avenir d'Internet et des relations sociales, je sais pas si ça fait très envie, mais bref. On pourra, et même où on peut déjà, s'acheter des objets virtuels, en exemplaire unique, ce qu'on appelle les NFT. Mais ça veut dire quoi les NFT? Est-ce que ça veut dire les non-fungible tokens, les no-feature tools, ou les no-furniture texteur. Thierry, ça va? Non, ça va pas. Non, je crois qu'il vient de décéder. Ouais, je crois qu'il a décédé. Oh, ça va, hein. Furniture, texteur. Après, on se plaint de mon anglais après. Alors. Mais même en comprenant, mais qu'est-ce que ça peut bien désigner? Qu'est-ce que ça peut bien désigner? Je te donnerai la traduction. Je vais peut-être pas le faire répéter, oui. Mais bon. Mais c'est pas. Je suis assez fier de mes autres propositions, figurez-vous. En fait, même si c'est apprécié. Je comprends pas ce que ça peut désigner. Thierry, t'inquiète, j'ai rien compris. Alors, non plus. La traduction, c'est. Thierry, la traduction, c'est jetons non fongibles. D'accord, oui. Donc c'est la une. À tes souhaits. C'était la une, ouais. les jetons non fongibles, c'était la bonne réponse. Bah, l'autre, no feature tools, c'est. Là par contre, je tiens à poser une réclamation. Quoi? Avec ton accent anglais tout pourra, on mériterait un point avec toi. T'aurais fait mieux, toi, vas-y, prononce-le. Hein. Ah, attends. Ouais, bah. Ah non, c'est pas grave. Ça a failli marcher, il a failli attends, me donner attends, les attends, failles. Attends, attends, attends, attends, mais je vais te le faire, toi qui es si malin. Ouais. Vas-y. Alors, c'est lesquels? Ouais. Alors, le premier. Attends, le premier c'est non-fungible token. Ouais. No feature tools. No furniture tools. Tools, alors pour toi c'est tools. Bah oui, le S il se prononce. C'est tools. Tools. Oui, tools, c'est oui. Ouais. Et no furniture texture. Ouais. Bah c'est mieux. Hein. Alors. C'est mieux? Ouais. Bah, allez hop, hop. Moi j'ai mis tools moi. Je ne dirais pas c'est mieux, c'est différent. C'est différent. Différent. Moi je dis ça mérite un point. Non, ouais, c'est l'accent américain. C'est la même merde en différent. Voilà. Il s'est dit il faut que je relève le défi et que j'ai l'air bien. Bah, l'air donc bon. Il a fait tout différent de moi, voilà. Mais c'est pas forcément. Ouais. Dans le jeu Futuro déprimant qui est Cyberpunk 2077, ouais. Y a quand même un espoir dans ce monde dévasté. Le rock n'est pas mort. Ils écoutent yes. Avril Lavigne. Non, je sais pas. Mais par contre, il y a un nom d'un groupe légendaire de Johnny Silverhand, qui est le héros, qui s'appelle les Samouraïs, les Lizzy Weezy ou les Born to be Wild, à votre avis. Oh là là. Bon, Samouraïs, Lizzy Weezy ou Born to be Wild, à votre avis. On a du. Alors, B pour Thierry. On a du B pour Daniel, on a du C pour Océane, et aussi. On a du C pour Kevin. Personne n'a la bonne réponse, c'était les samouraïs. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Le pire, j'hésitais entre la 1 et la 3. C'était tellement simple, je me suis dit, c'est pas possible la 1. J'hésitais dommage, entre Daniel, les deux, c'est ça le pire. Pour ne pas arriver dans quelques années à une apocalypse, il faudrait enlever beaucoup de carbone qui s'est répandu dans l'atmosphère. Et ça, dès maintenant, au 21e siècle, hein, je parle, y a d'ailleurs des idées de projets dont le but est de transformer le carbone en biocarburant. Ce qui serait plutôt chouette. Bill Gates a investi dedans, par exemple. C'est comme si on faisait un rembobinage du processus, finalement, en mode VHS, hein, pour tous ceux qui ont connu. Mais combien de tonnes de carbone faudrait-il éliminer ou transformer pour être, on va dire, safe? 100 milliards? 1000 milliards ou 10 000 milliards? Dans tous les cas, c'est beaucoup, vous avez remarqué. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on y est même pour rentrer. Puis on peut même pas arriver à visualiser ce que ça donne, ouais. Alors, du 1, du 3, du C. Mais personne n'a la bonne réponse. C'était 1000 milliards. Ouais, bah ça me paraissait pas assez, moi. Hein. Ouais, ouais, bah, ça, pourquoi déjà... dès que j'arrête de mettre 2, c'est 2 la bonne réponse? Bah ouais, tu vois. Dernière question. Aïe. Est-ce que je suis plutôt passé, présent ou futur? Bon, bah alors toi, Toi, t'es, sur certaines choses, ah, t'es passé. Est-ce que t'es présent ce soir? Oui. Je vous laisse, je vous laisse répondre. J'ai pas compris, en fait. Bah, en fait, est-ce que moi, je suis plutôt passé, présent ou futur? J'avais dit que c'était vicieux, hein. Comme question. Alors. Alors, j'ai une justification à ma réponse. 2 pour Océane. 3. Les 3. Bah oui. Bah oui, moi aussi. Bah oui. Bah ok. Alors, vas-y, Daniel. J'ai vécu. Alors, moi, je dis présent parce que t'es avec nous, t'es présent avec nous. C'était la justification, effectivement. Présent, vous me voyez pas. Voilà. Mais je vais accepter aussi les réponses de Daniel. J'ai vécu, je vis et je vivrai. Oui. C'est ça. Parce que c'est vrai que le. Non, mais sous certains aspects, le passé, j'aime bien. Ça se voit peut-être dans les voitures, par exemple. T'étais là avec nous hier au début de l'émission. T'étais là avant, oui. Ouais, voilà. Oui, mais puis même le passé un peu plus antérieur. C'est ça. Et puis le futur me fait peur sous certains aspects, mais me fait envie, comme je pense beaucoup de personnes, quoi. Dans le sens où il y a tant de choses à découvrir. Cela dit, il y a une phrase de je ne sais plus qui, un philosophe, qui disait que il y avait rien de mieux que le présent parce que c'est le seul moment où tu peux influer sur ce qui se passe. Le passé c'est trop tard et le futur t'y es pas encore. Donc le présent c'est la seule chose que tu peux changer. En fait c'est ce qui se passe au moment présent. Alors Thierry, tu as 3 points. T'es dégueulasse. Daniel, on n'est pas obligé de dire moi. 5 points. C'est bien. C'est bien Daniel. Ah, j'aime bien être félicité quand même. Kevin, tu as 1 point. Que dire? Si alors, ce n'est que tu vas redoubler. Question, si je dis qu'Anafri c'est génial, j'ai un deuxième point. Tu as toujours qu'un point, malheureusement. D'accord. C'est trop tard. Bon, bah. C'est le passé, tu ne peux plus revenir sur le passé, je rappelle. Hein. Je ne peux pas changer le passé. Exactement. Bien vu. Et Océane, 2 points, c'est mauvais aussi. Donc vous êtes sur cette question. Kevin. Mais il n'y a que toi qui passes à la classe supérieure, Daniel. Hein. Ouais, mais j'étais moins mauvais que Jolan. Ouais, tu n'as pas fait une Jolan. T'as raté ta Jolan. Enfin, t'étais vraiment sur le fil, hein, parce que c'est la dernière question. Ouais, mais c'est. Et parce ça. Que je l'ai accordé. Hein. Bah, heureusement, bah, c'était les trois quand même. C'est facile de dire oui, c'est les trois. Bah, c'était vicieux comme réponse. C'est vrai, mais la question était vicieuse, donc c'est pour ça que je l'ai accordé. Oui, bon. C'est pas faux. On est jeudi soir, enfin, on est même vendredi matin là pour le coup. Oui, c'est marqué depuis vendredi 4 février. Donc, cela dit, il est peut-être mardi soir si vous écoutez cette émission en podcast. Hein. On peut la retrouver où? Ah bah sur toutes les plateformes, vous êtes alors sur indestar.fr, vous avez accès à tout et dans tous les sens, c'est-à-dire que passé, présent, futur. Ça fait vachement bizarre quand oui, même. C'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez sur la page d'accueil, vous avez les derniers podcasts affichés, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit bouton play, c'est parti. Vous pouvez aussi aller sur l'onglet podcast, choisir votre émission et accéder au podcast. Vous pouvez aller en d'autres mots, choisissez sur PKVenger. Les émissions. Cliquez sur le podcast et vous accédez au podcast. Donc en fait, peu importe de la manière dont vous le faites. Tout le chemin mène au podcast. Au podcast, c'est ça, exactement. Ouais. Et si vous avez une autre plateforme de podcast, hein, que ce soit du Deezer, du Spotify, du Google Podcast, du iTunes. Du Daniel Podcast. Du Daniel Podcast. Oh, oui, il va y avoir. Il va y avoir. Ça va arriver. Vous pouvez aussi écouter les podcasts. Il y a aussi certains passages alors, de l'émission, pas forcément ce soir, mais par exemple les vidéos de Woodmac que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis on vous invite également à vous abonner à la chaîne Twitch. Alors. Pareil, on fait pas les émissions forcément en live sur Twitch, mais quand on les fait, ça peut être des morceaux d'émissions. On en a fait mercredi dans Actu Solite, lundi dans Starter. Voilà, vous pouvez vous abonner, comme ça vous êtes notifié à chaque fois qu'il y a un live. Mais bon, de toute façon, vous y avez accès en direct depuis indestar.fr. C'est le principe. Je pense que j'ai tout dit. Hein. C'est le principe. Ouais, t'as à peu près tout dit. Mais c'est le principe du live d'être en direct. Hein. Oui. Oh, oui, en live vidéo. Pardon. Voilà, live vidéo. C'est live mieux quand même. Toi Théo, on te retrouve quand par exemple? Oh bah je sais pas, demain soir dans mon lit. Non. À la radio, pardon, autant pour moi. Oui, c'était pour ça, en émission. Oui, bah lundi soir dans Starter à 21h et mercredi soir aussi à 21h dans Actis. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de lundi soir, ce que vous avez parlé dans Starter ou pas? Les trois roues anglais. D'accord. Voilà. Et Actu Solide, et la Renault Twingo dans le garage. On d'accord. Une petite Renault Twingo. Et Actu Solide, tu as une petite idée ou? Bah ouais, en regardant mon agenda Google futuriste. D'accord. Je vais te dire ça, quel est le d'accord. Thème. Après les Blues Brothers et la forêt. En attendant, nous, Peck Avenger, la semaine prochaine, on va parler d'amour. Oh, c'est mignon, ça, Saint-Valentin. C'est ça. T'as vu, on a fait ça bien quand même. Ouais, bah c'est pile poil dans le thème. En parlant d'amour, il y aura aussi une émission spéciale le vendredi suivant, 17 ou 18 février. Ah bon? Sur. La Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, une émission spéciale, le thème, ça sera qu'avez-vous fait ou que feriez-vous par amour? Alors les trucs les plus fous, les plus décalés seront acceptés comme les trucs les plus sympathiques. Tuer par exemple. Actu solide, rien à voir avec l'amour, hein, mercredi Scarface. Voilà. C'est vrai que oui, ça a rien à voir. Ah mais l'amour, ça laisse des cicatrices. Oui, bah oui. En tout cas, donc, ça laisse des traces. Ouais, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Une bonne nuit aussi. Oui, bonne nuit, oui. Puis bah à la semaine prochaine pour PK Avenger, on va parler d'amour. Oh oui. Oui. Oh, est-ce que tu peux nous lancer l'artiste, Thierry? Lancer l'artiste. Ouh. Alors, l'artiste s'appelle. Je peux enlever le prénom? L'artiste s'appelle. C'est beau ce prénom? Joachim. Ouais. Après, je sais pas. Carude. Carude. Carude. Et c'est Rock Angel. Oh, l'ange du rock. Yes. Comme quoi le rock n'est pas mort. Sur Indestar. Puis bah, à jeudi prochain. Bisous à tous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez. Avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.